retour du patron à la première place. David Guetta gagne 2 positions et se retrouve une nouvelle fois premier ce soir de l'Eurodance 25 avec Bad Way. C'est un petit peu le papa de l'électro, David Guetta. Bonne fête des pères au passage, petite transition. En tout cas, retour de l'Eurodance 25, ça sera dimanche prochain à 18h évidemment. Eurodance 25 sur Fun Radio. Mais quelle actualité chargée, la fête des pères, les révisions du bac qui se terminent puisque les examens commencent demain, la grève à la SNCF, le match de foot et Mickaël qui va arriver évidemment jusqu'à minuit en pleine forme. Ah oh bah en pleine forme. Oui, oui. En pleine forme, tout va bien là. On est au top. Qu'est-ce que t'as fait de beau de ce week-end? Eh ben écoute, footballistique. Ah, tu as maté le foot? Bah quelques trucs, il fallait quand même que je sois un minimum au courant. Et puis ça m'aurait tellement fait de la peine de rater la défaite de l'Espagne. Oh, ah pardon. Ah bon oui forcément oui. Toi t'appelles ça une défaite, j'appelle ça une branlée. Ouais mais c'est parce que je suis gentil tu vois. C'est ce que j'ai mis sur le Facebook, je dis j'ai presque de la peine pour l'Espagne. Bon enfin qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon après. Si ça se trouve on va se prendre une branlée. Enfin on verra bien. Bah écoute, je sais pas, bon moi je suis pour le Portugal, donc après on verra demain. Mais bon pour la France on suivra ça en direct ce soir, bien entendu. Ce soir à partir de 21h. Et puis des maillots de foot aussi à offrir. Hein, donc ce soir à partir de dans quelques secondes là, voilà. Et tu choisirais lequel ça. Toi, la France évidemment hein. Alors si tu veux ça me passe au-dessus. Mais oui si la France gagne tant mieux. Non mais tu dois choisir un maillot, tu prends lequel? Ah moi je prendrais la France. La France évidemment, très bien, parfait. Bon mais t'en auras pas hein, j'annonce mais au cas où quoi. Attends vraiment... peut-être 32-28 heures si je peux gagner. Bah si tu peux essayer ça décrochera pas. Puisque c'est le 01-42-48 5000 qu'il faut appeler chez nous. Voilà tu peux essayer ton bras sur Sandro tiens. Bon bah Miko bah passe une bonne soirée. Belle top, soirée ce soir, tu vas à la piscine comme la semaine dernière ou pas non? Non, repos ce soir. Ah, repos ce soir, tu vas voir le match. Exactement. Bah très bien, parfait. Bon, ah bah allez les bleus alors. Exactement. Allez. Bisous. Bon week-end, enfin bonne fin de week-end. Et nous on est parti jusqu'à minuit en direct sur Fun Radio. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Cette semaine, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup? Vous avez raté ça. Bah moi je voulais réagir parce qu'il m'arrivait aussi des choses un peu spéciales. Donc je sais pas si vous voulez que je vous raconte un petit... Non, on s'en branle. Ça va Dimitri? Oui. Il va falloir qu'on ait ton papa au téléphone. Ah bah oui. Comment il s'appelle ton père? Thierry. Bon passe-nous Thierry alors. Oui bonjour. Dis donc, t'es en train de te foutre de notre gueule ou quoi Dimitri là? Non c'est Thierry là. Tu nous prends pour des tâches ou quoi hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah qu'il est mauvais. Mickaël No Limit pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live. Sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end, footballistique ou pas. Un week-end de révision, probablement. Putain, ils doivent avoir la rage, hein, ceux qui sont en train de réviser pour le bac, pour les examens un peu à gauche, à droite. Et pour les fans de foot, il y a ça. Alors, un peu en plus avant, il y avait Roland Garros. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même tout pour vous emmerder. Hein. Ça arrive vraiment au pire moment. Alors qu'ils auraient pu déplacer ce putain de bac et le mettre, je sais pas moi, en novembre. Il n'y a rien en novembre, il fait mauvais, on est bien, il n'y a rien à faire à part ça. Je trouve que ça aurait été quand même vachement plus logique. Bon, enfin bon. Bon, quoi qu'il en soit, une petite pensée aussi pour tous ceux qui passent le bac et tous les examens d'ailleurs demain, qui vont galérer avec notamment la SNCF, pour ceux qui prennent les transports, qui est encore en grève. Bah oui, mais bon. Bah oui, mais... C'est aussi, il faut qu'ils puissent regarder les matchs. Bah voilà, faut bien faire la grève. C'est vrai. J'ai pas fait le lien, ouais. Comme par hasard, étonnant, tiens. Je n'irai pas faire le raccourci que... Mais tout de même. Mais s'il y avait la télé dans les trains, ça saurait. Et voilà, c'est ça. Et bon, enfin, en même temps, tu peux regarder avec l'iPhone, avec l'iPad, avec ce que tu veux maintenant. Ouais, hein, donc, Ah oui, comme par hasard. Quoi qu'il en soit, on est là pour faire passer un bon moment, puisque bah comme tous les soirs, on est en direct. Il y a quelque chose de bien à la radio. 20h minuit, c'est le dimanche. 23h, 2h, c'est du lundi au jeudi. D'ailleurs, on sera là toute la semaine prochaine, bien entendu, de 23h à 2h du mat. Et puis, bah bonne nouvelle également, là, dès le début, on va démarrer les choses clairement. Bah, déjà, on va saluer Sandro qui a passé un bon week-end. Ouais, en qui a suivi le foot, hein, elle a passé son week-end à m'envoyer des textos. Ah t'as vu putain le but, t'as le coup franc, oh là là là là, penalty, il y avait faute. Enfin bon bref, elle m'a saoulé tout le week-end. Donc voilà, donc t'as suivi quel match ce week-end, le Cameroun? Je crois que t'as eu Angleterre. Ouais mais t'as fait Cameroun, t'étais à fond sur Cameroun, non? Non. Ah bon. Moi je pensais que c'était Cameroun, c'est par rapport à la taille. Enfin bref. Bon, visiblement pas. Toff, lui aussi d'ailleurs, qui était à fond. Hein. Ah bah grave, moi j'ai vu tous les matchs. Hein. Ah bah il était avec ses amis en train de mater les matchs. Écoute-moi bien, espèce d'enculé de tes morts. Bah moi je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Très bonne ambiance au niveau du foot. Faut que tu tapes ta queue, connard. Voilà, et puis dès qu'il donnait son avis. De connard, de mange-merde, de trou du cul que tu es. Voilà, donc moralité, mieux vaut pas demander de conseils footballistiques à Toff. Non, surtout pas, voilà. Mes amis. Bah, grosso modo, c'est ça. D'ailleurs, on fera les appels malveillants. Le premier arrive dans une bonne demi-heure. Restez bien sur Fun Radio, bien sûr. Polo, qui a passé le week-end en retraite avec ses doux, anti-foot, évidemment, puisqu'il les a entraînés ce week-end. Hein, pendant que tout le monde va regarder la Coupe du Monde, tu vas pouvoir prendre le contrôle. Je suis pas anti-foot, mais ça m'intéresse pas des pas masses. Plus à part, que ça, quoi. À part quand l'Espagne se fait écraser. Oui, mais après, ça c'est différent, ouais. Évidemment. Bon, si vous avez envie d'écouter un son en particulier ce soir, bah, vous demandez. Comme Layam, qui est avec nous maintenant, là. Salut Layam. Et il est où Noël? Oasis, Van de Rocker. C'est ça, ouais. Voilà, Van d'Anglais, on va dire ça comme ça. Ça va Layam? Ouais, toi... c'est Liam. Ah, c'est Liam. Ouais, mais enfin, si tu... Merci Sandro. Hein. Bah, disons que plus tard, tu vas comprendre que ça vient de Liam et que c'est anglais à la base ton nom. Hein. Non, c'est irlandais. Oui, enfin, irlandais, mais enfin, ça. Tu prononces... en Irlande, ils prononcent pas Liam, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, peut-être, c'est comme Michael, tu vois, normalement, c'est Michael à la base. À la base. Ouais. Ça s'écrit avec CK, ce qui est pas mon cas, donc normalement, dorénavant, appelez-moi Michael. Yeah, Michael, ok. Yeah, yeah. Ok, ça me paraît pas mal. Il y aura Michael et Liam. Ok, Liam? Ok, c'est Liam. Bon, d'accord, ok. Je suis français. Je suis français, oui, exactement. Bon, Liam, t'as passé un bon week-end? Ouais, ça va. Très bien. En disant Liam, les gens qui viennent d'arriver doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il est con cet animateur, il sait pas prononcer les mots en anglais. Ouais. Bah oui, mais c'est vrai. Bon, Liam, t'as fait quoi ce week-end? T'as regardé un peu le foot ou tu t'en fous? Je m'en fous pas, mais je suis pas super fan. D'accord, mais tu vas quand même regarder, en tout cas suivre via nous l'équipe de France ce soir. Tout à fait. Évidemment. Bah écoute, c'est parfait. Reste là, on vous tiendra au jus de tout ce qui se passe à partir de 21h bien entendu, puisque c'est la France face à l'Honduras. Voilà, donc si vous avez pronostics d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les communiquer bien entendu. Et en parlant de football, je rappelle que j'ai des maillots également à vous offrir ce soir. Maillot de foot avec Pro Soccer. Ils sont beaux, hein. Ouais, ah bah maillot de foot, on a à vous filer, on a des chaussures de foot et on a les ballons. Attention, tous les maillots bien entendu officiels du Mondial 2014. Pareil pour le ballon et pareil bien entendu aussi pour les chaussures. Il y a des Adidas, il y a les Nike, bref, c'est toutes les chaussures officielles de toutes les équipes. Donc si vous voulez en choisir, n'hésitez pas. Mais avant cela, question magnifique, grande et énorme question pour repartir avec ça. Je rappelle que la totale vaut 450 €. Rien que les baskets, par exemple, les chaussures de foot, ça vaut 200 €. Le maillot, ça vaut une petite centaine d'euros, je crois. Donc première question, enfin la seule et unique d'ailleurs, on donnera la réponse vers 22h. Alors attention. En 1998, tu sais ce qui s'est passé en 98, Liam ou pas? Liam, pardon. La victoire de la France, je crois. Voilà, exactement. Mais la victoire en finale face au Brésil, c'est gagné avec combien de buts? Ne dis rien, Liam, hein, attention, sinon je te vire. De toute façon, je sais même pas. Ah bah tu sais pas, très bien. Alors, la France a écrasé le Brésil avec... Donc le Brésil a fait 0 but. Hein. Donc avec 1, 2, 3... ou 4 buts. Voilà, donc c'était 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0. La victoire de l'équipe de France en 98 face au Brésil en Coupe du Monde. Si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir avec les maillots, vous choisissez une des équipes qui se trouve au Mondial là, cette année, hein, vous n'hésitez pas, il y a le ballon de foot, il y a les chaussures également. Et ben vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse, envoyez ça au 64-900 par SMS. Au 63-22 depuis la Belgique, on tire au sort avant 22h. La France, en 98, a gagné face au Brésil, mais avec combien de buts? 1, 2, 3 ou 4-0? Voilà, allez-y, bonne chance tout le monde. Vous vous envoyez votre message, votre réponse. Et Mickaël est la réponse au 64-900, bonne chance. Bon, Liam, toi, tu nous appelais pour quoi, toi? Bah, pour devenir un doux, bien sûr. Ah, tu veux devenir doux? Ok. Bon, bah écoute, je te passe Polo, alors, hein, le grand patron de la douceur. Allô, Liam! Incroyable de dire ça, Polo, le grand patron de la douceur. Mec le plus énervant et énervé de la Terre. Comment tu m'as appelé? Maître. Je vous salue, jeune disciple. Vous voulez rentrer dans l'armée des doux? Oui. Très bien, Liam, mettez-vous à genoux. C'est fait. C'est bien? Bon, ouais, insulte-toi, Liam. Je suis aussi beau que toi, je suis aussi intelligent que Polo. C'est tout? C'est pas des insultes? Je suis aussi drôle que Mickaël. Ah, c'est des sacrées insultes. Hein. Bah, c'est pas vraiment des insultes. Ouais, enfin, bon, c'est pas vraiment. Bah, aussi beau que ta fouille, après pour le reste. Bon, prends ton téléphone dans la main droite, c'est important. Oui, c'est bon, tape-toi sur la tête. C'est un morceau de bois, ça. Retape. Non, vraiment sur la tête. Sur la tête. Oh, non, c'est pas mieux, vrai. Mais bon. C'est bon. Un iPhone 4, c'est du plastique, c'est ça? C'est du verre. Ouais, c'est du verre. Enfin, non, le 4. Ouais, oui, de toute façon, on a un pot de verre au-dessus. Bon, Liam, malgré ton mensonge à l'effronté, tu es baptisé doux. Bienvenue dans la confrérie des doux. Bravo, wow. Liam. Merci. Et tu seras le doux Liam Miam Miam. Le doux Liam Miam Miam, voilà. Tu peux donc changer ton pseudo Twitter, Facebook, ouais. Instagram, si tu l'as, en t'appelant dorénavant le doux Miam Miam Miam, comme tous les autres doux le font d'ailleurs, hein, sur leur Facebook, Twitter ouais. et Instagram. Et je rappelle pour ceux qui débarquent pour la première fois, car oui, il y en a plein qui débarquent tous les soirs sur Fun, et ben un doux est un auditeur de Fun, comme vous avez pu le remarquer, qui n'a pas mué ou qui a moins de 15 ans. Seuls eux peuvent devenir doux, bien entendu, doux officiel. Bon Liam, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Wiggle, c'est Jay-Z ou Jason Derulo? Jay-Z ou Jason Derulo? Ah, Wiggle, Jason Derulo, et celui-là. Voilà, tout à fait. Parfait, bah, très bon choix. On te le passera tout à l'heure avant la fin de l'émission, évidemment. Jason Derulo et Snoop Dogg avec Wiggle. Ouais, tu peux faire des dédicaces? Eh ben vas-y, hein, tu peux en faire deux puisque t'es doux officiel, ouais. T'as le droit, vas-y, vas-y. Alors, une dédicace à Salomé, ma ouais. sœur, et une dédicace à ma mère qui est la meilleure mère du monde. Oh! Toi, t'as des mauvaises notes à faire passer bientôt, toi. Non, pas du tout. Ouais. Bon, ça roule. Salut à toi, Liam. Ciao. Ouais, Mickaël. Ouais, ouais, Liam. Liam. On va avoir un petit pack fun. Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Non, si je plaisante, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse tout de suite. Merci salut beaucoup. Liam. Ciao à salut toi, Simon. Bientôt. Salut, allez, l'équipe. Bye. On aura Jimmy aussi de Castres dans quelques minutes. T'es là, Jimmy? Salut, Mickaël. Salut, toute l'équipe. T'es en forme? Ouais, ça va. Ouais. Bon, Jimmy qu'on a eu jeudi en fin d'émission, il avait un problème avec sa meuf et Badou, puisqu'il y a un pote à lui qui a repris son compte. Ah oui. Et donc du coup sa meuf a grillé le compte de Jimmy qui en fait n'est pas le sien, mais elle a cru que c'était quand même le sien, du coup ça a été la guerre, tu l'as revu ce week-end et ouais. tu vas nous donner des infos dans quelques minutes. Ah. Tu restes avec nous? Ouais, ouais, pas de soucis. Bon bah bouge pas, t'as envie d'écouter un son toi en particulier ce soir ou pas? Fonzie, ouais, j'écouterai bien. Fonzie, d'accord, ok. Dans Happy Days. Ouais, Sunday, Monday, Happy Days. Enfin, c'est pas trop non, le... c'est pas trop celui-là qu'on va écouter, évidemment. Sinon, il y a aussi Ariana Grande qu'on va écouter tout à l'heure avant 21h, tiens. Avec Problem, tu connais ça? Non. Non, eh ben, tu vas le découvrir. On vous l'avait fait découvrir sur Fun il y a quelques semaines. Ariana Grande dans quelques minutes. Et puis, on passera aussi, bien sûr, juste après la pub, le son de Pitbull et Gillo, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde. We are one. Est-ce que t'as un pronostic ce soir pour l'équipe de France, Jimmy? Franchement, je pense qu'ils vont perdre. Ah bon? Bah, c'est pas comme s'ils étaient mauvais depuis le début de la compétition, quoi. Bah non, mais ça va. Bah, en même temps, ils ont pas encore commencé la compétition. C'était ouf ou quoi? C'est leur premier match. Non, j'ai pas dit de qualif, ils ont failli ne jamais passer. Bah si, sinon ils seraient pas en Coupe du Monde. Ouais, mais ils ont failli ne pas passer. Ils ont failli, mais bon, après, voilà, ils ont failli, mais... L'Espagne devait gagner, hein. L'Espagne devait gagner, et puis voilà, il y a Jeanne Françoise qui dit le massacre de la Roja par les Pays-Bas, c'était tellement jouissif. Ouais, et ouais, Nadia Lopras qui dit, allez, moi, je dis un petit 3-1 pour la France ce soir, en tout cas, tant qu'on gagne, c'est déjà le principal, bah, ça c'est sûr. Et puis Julie qui dit, je veux le t-shirt. Ouais, d'ailleurs, je vous ai mis une belle photo pour bah, les supporters portugais, bien sûr, du maillot du Portugal qu'on vous offre, que vous pouvez donc gagner ce soir, entre autres parmi tous les autres maillots, bien entendu, si vous avez la réponse à cette grande question. Quelle est la France a gagné en 98 face au Brésil en Coupe du Monde à la finale, tout ça vous le savez évidemment, mais elle a gagné avec combien de buts? Le Brésil a fait 0 et la France en a fait 1, 2, 3 ou 4-0 pour gagner ce mondial en 98. Si vous avez la réponse, envoyez Amy, quelle est la réponse, au 64 900. Il est très beau ce t-shirt, mais le problème c'est quand tu fais des travaux, parce que bon, comme c'est le maillot du Portugal, ça, c'est un peu salissant. Pour voir un pauvre con. Bon allez, reste avec nous Jimmy, là. Il y en a d'autres, hein. Il y a le maillot de la Roja qu'on a reçu aussi, il y a la Belgique, il y a l'Algérie, il y a la France évidemment, fatalement. Il y a la France, il y a la Suisse, il y en a plein, hein, l'Argentine, le Brésil, tout est à gagner, il n'y a pas de problème, je vous souhaite bonne chance. Comme dit, je le disais, Pitbull débarque dans quelques minutes sur Fun Radio, Pitbull avec Gillo. Ce sera We Are One, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est ensemble, tranquille, pépère jusqu'à minuit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit, No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct, il est 20h13 sur Fun Radio. Allez, allez, il y a Jordan qui dit salut Mickaël, pronostic 3-1 pour la France ce soir, bisous à l'équipe. Romain qui dit bonne chance pour les futurs bacheliers, perso je suis en vacances, bah profites-en bien Robin là. Et puis Alexis qui dit merci Mickaël sur Fun pour le cadeau du top Twitos, je l'ai passé à ma sœur, elle est ravie. Ah oui, le sextoy offert par... Passage du désir.fr. Et d'ailleurs on en aura d'autres à vous offrir ce soir, pour ça il faut tweeter un maximum de fois ce soir avec le hashtag MIKL sur Fun. Voilà, si vous tweetez un maximum de fois et que vous êtes numéro 1 ce soir, eh ben vous repartirez tout simplement avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, et puis pour tous les autres, évidemment, je rappelle qu'il y a les maillots de foot, les ballons de foot et les chaussures de foot à gagner. Alors attention, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est vrai qu'on peut se dire oh putain, c'est des cadeaux pour mecs, mais non, pas vraiment, puisque, bon, alors évidemment, c'est surtout les mecs, mais une fille avec un maillot un petit peu serrant, ouais, oh, c'est ça peut être hyper sexe. Ouais, ouais. Bon, on va essayer de trouver Toff là, essayer de trouver une meuf sur Google avec un maillot de la France, du Portugal ou n'importe quoi, un peu en mode sexy. Vous allez voir que c'est hyper sexy. Donc si vous voulez les gagner, eh ben il y a toujours la même question que j'ai posée tout à l'heure. La France a gagné en 98 face au Brésil la Coupe du Monde 98, mais avec combien de buts? La Brésil avait fait 0 et la France avait fait 1, 2, 3 ou 4-0. Si vous avez la réponse, bah allez-y, balancez vos messages. Il y a un message qui dit les deux buts les Français ont mis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ben lui, on a vu plein de fois le message. C'est dommage, tu l'as envoyé plein de fois, mais c'est chaque fois la mauvaise réponse, évidemment. Donc vous envoyez, si vous avez la réponse, M-I-K-L, suivi de votre réponse et de votre numéro de téléphone au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Proposez également 1-0, également 5-0. Oui, alors c'est une bonne idée, mais ce n'est pas dans les propositions. Si je me fais chier à donner les propositions, c'est que c'est dans parmi celles-là, sinon c'est ce qu'on appelle la triche. Bon, en tout cas, bonne chance tout le monde. On écoute Ariana Grande maintenant sur Fun Radio avec Problem. À moins qu'on se mette Pitbull d'abord. Non, mais comme c'est Coupe du Monde, on va plutôt se mettre Pitbull. Hop là. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, nos limites, de 20h à minuit sur Fun Radio. Toujours en direct, il est 20h19 sur Fun Radio. Balancez vos messages et n'oubliez pas avec le hashtag MIKL sur Fun. Balancez tous vos messages en direct sur le Twitter de l'émission. Et puis bah, je rappelle que si vous êtes celui qui a envoyé le plus de messages, eh bien vous repartirez avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, et si vous êtes mineur, avec un autre cadeau, bien entendu. Il y a le Doumo qui dit j'écoute Mickaël sur Fun en jouant dans Minecraft dans un serveur. J'ai demandé si quelqu'un connaissait l'émission et il y a encore personne. Ah bah c'est normal, on vient d'arriver. Le Doumo, là, l'émission est toute jeune, mais ça tombe bien le Doumo. Je rappelle que si tu t'appelles le Doumo, c'est que tu as été officialisé Dou, ce qui veut dire que sur tes épaules, il y a la charge de faire connaître l'émission à tous ceux que tu connais. Moralité, à ceux également qui sont sur le serveur dans Minecraft. Donc dis-leur d'écouter l'émission en direct en même temps que toi. Et puis comme ça vous allez pouvoir réagir tous ensemble. Je compte sur toi le Doumou. Adrien aussi qui dit Mickaël, t'es pour le Portugal pour la Coupe du Monde? Ah bah oui, évidemment, je suis portugais. Donc je suis Belgique et Portugal. Bah forcément. Alors je travaille en France, donc je suis pour la France, mais je suis né en Belgique, donc je suis pour la Belgique, mais à côté de ça je suis portugais, donc je suis pour le Portugal. En gros, j'ai une chance sur trois de gagner la Coupe du Monde. Bah oui. Donc voilà, comme ça, si jamais la Belgique gagne, je serai pour la Belgique, c'est la France, je serai pour la France, et le Portugal, je serai pour le Portugal. Et comme Toff est flamand, il est pour la Hollande. Ah oui, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a Arthur qui dit aussi sur le Facebook, salut, comment on fait pour gagner les maillots de foot? Sinon, restez comme vous êtes, je vous kiffe. Merci Arthur. Bah, il faut répondre à la question. Question suivante, donc la France a battu le Brésil en 98, en finale de la Coupe du Monde, mais avec quel était le score? 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0? Si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Zacharia qui dit la réponse de la question, la France a battu le Brésil 2-0. C'est une mauvaise réponse, Zacharia. Et puis Mélanie qui dit Mickaël, c'était 4 buts. Non, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Bon, alors retour avec Jimmy avant de faire les appels malveillants avec Toff. Là, t'es là, Jimmy? Ouais, je suis là. Mickaël, bon, ouais. Petite question par hasard, j'ai le droit de participer ou pas? Oui, tu envoies ton message comme tout le monde, ou alors tu vois avec Sandro direct. Étant au téléphone avec toi, ça va être compliqué de t'envoyer. Tu peux donner la réponse éventuellement à Sandro en antenne après, mais donne pas la réponse à l'antenne, parce que sinon forcément, non seulement tu risques de pas être tiré au sort, puisque bah ils font tir au sort parmi tous ceux qui ont participé, mais en plus tu vas probablement donner la bonne réponse à tout le monde, comme ça au moins il y aura plus de problème. Donc garde-la pour toi, sait-on jamais. D'accord. Et puis tu la donnes au standard, on te mettra dans le même pot exceptionnellement, et puis voilà, d'accord? Ok, merci. Bon, ça roule. Allez, bonne chance les autres. Bon, Jimmy, alors, oui. Résumons le problème. Enfin, le problème. Oui, c'est un problème dans l'absolu. Ouais. Jeudi soir, tu nous appelles, tu sors avec ta meuf depuis combien de temps? Ça fait bientôt 7 mois, du coup. Bon, voilà, depuis 7 mois. Et donc, le problème, c'est que t'avais un compte Badou. Ton pote a récupéré ton compte Badou, sauf que c'est abruti et il a continué à poster avec ta photo et tes infos. Bah, il a raison. Moi, voilà. Si je devais le faire, je mettrais une photo de Mickaël ou de Polo. Ouais, quoi, mais bien sûr, évidemment, avec mon beau maillot du Portugal. Ah ouais, grave. Bien sûr. Arrête, parce que je crois qu'il y a des mecs qui ont fait ça avec ma tête. Parce que des fois, sur Polo à fanradio.fr, je reçois des trucs arrivé, Badou. Ça m'est arrivé aussi. Un largeur pénis. Mais vous avez changé votre compte Badou? Bah non, j'ai pas de compte Badou. Alors là. Et donc du coup ta meuf est tombée dessus, elle t'a fait un drame puisqu'elle a cru que t'étais inscrit sur Badou moralité, que tu cherchais une meuf, en tout cas que t'étais ouvert à une relation plus ou moins courte ou longue hein, dans l'absolu. Et ouais, du coup ça a été le drame. Évidemment, elle n'a pas cru quand t'as dit que c'était ton pote qui avait fait le truc, parce que c'est quand même digne d'un mauvais mensonge hein. Même si c'est vrai, je veux bien le croire, mais ça reste quand même un mytho de merde hein. Ouais, mais oui, c'est pas moi en fait, c'est mon meilleur ami. Oui, qui, c'est ça. Je l'ai aidé. Oui, je l'ai aidé, mais oui, c'est ça. Et si je crois pas ça, tu m'en racontes une autre. Eh ben oui. Donc on avait, je t'avais proposé de l'appeler, c'était jeudi, mais il était hyper tard et comme c'était un peu tendu, je t'ai dit, écoute, on va pas l'appeler à 2h du mat parce qu'elle risque d'être un peu de mauvais poil. Comme moi, tu la voyais samedi. Le lendemain, voilà. Fait. Tu l'as vu le samedi ou vendredi, je sais plus, peu importe. Et ouais, aujourd'hui, quel est donc le résultat, et j'ai envie de dire qu'est-ce qui s'est passé quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, roulement de tambour, attention une seconde. Bonjour. Attention, attends. On fait du tambour là. Alors. Donc bah on s'est vu, on a beaucoup discuté, elle a beaucoup pleuré. Ouais. Et le truc c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'elle veut pour l'instant toujours pas revenir avec moi parce que ça l'a fait bien flipper tout ça. Elle m'a dit ouais, j'ai accordé pas mal assez de secondes chances pour savoir qu'en général ça fonctionne jamais. D'accord. Et du coup. Mais elle a pleuré, coup... elle a pleuré comment? Elle a pleuré comme ça ou pas? Énervée ou pas? Non, elle a pleuré plus dans le genre un peu blasé. Oh, la peau. Est-ce qu'elle a pleuré comme Toff? Ou pas? Non, heureusement non. Ah bon, merde, attends, tant pis. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qu'il a dit alors? Elle est un peu en panique, tout ça. Et du coup, moi, je lui ai demandé surtout d'accorder une seconde chance à notre couple, parce que du coup, ça serait con que ça se termine comme ça. Oui, bah et, oui. Et comme je t'ai dit, ouais, j'ai l'impression que ça lui fait surtout peur, et du coup, voilà. Bon, et est-ce que t'as quand même besoin qu'on l'appelle, tu vois, genre, histoire de faire un petit coup de main quoi? Je veux bien, mais là elle est au travail donc ça va être tendu. Bon, elle travaille jusqu'à quelle heure? La soirée, ouais, ça sera normalement possible. C'est vers quelle heure et qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Elle est hôtesse dans un hôtel. Ah, où ça? Hôtesse d'accueil. Où ça? L'abbaye école de Sorèze. D'accord, écoute, ça peut servir, pourquoi pas à l'occasion, hein, n'hésitons pas d'ailleurs. Bon, ça et elle travaille. Un grand hôtel. Jusqu'à quelle heure elle travaille? Normalement 23h. Bon bah parfait, bon, on l'appelle à 23h alors. Hey, si on t'arrange le coup, t'es honnête avec elle, tu restes avec elle au moins 50 ans, hein, tu nous casses pas les couilles. Hein. Évidemment. Franchement, si c'était possible, mais carrément. Ouais. On va te surveiller. Hein. C'est ça, il y a Nadia qui dit le Badou, le site interdit ou doux, elle était facile. Ouais, évidemment, ouais. Merci Nadia pour cette magnifique, ce beau slogan là. Et Jeanne-Françoise qui dit la réponse c'est que le Brésil a déclaré forfait quand la France a montré une photo de Toff. Non, parce que bon, en 98, Toff avait 17 ans. Hein. À l'époque, il était pas beau gosse, mais il était blond. Mmh. Oui, c'est vrai. Il était blond. Bah, c'est quand je l'ai connu. Ah non, deux ans après. Deux ans avant, blond, je l'ai connu. Ah oui, il était blond. On s'en rend pas compte comme ça maintenant. Hein, mais... Ouais, c'est ça. Non, ouais, vrai, mais... Ah, il était blond. Hein, ouais, c'est... blond comme les blés. Ouais, il était ma grand-mère. Si. Non, mais attends, alors attention, j'annonce également la bonne nouvelle, c'est que sa mère est d'accord pour qu'on fasse l'émission NC4 en direct de chez elle. Et là, je peux vous dire qu'en termes de dossier photo. Non, mais attends. Il va y avoir du dossier. Mais t'étais blond. Ah ouais, blond. Mais... C'est improbable. Bah, si, blond. Il était blond. Blond comme une. Comme une ricaine, tu vois, les ricaines, quoi, tu vois. Blonde. Les californiennes, mais ils avaient les cheveux longs et tout. Et ouais, blond avec les yeux bleus et tout. Mais je t'assure. Je vais. Donc faut que j'envoie à ma mère une photo. Bah oui, bah demande à ta mère maintenant. Tiens, on peut la voir, tu crois, ce soir? Ouais, faut l'appeler, je vais l'appeler. Bon bah appelle, sinon on l'appelle en direct. Non. Bon, Jimmy, bah merci en tout cas d'avoir appelé. On te rappelle à 23h pour qu'on appelle ta copine donc ce soir, ok? Ok, pas de soucis. Ça roule. Salut Jimmy, ciao, à bientôt. À tout à l'heure. Allez, bye bye. Ouais, bah tout à l'heure, effectivement. Il y a Raphaël qui est avec nous également là. Salut Raph. Salut Michel, ça va? Bah ouais, ça te concerne pas encore toi le bac, toi t'es tranquille encore un an. Oh non, là je suis en seconde, tranquille. Oh t'es pépère, alors d'accord, ok. Non parce que comme c'est le bac de philo demain, on va en profiter pour parler de vos pires techniques de triche. Bon, cela dit, même si vous n'êtes pas encore au bac, vous avez certainement déjà triché bien entendu. Donc on oublie évidemment le tatouage à la Prison Break, le laveur de carreaux qui vient vous souffler les réponses, etc. J'aimerais bien voir un mec qui fait ça quand même, tu sais, qui fait, oui, qui demande à son pote de venir faire les carreaux pour les souffler. C'est possible, tout est possible. Donc venez nous donner vos techniques. Venez nous donner vos techniques, peut-être qu'on peut encore aider quelqu'un. Hein. T'as une bonne technique toi ou pas, même si t'appelais pas pour ça, Raph? Non, moi je pas de technique, moi je suis tranquille. Ah, toi tu triches pas toi, non? Non. Toi t'achètes les exams, c'est encore mieux, c'est plus facile. Non, lui il veut se rater sa vie. Ouais, c'est ça, j'ai décidé de rater ma vie, tout à fait. C'est un métier, monsieur. Quel est le problème? Non, je travaille. Tu fais quoi, toi? Je suis dans le service. Dans le service de quoi? Serveur. Ah, un serveur, d'accord, ok, très bien. Bon, alors Raph, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? On parle de... Parce que j'ai toujours un problème avec les filles, j'ai toujours voir les filles, je les aborde, à la fin j'ai réussi mon coup. Tu rates ton coup à chaque fois, c'est ça? Non, j'ai réussi mon coup. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah ouais, je vois pas en quoi c'est un problème, moi bah j'aimerais bien c'est pouvoir pas faire ça. C'est clair. Voilà, j'ai trop de chance, j'ai trop de filles à avoir, je sais pas qui elle a choisi. Ah d'accord, ok, t'as trop de choix. Bon attends, bouge pas Raphaël. On va parler avec toi dans quelques minutes. On va se faire les appels de Toff aussi, les appels malveillants. Et ce sera à base de sexe évidemment, hein, comme, bah, toujours, comme toujours, 99% toujours. Du temps. Mais à base d'animaux également. Oui, puisque une vétérinaire. Voilà, qui a fait une étude sur les dauphins. Ouais. Et soi-disant qu'à la fin, en fait, le dauphin qu'elle étudiait, ils auraient eu une relation et... Ils auraient fait l'amour. Exactement, avec un dauphin. Donc du coup, on avait appelé des gens pour voir s'ils avaient déjà eu des relations avec un dauphin, etc. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on fait ça dans quelques minutes. On appellera plein de gens également, là. 20h29 sur Fun, on est toujours en direct. Il est c'est Fun Radio et puis on est jusqu'à minuit, je vais y arriver. Ariana Grande, on écoute Problème sur Fun. Ariana Grande sur Fun Radio, c'était Problème. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Et restez bien là, puisqu'il y aura Global DJ tout à l'heure avec We're on a Night. Et si vous voulez écouter des sons particuliers, vous mettez le hashtag MIKL sur Fun sur Twitter, et puis vous demandez le titre que vous voulez, hein, ou simplement en envoyant MIKL et la chanson que vous voulez au 64-900 tout simplement également. Et on l'avait demandé aussi, le son de Gilo arrive. Gilo avec First Love, ça va débarquer sur Fun. Allez, 20h33, il y a Ophélie Wendy qui dit Mickaël, moi pour tricher, j'aide le mec d'à côté pour ses DM et il me donne toutes les réponses en histoire car je suis nul en histoire. C'est bien Ophélie, ouais. Pourquoi pas, c'est une bonne technique. Puisqu'on vous demandait, vu que c'est le bac, etc., et les examens pour tout le monde, si vous aviez de bons conseils triche. Et surtout, est-ce que vous avez déjà fait une triche que vous avez ratée puisque vous êtes fait gauler? Voilà, n'hésitez pas aussi à nous appeler pour nous le dire. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Sans oublier que vous pouvez, comme je le disais, envoyer Mickaël et votre message au 64-900. Jeanne-Françoise qui dit en fait, je suis un peu méchante avec Toff, pour me rattraper, je lui envoie un bisou. Oh, merci Jeanne-Françoise. Pour une fois, et Naomi aussi. Je t'embrasse. Naomi sur le Twitter qui dit pas court pendant une semaine, poids, du lourd ou pas, ragez bien, je penserai à vous, promis. Ah bah, très bien Naomi, bah, profites-en bien et balancez vos messages aussi avec le hashtag MIKL sur Fun. Damien qui dit 3-1 pour la France et ton t-shirt du Portugal il déchire et t'offre ta gueule avec tes blagues de merde. Voilà, comme ça le message est passé. Et donc tous les maillots de foot, chaussures de foot et ballons de foot officiels de ce mondial 2014 à gagner donc avec Pro Soccer France. Et si vous voulez le gagner, bah, il suffit d'envoyer la réponse à la question que je vous pose depuis tout à l'heure, depuis 20h. La France a battu le Brésil en 98 en finale de la Coupe du Monde, mais quel était le score final? 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 par SMS ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Mickaël, c'était 1-0 pour la France, c'est pas ça. Dylan qui dit la réponse était 4-0, 1-0 aussi. Attends, un but les Français ont mis en 98, 4 buts les Français ont mis en 98. C'est bien parce que c'est le même qui a envoyé 4 fois le message, comme ça il était sûr tombé au moins une fois sur la bonne. Bon, allez, bonne chance tout le monde, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900. Et si vous êtes tiré au sort avant 22h30, eh bien vous repartirez avec le maillot de foot ou avec le ballon ou alors avec les pompes tout simplement. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'ai mis toutes les photos sur le Facebook de l'émission. Vous nous rejoignez en tapant Mickaël officiel. Bon, parlons de choses sérieuses. Le sexe avec les animaux, évidemment à ne pas faire car c'est dégueulasse. Oui, soit clair. Et s'il y a des maladies? Et c'est illégal, et puis surtout, bah, on était tombé sur cette info, hein, c'était quoi comme... c'était une américaine, non? Je crois que c'était une américaine, ouais. En fait, une vétérinaire américaine qui s'occupait donc dans un dolphinarium de dauphins, et donc à la fin, soi-disant, elle a couché avec lui. Voilà, c'est ça. Donc on avait appelé des gens pour leur demander s'ils avaient déjà couché avec un dauphin. Si vous avez des numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que ceux-là... Donc tu t'attaques ta queue, connard. Voilà. N'hésitez pas, des amis ou des ennemis, bien entendu, à envoyer les numéros de téléphone de gens qu'on doit appeler sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, allez, c'est parti. On y va, on appelle le premier maintenant, 20h35. Oui, bonsoir madame. Bonjour. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à avoir des rapports sexuels avec des animaux. Allez vous faire foutre, monsieur, c'est de gros con. Enfoiré. Pourquoi vous dites ça, madame? Très sympathique, comme vous avez pu le remarquer, hein. On remet le couvert. Allez hop, c'est parti. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà eu peut-être l'idée de faire l'amour avec un animal. Vous moquez de moi ou quoi? Ah non, pas du tout monsieur, c'est une question monsieur. Ah ben allez, c'est bon, ça y est, t'as fini, je fais l'amour avec ta mère. Ça fait aider que tu es. Mais pourquoi vous dites ça monsieur? Ah oui, effectivement, ça n'a pas de rapport. Aucun. Puis, ben, aucun. On rappelle encore une fois là, allez c'est parti. Ouais, ça pas. Ben attendez monsieur, je vois pas le rapport avec ma mère. Bon ben c'est, tu vas m'appeler quoi, toute la nuit? Ben non monsieur, mais vous répondez pas à ma question donc Ben c'est ça que je t'ai répondu, j'ai pas le temps à faire les animaux avec ta mère. Ah vous faites l'amour avec ma mère et des animaux? Bien sûr fils, tu es mon fils. Ah. Eh oui. Alors n'embête pas ton papa, hein. D'accord. Allez, ciao. Oui, au revoir. Attends, on a retrouvé ton daron, Tof. Ça c'est quand même un truc de ouf. C'est quand même pas mal. Ah bah il est donc il était là. Je savais pas que t'étais du sud. Moi non plus, mais j'ai découvert ça en l'appelant. Apparemment, ouais. Bon, ben, on remettra le couvert dans une heure avec les appels malveillants. Dans un quart d'heure également, le chéri, je peux te faire cocu. Et puis, Yannès qui dit, les gens nés après 98 peuvent pas forcément savoir, ils ont manqué une finale exceptionnelle. Bah, c'est surtout qu'ils ont manqué la finale, puisqu'il n'y en a qu'une. Allons deux avec l'Italie, c'est vrai. Hein, c'est en vrai. 2006, voilà, c'est ça. Il y a Ophélie également qui dit, le rêve, le maillot, plus le ballon, plus les choses. Quand je disais qu'il y avait plein de filles qui aimaient bien les maillots de foot, parce que, encore une fois, je le répète, sur une fille ça peut être très très très sexy. Mais oui, complètement. Ah bah vraiment là pour le coup. Et Zacharia aussi qui avait envoyé son message depuis le Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun. Salut toute l'équipe, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Écoute avec grand plaisir, je vais t'en mettre un là. De mange-merde, de trou du cul que tu es. Voilà, comme ça au moins le message il est passé tout simplement. Bon, 20h37, on va accueillir maintenant Anthony le croque-mort. Encore? Bah oui. On te manquait? Bah oui peut-être. Anthony, t'es là de Charleroi? Oui, Mickaël. Oui, ça va, Anthony? Ça va et toi? Bah, écoute, plutôt pas mal. Hein. Bon, Anthony, donc, qui nous avait appelé il y a deux semaines pour larguer sa meuf, ouais. Alors qu'elle l'avait déjà largué, mais c'était pour être sûr, on lui avait donné tous les conseils du monde pour qu'il puisse le faire correctement. Et donc, tu es également étudiant en croque-mort. Non, en nettoyage de tombe. En nettoyage de tombe, c'est ça? Exactement. Voilà, bon. Très bien. Et tu veux relarguer ta meuf ce soir ou pas? Viens, on la largue. Non, j'ai quelqu'un, donc ça va. Ah t'as quelqu'un, t'as qui? Parce qu'il faut savoir aussi que quand on l'avait eu au téléphone, donc il larguait sa meuf car il était hétéro, mais il avait changé, il était devenu bi, et maintenant il est gay. Ouais. Donc t'as qui? T'as un mec ou une meuf? Un mec. Non, comment il s'appelle? Aurélien. Oh là là, t'es au top là, il est dans quelle ville? Herculine. Ah Herculine en plus, d'accord, ok, je pensais qu'il allait dire Marseille, t'es à l'autre bout du monde. Qui fait la par meuf? Par rapport à Charleroi, je veux dire. Ouais, qui fait la fille? Je sais pas encore, on verra. Ah, tu sais pas encore, mais tu l'as pas encore fourré? Vous vous êtes déjà vu? Non, pas encore, parce qu'elle est vie encore, donc... Tof s'excuse pour ses propos malveillants à caractère pornographique. Oui, avec toutes mes excuses, je suis emballé, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Il a l'habitude d'être à 23h, donc il est un peu pire. D'ailleurs, hop, il va au coin pendant une minute. Ouais. Pour expier son péché. Pour le bien de tout le monde. Flagelle-toi. Voilà, exactement. Bon, alors du coup, Anthony, donc toi tu nous appelais par rapport à la triche. Est-ce que t'as de bons conseils pour la triche, vu que les examens, le bac, tout ça arrive bientôt? Enfin, arrive là. Oui, alors une fois j'ai écrit sur une pierre tombale et j'ai ramené à l'école. Tout à fait. Non, c'est pas ça. En fait, j'avais étudié, j'avais déchiré un bout de feuille et j'avais marqué les raccourcis pour et une petite feuille et j'ai mis ça au plumier. Donc comme ça, personne ne savait voir ce que j'avais marqué. Je n'ai rien compris. Mais alors, rien ne chez rien. Raccourci dans un plumier. Qu'est-ce que personne qui a su ce que t'as pu marquer. Attends, recommence. Je disais, j'ai déchiré un bout de feuille. Ouais, t'as déchiré un... Ouais, ok, d'accord. J'ai écrit... les réponses mais en raccourci. Comme ça. Ah, les réponses, mais en. Genre, en sans mettre toutes les lettres, quoi. Voilà, par exemple, c'était avec les yaourts. C'était par exemple yaourt au foot, mais j'ai marqué YS. Comme ça, je savais ce que ça voulait dire. Bien, évidemment. Mais évidemment, comment ouais. tout ça est très moi-même, clair. Moi-même, si je dis yaourt au foot, bah je mets YF, comme ça je sais que c'est un yaourt au comment foot. Comment tu peux te retrouver à un moment donné, tu vois YF et comment tu sais que c'est yaourt? Bah parce qu'il l'a retenu. Moralité, plus la peine de tricher puisqu'il a retenu en faisant le petit coup de main là. Mais juste, dans quelle étude la réponse c'est yaourt fruit? Ah, c'est fruit qu'il a dit, je croyais foot, c'est encore plus improbable. Donc, dans quel genre d'étude la réponse c'est yaourt aux fruits? Bah oui. Bah, peut-être que s'il y a quelqu'un qui balance un yaourt aux fruits sur une pierre tombale, il y a des produits précis à utiliser. Ah, autant pour moi. Et bah voilà. Bon, et donc du coup, tu t'es jamais fait gauler avec ça? Non, mais il y a une fille qui avait essayé sur la même chose, mais elle s'est fait prendre. Ah, elle s'est fait prendre, bah ouais, c'est dommage. Moi j'avais très très bon plan, enfin très bon. En même temps je me suis fait griller donc il n'était pas si bon que ça, sinon je serais passé. Mais j'avais un très bon plan qui m'a aidé quelques fois quand même. C'était toujours y aller en chemise. Donc ouais. Chemise idéalement chemise, bon enfin c'est toutes les chemises en même temps hein. Tu vois, au niveau des manches, au niveau des poignets, t'as ouais. toujours deux boutons. Un bouton pour fermer vraiment le poignet et mm-hmm. un autre bouton un peu avant, que si on ne ferme pas ça fait un trou. Moralité, il faut garder sa main sur le banc. Ok. Prendre un peu la chemise vers le haut et foutre toutes les antisèches dedans. Ça te permet comme ça de regarder dans ta manche, pépère, tranquille. Et puis si jamais bah, la prof ou le prof arrive et t'as grillé, tu lèves les mains, tu dis comment ? C'est moi ? Scandalisé quoi. Tu lèves tes mains, mais je n'ai rien du tout. Tu lèves tes mains, hop, toutes les antisèches tombent dans ton coude. Et la prof n'a évidemment aucune preuve puisqu'elle ne peut pas, bien entendu, te déshabiller. Ça tombe oui. sous le sens. Ce serait voilà, abusé. Et là, pour vraiment lui foutre la haine, je dis, vous voulez quoi? Je voulais que je me déshabille, que je fasse l'examen à poil, si vous voulez. Ils aiment pas ça. Ah ouais. Comme les flics. Non, mais calme-toi. Et après, tu t'installes. Du coup, hop, tu peux remettre tes antisèches. Elle va aller chez un autre élève et t'es tranquille. Mmh. Bon, moi, c'est pas de bol. Tout est tombé. Des fois, sa gueule. Donc, c'était un petit accident technique. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Là, en l'occurrence, la preuve, ça n'a pas fonctionné à tous les coups, je le confirme. Bon, donc du coup, c'est ton meilleur conseil, Anthony, toi, c'est ça? Oui. Bon, eh ben écoute, merci Anthony d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Hein. Mickaël? Oui. Moi, je suis super heureux. Ah bah tant mieux, nous voilà ravis. Mais, non mais c'est parce que l'Italie a gagné hier donc... Bah génial, bah oui c'est magnifique. Hein oui. J'ai envie de mettre une petite chanson ring pour toi tiens. Il en faut voilà. peu pour être heureux, vraiment voilà. très peu pour être heureux. Ah l'Italie a gagné donc une pierre voilà. tombale, des fruits. Et d'Italie, et voilà. aux fruits. Et une pizza. Bah, cool. Bah, t'es pour ouais. quelle équipe? Parce que tu supportes quelles équipes toi d'habitude? Pas les équipes nationales, les équipes... tu supportais quoi? En club? Ouais, en club. Levante, un club espagnol. Ouais. Durasport, un club turc. Ouais. Milan AC et Torino, deux Italiens. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu supportes en équipe nationale, celles qui sont à la Coupe du Monde? Italie et l'Algérie. Ah, et t'es à Charleroi, donc tu t'es pas dit à un moment que t'allais supporter la Belgique, non? Non, ça bah, la Belgique, entre guillemets, quoi, aussi. Entre guillemets. D'accord. Ok, parce que t'es belge ou t'es quoi? Je suis belge, oui, à 100%. Donc tu supportes l'Algérie... À 100%, il a précisé. Et tu supportes l'Algérie et l'Italie. C'est normal, mais j'ai envie de dire, pourquoi c'est logique. Mais la Turquie n'est pas qualifiée. Ah, donc tu la supportes pas parce qu'elle n'est pas qualifiée? Ben, si, je supporte, mais elle n'est pas qualifiée, donc je ne vais pas la supporter comme je veux, quoi. Bah, c'est ça, mais... bah, forcément. Parce que, ouais, il peut pas comme il veut, quoi. Bah, c'est logique. Voilà, bah, c'est ça. Moi, je supporte le Luxembourg également. Oui, mais c'est bon, bien. Bon, qui n'est pas qualifié, malheureusement. Hein, c'est bien dommage. La Mongolie, puisque oui. c'est quand même le directeur d'antenne de Fun Radio Mongolie. Directeur général de Fun Radio Mongolie. Le DG. Exactement. Le CEO. Voilà, le PDG, même. Oh, yeah. Exactement. Bon, salut, Anthony. Merci d'avoir appelé, en tout cas. Hein. Salut, Michel. Salut. Et allez, la France, la Belgique et le Portugal, Anthony. Hein. Oui. Ouais, ouais, il dit oui, hein, donc il supporte tout le monde. C'est ça qui est bien avec Anthony, ouais. c'est qu'il est ouvert à tout. Voilà, il est pas regardant. Il y a Dilek qui dit, moi je prends mon cours en photo, je fous mon portable entre mes jambes, et dès que le prof ne regarde pas, j'ouvre mes jambes. Pourquoi pas, Dilek, c'est une idée. Il y a Amélie qui dit, Portugal, faute. Ah bah oui, ça va tout de suite. Tout de suite, est agressif. Mais oui. Je vois pas le rapport, je vois pas l'intérêt, c'est dommage. Bon, on va prendre également Raphaël qui est de retour là, il a trop de chance avec les filles, il sait pas laquelle choisir. Bon, Raphaël, j'aimerais bien dans son cas. Est-ce que tu as le kit main libre, le haut-parleur ou la radio derrière toi? Non, pas du tout. Non, alors on va te rappeler Raphaël parce qu'il y a un sale écho très désagréable. Ah, okay. Comme par hasard, il n'y en a plus. Ah ouais, t'es sûr que t'as pas coupé quelque chose là, non? Non, non, je suis sûr que non. Ah tiens, c'est bizarre. Bon, donc tu nous avais appelé, toi, pour nous dire que t'avais trop de chance avec les meufs. Et résultat, là, t'en as trop. Et ben, tu sais pas laquelle choisir, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. Bon, t'en as combien là, en stock? En stock, c'est le mec. Moins une vingtaine. Oh non, t'es sérieux? T'as une vingtaine de meufs qui sont ouvertes à ce que tu sortes avec. Je te promets, c'est la vérité. Non mais attends, mec, t'es... Eh, on va les appeler les 20. Allez hop, on va appeler les 20 d'un coup là. Bon, est-ce qu'il y en a que tu... à laquelle tu penses là maintenant tout de suite? Ah, à Pauline. Eh ben voilà, eh ben sors avec Pauline, l'affaire voilà, est pliée. Bah voilà, non, je pense non, que c'est non, fait. Non, ah bah si, bah pourquoi? Je l'ai connue que hier. Et alors? Si tu penses qu'à elle, sors avec elle. Bah oui. Attends. Oh, non. Parce qu'en même temps, Raph, à 16 ans, je peux te le dire, je t'annonce là. Ce sera pas la femme de ta vie. Hein. Et ce sera pas la dernière. Et ce sera, bah, j'espère pour toi, pas la dernière. Bah oui, mais bien sûr. Non, mais qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que t'hésites en quoi, là? C'est quoi le problème? Si je me pose avec elle pour. Si je vais sortir juste pour le fun avec elle, ou si je me pose avec elle ou pas. Mais tu vas pas te poser à 16 ans. Non, mais même, c'est un faux problème. Pardon. Il y a tout le monde. Nous avons perdu Polo qui vient de décéder. Non, mais on comprend pas ton problème. Comment une relation. Mais il sait pas laquelle choisir. Mais tu sais pas si tu veux un plan cul en gros, ou si tu veux te poser avec la meuf. C'est ça. Bah oui. Appelons un chat un chat. Appelons une chatte une chatte. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, Raphaël, ou pas? J'ai faux ou pas? Ouais, bah, en gros, ouais, c'est bon, ça. Bon, bah en gros, c'est ça. Bah voilà. Bon, bah disons les choses telles quelles. Non, mais c'est la manière dégueulasse. La manière un peu dégueulasse de le dire. Mais dans le fond, c'est ça. Bon, mais c'est laquelle qui te fait le plus vibrer? Bah Pauline, apparemment. C'est celle-là qui pense le plus. Ouais, mais Pauline, c'est une charbonne. Bah oui, mais voilà. Bon. Reste avec nous, Raph. Si vous avez le même problème, enfin problème relatif, parce que c'est pas vraiment un problème, eh ben appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on va également, si vous voulez, vous pouvez réagir en envoyant vos messages sur Twitter avec le hashtag MIKL sur Fun. Et bien sûr, par SMS, vous envoyez MIKL suivi de votre message au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Vous restez avec nous, il y aura Gilou à suivre. Et puis il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu, ça va débarquer dans quelques secondes sur Fun, restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. C'est Fun Radio, et allez hop, on est en direct sur Fun là tous les soirs, il est 20h51, il y a le match qui va démarrer dans une petite dizaine de minutes, il y a les hymnes qui vont démarrer, et puis on vous tient au jus pour la France face à l'Honduras également. Ophélie Wendy qui dit aussi sur le Twitter de l'émission avec le hashtag MIKL sur Fun, je suis amoureuse de mon plan cul, que faire? Lui ne m'aime pas. Est-ce que t'es certaine, Ophélie, qui ne t'aime pas? Appelle-nous, on peut en parler si tu veux, 01 42 48 5000. Yannès qui dit j'écrivais des antisèches sur ma règle, au verso elle était opaque, j'écrivais mon allemand dessus. Ah, très bonne idée. C'est très très bien ça. Et Jeanne-Françoise qui dit Mickaël sur Fun avec le hashtag évidemment sur le Twitter. Ça devait être pour la philo d'avoir mangé le yaourt aux fruits exclusivement en dessert. Est-il une entrave à la liberté? Ah ouais, bonne réaction. Tiens, et Chouchita qui envoie son message. Hello la team, vous allez bien? Bah ouais, nous on va plutôt pas mal là, on est tranquille. Il y a plein de messages qui arrivent aussi pour repartir avec les maillots de foot qu'on est les seuls à vous offrir avec Pro Soccer France. Si vous voulez les gagner, maillots de foot, donc je vous ai mis la photo également des maillots qu'on vous offre. Bah moi j'ai le Portugal sur moi forcément, merci à Pro Soccer. Et on a toutes les autres, tous ceux qui participent au Mondial 2014 cette année, on vous offre tous les maillots, il suffit de choisir l'équipe que vous voulez, l'équipe nationale, le pays que vous voulez, et vous repartirez si vous avez la bonne réponse évidemment à la question que je vais vous poser avec le maillot de foot. Il y a aussi les chaussures de foot Nike, Adidas ou Puma que vous allez pouvoir choisir, ou le ballon de foot, le tout évidemment, tout ça c'est des officiels FIFA Mondial 2014, hein, que les choses soient claires. C'est pas une pâle copie ou des trucs dégueulasses, hein, que ce soit clair également. Bon, si vous avez la bonne réponse à cette question-là, alors écoutez bien. La France a gagné en 98, tout le monde le sait. Face au Brésil, tout le monde le sait. La finale de la Coupe du Monde 98, tout le monde le sait. Mais quel était le score final de cette finale, justement? S'agissait-il de 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0? Si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël suivi de votre réponse au 64-900 par SMS. Mettez votre numéro de téléphone aussi pour qu'on puisse vous rappeler. Et si vous avez la bonne réponse pour la Belgique, vous envoyez pareil, Mickaël et la réponse au 63-22. On tire au sort aux alentours de 22-22-30. Et si vous êtes tiré au sort, vous repartirez soit avec le maillot de l'équipe de votre choix, soit avec le ballon de foot, soit avec la paire de pompes. Au total, ça vaut quand même 450 € hein, le cadeau. Donc si vous voulez tenter votre chance, Mickaël est la réponse au 64-900. Quel était le score final en 98 face au Brésil en finale de la Coupe du Monde? France-Brésil, c'était 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0. Pour vous donner une idée, ça faisait la chanson... J'espère que vous avez reconnu l'air. Il y a qui est avec nous également, Alex. Avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. Salut. Bonjour Alex, comment ça va? Ça va. Tant mieux, t'as 18 ans, toi, t'appelles de Poitou-Charentes. T'es en forme, Alex. Alors, le match va démarrer, là. France-Honduras, un petit pronostic? J'en sais rien, je regarde pas le foot. Non, on s'en fout, je te demande pas si tu regardes le match, je te demande un pronostic. Ah oui, un pronostic, je sais pas. Putain, mais c'est pas possible. Bon bah, alors, ils vont gagner, ils vont perdre. Alors, un pronostic. Donc, alors en règle générale, la moyenne, ça va à maximum 9 buts. Donc, sachant qu'il y a deux équipes, quelle équipe va faire combien à ton avis? 1-0 pour la France. Oui. Bon, eh ben voilà, très bien. Alors, toi tu nous appelais pour parler foot justement, toi, mais pour parler d'une nouvelle règle à proposer au foot. Alors vas-y, on t'écoute. Eh ben moi, quand je pensais une nouvelle règle, c'est de mettre des skis sous les skis de l'équipe de France, de notre équipe à nous en France, comme ça glisse mieux. Et là, ils vont marquer plus de buts avec des skis au lieu de... Bah oui. Oui, qu'est-ce que c'est, tu intelligent ça. Ils vont tirer avec quoi? Avec la pointe du ski, idiot? Pour avec le ballon? Non, avec le bâton. Ouais. Oui, mais c'est plus du foot en fait. À ce moment-là, c'est plus du foot, ouais. Note, ça existe déjà, ça s'appelle du hockey. Où t'es sur de la glace, c'est pas un ballon, mais enfin bon, tu sais, au moins t'as un bâton, tout ça là. Mais bon, et pourquoi cette idée magnifique? Bah parce que comme ça on gagnerait plus de points et c'est plus facile. Mais je comprends pas ce que vous avez contre l'équipe de France. Pourquoi vous le critiquez? Ils gagnent tout là pour l'instant là. C'est quoi le problème? Non, mais c'est la spécialité des Français. Ils adorent tout. Moi j'imagine ce soir, la France perd. Ça, quelle bande d'enculés, c'est de la merde, ils sont payés une fortune, ils savent même pas mettre un but. Ouais. Et Didier Deschamps, c'est un connard. La France gagne. Ouais, on a toujours cru en l'équipe. On les adore. Allez, vive la France, vive les Bleus, génial, vive Dédé. Oh là là, c'est la folie. Ce qu'ils ont fait en 98. Voilà. Ils ont chié sur Jacquet, ils ont chié sur l'équipe et tout. Et quand ils ont commencé à gagner, c'est génial, c'est des tueurs. Voilà, moi c'est comme ça que. Mais c'est comme ça que je le vois. Eh ben, tu sais quoi, on te rappellera tout à l'heure, Alex, après le match pour voir s'ils ont gagné ou pas, d'accord? Bah après, j'ai plus mon téléphone. Ah, voilà le problème. Je peux passer une dédicace? Non. T'as mal parlé de la France. Je plaisantais. Ah, t'as vu? Allez, à une seule personne, choisis la bonne. Oui, excuse-moi, avant, je peux parler au doc 2 minutes? Oui, bien sûr. Monsieur, il est là. Une seconde, là. Je vais passer dans le futur et puis tu peux lui poser une question dans le futur. Oui, bonsoir. Ouais. Bon, attends, je te le passe, là, vas-y. Oui, allô. Bonjour, le doc. Oui, bonsoir. J'ai une question à te poser. Il est où, là? Est-ce que c'est normal que ma copine me foute la porte de la tronche à chaque fois que je lui dis bonjour le matin? Je n'ai pas compris ta question. Ma copine me fout la porte de la tronche quand je dis bonjour le matin. C'est normal? Oui, ce n'est pas sale. Il faut que tu penses aux fleurs. Oui, c'est ça. Oui, je vais lui danser, je vais lui jouer un morceau d'accordéon. Non, il faut que tu penses aux fleurs. Là, tu sais, la fleur, le matin, elle s'ouvre délicatement. Il faut que tu lui laisses le temps de s'ouvrir. Comme la fleur. Promis. Voilà, bah merci. Écoute, bah si t'as besoin de parler, nous, tu n'hésites pas, tu nous appelles, Alex. Hein, le doc, une dédicace? Bien sûr, le doc, il est avec nous tous les soirs. N'hésite pas, bien sûr. Bien sûr, vas-y. Je vais passer une dédicace à ma copine Mélissa, à mon papa, qui je sais pas s'il m'écoute, mais je lui fais des gros bisous. Et un bon retour. Et c'est tout, puisque une seule personne, en fait, hein, un, deux, et tu vois. Oui, et à toi aussi, comme t'es mignon, je t'aime bien. Oh, bah écoute, je te remercie, Alex. J'ai vu sur YouTube, je t'aime bien. Ah bah écoute, bah désabonne-toi. Je plaisante. Bon, abonnez-vous tous les autres sur YouTube, hein, comme le disait Alex, là. Tapez Mickaël officiel sur YouTube, vous vous abonnez à ma chaîne et je m'abonnerai à la vôtre également. Moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Eh bah, tant mieux. C'est alexonguier@5orailavertisseur.fr. Et y'a quoi dessus? Rien? Y'a que des trains que je prends en photo. Que des trains? Eh ben, écoute, très bien. Alors, vive la SNCF. Je peux passer d'où? Non, bah non, t'as 18 ans, mec, t'es sérieux là, Alex? Ah bah non, bah attends. Regarde, pour faire kiffer là. Je peux avoir un coup de tête?

Oui, improbable quand même, comme je le disais, mais c'est pas grave, on en fera d'autres demain, évidemment. Demain, à partir de 23h, on sera de retour. Si vous voulez participer d'ailleurs et repartir avec vos casques focal, des casques qui déchirent, ou même avec des équipements de foot, hein, que ce soit maillot, que ce soit chaussures, que ce soit le ballon de foot, vous pouvez donc nous appeler maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous allez pouvoir donc repartir avec tout ça et faire un chéri, je peux te faire cocu demain soir sur Fun Radio. En parlant de maillot de foot, je vous ai mis la photo des jumelles qui vous prouvent qu'un maillot de foot sur des filles, ça peut être hyper sexy, voire même encore plus qu'un football. Enfin oui, un footballeur n'est pas sexy, mais je veux dire, si on se met à la place d'une fille, etc. Bref, quoi qu'il en soit, les deux jumelles, je trouve qu'elles sont encore plus sexy avec ce maillot de foot qu'avec autre chose. Donc allez la voir, vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai mis sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission. Rejoignez-nous, vous tapez M.I.K.L. officiel, tout simplement, et sur le Twitter, c'est avec le hashtag M.I.K.L. sur Fun. Damien qui dit « Mort de rire, le chéri, je peux te faire cocu ». Il était pas mal celui-là. Il était raté, mais il était drôle. Quand même, il dit « Attention, il n'apprécie pas trop ». C'est quand même le seul mec, ta meuf t'appelle, tu dis « Oui, voilà, est-ce que je peux te tromper ?» Écoute, ouais. Je n'apprécie pas trop, mais d'accord. Hein. Mais bon, je n'apprécie pas trop. Hein. Oui, bah on avait compris. Nadia, le chéri, je peux te faire cocu, le plus court de l'histoire des chéris, je peux te faire cocu. Lucas qui dit, je vous aime trop, vous êtes les meilleurs. Merci Lucas. Et Angel qui dit, j'ai eu une embrouille avec un mec. Il écoute Fun en ce moment même. Dis-lui qu'il est nul, s'il te plaît, il va prendre la honte. Bah Angel, ça aurait été bien que tu nous donnes son prénom. Là, il va peut-être pas se reconnaître. Mais bon, à voir. En tout cas, envoie-nous son nom. 21h09 sur Fun. Dans quelques minutes, comme promis, eh ben on va parler avec Laetitia qui voulait réagir à Raphaël là, qui a trop de chance avec les filles, du coup il sait pas laquelle prendre. Il y a Lou et Damien qui ont des bons conseils au niveau de la triche. Et puis on va se faire, comme promis, le son de la belle Gilo sur Fun Radio. Ça va arriver comme dans 20 minutes également, les appels malveillants de Tov qui vont débarquer dans 20 minutes. Ce sera à base de cul. Oui, à base de cul nu, oui, les femmes qui dorment nues. Exactement. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et restez là également puisque je vous balance la petite question pour repartir avec tout le package de maillots de foot. Ce sera juste après la pub dans 3 secondes. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Bon, toujours 0-0 à France Honduras. J'avais prévu de vous tenir au courant, évidemment. Donc, si je vous dis rien, c'est qu'il se passe rien, rassurez-vous. Et puis, je rappelle qu'il y a toujours les maillots de foot à gagner de l'équipe de votre choix. Équipe qui participe, bien sûr, au Mondial 2014. Je vous offre les chaussures également. Il y a des Adidas, il y a des Nike, il y a des Pumas. Celle du Mondial, bien entendu. Et puis, le ballon de foot officiel FIFA 2014. C'est offert par Fun et par Pro Soccer. Et si vous voulez les gagner, eh bien, il faut répondre à la question. Ma foi, je pense pas trop compliqué. Je pense pas avoir été un gros enfoiré là-dessus, quand même. Hein. Quel était le score final de cette finale de la Coupe du Monde 98 entre la France et le Brésil? Était-ce 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0? Si vous avez la réponse, eh ben, à vous de jouer. Vous envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse au 64-900. Reste moins d'une heure pour participer. Donc, maniez-vous si vous voulez repartir avec les maillots. Il y a les photos sur le Facebook. Hein. Moi, j'ai le maillot du Portugal. On a reçu de la France. On a reçu déjà l'Espagne. On a reçu la Belgique. Évidemment, les Diables Rouges. Donc, si vous voulez, il y en a d'autres aussi. Hein. Si vous voulez choisir tous les autres pays, c'est tous ceux qui participent au Mondial. Vous envoyez M.I.K.L. suivi de votre réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Quel était le score final du monde de la finale Brésil-France, France-Brésil. C'était en 98. 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0. Je vous souhaite bien sûr bonne chance. Allez, hop là, 21h12. Il y a Gilo qui débarque maintenant là, avec First Love, les appels malveillants dans un petit quart d'heure. Et puis, retour comme promis donc avec Laetitia, avec Damien et Lou également, pour parler de la triche vu que les examens et le bac arrivent demain. Si vous avez des bons plans triche, appelez-nous hein. 01 42 48 5000. First Love, c'est Gilo sur Fun. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Yes, on est là sur Fun Radio, 21h16, toujours en direct jusqu'à minuit, comme tous les dimanches. Il y a Rémi qui dit, please, please, dédicace, un an que j'écoute, que je t'écoute, un coup de pelle et un message de bienvenue. Ah, Rémi, ça peut pas faire un an, on a commencé en juillet, Rémi. Note, ouais, c'est pour bientôt. Presque. Ah ouais, presque. Bon, le coup de pelle, tu peux l'avoir. Et, Johan aussi, ou Johan, je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît, bien sûr. Écoute-moi bien, espèce d'enculé de tes morts, moi je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Très sympathique, comme vous pouvez le remarquer. Et Ness qui dit, un pote écrivait ses antisèches dans un mouchoir, il faisait semblant de vouloir se moucher et regardait discretos. Putain, ça doit pas être facile quand même. Hein. Tu imagines, et... il garde les réponses sur le nez. Ouais. Et Devers45, salut ma grosse team de tuerie, gros mérite de quelques coups de pelle, car je suis en retard de presque une heure. Ah ouais, Devers45, là, ça te ressemble pas, là. Un, deux et trois. Ouais, il avait mérité. Exactement. Et Zacharia, moi j'écris mes antisèches, je les écris sur mon bras, je fais semblant de tomber et je regarde. Le mec qui tombe à chaque fois, tu vois. Ah, bim. Bon, continuez si vous avez des bons plans antisèches là pour les examens qui démarrent demain, le bac, etc. Eh ben vous n'hésitez pas, vous balancez vos messages sur le Twitter avec le hashtag MIKL sur Fun, sur le Facebook également, tapez MIKL officiel ou par SMS. Vous envoyez MIKL suivi de votre message au 64 900. Bon, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Oui, c'est Lou qui est avec nous. Elle ou il? Salut Lou. Salut Mickaël. Salut Lou. Elle ou lui? Moi Lou? Je dirais. Salut Lou. Je dirais lui. Salut Lou. Salut. C'est une fille. Lou, c'est un prénom. Oui. De fille. Ah, non, bon, attends, ça peut être plein de trucs. Ça peut être Jean Louis. Oui. Qu'on appelle Lou, Louis, Jean Lou. Ou Louis, Lou, tu vois, tu l'appelles comme ça, pourquoi pas. Bon, donc tu es une fille, Lou, donc sois la bienvenue. Alors, t'appelles de Toulouse, de la ville rose, c'est ça? C'est ça. Eh ouais, on sera, bon, pas loin, tout est relatif, mais par rapport au nord de la France, on sera dimanche prochain à Marseille, voilà, bon, un peu loin de Toulouse, c'est vrai, mais on sera quand même à Marseille, on fera l'émission en direct du studio de Fun Radio Marseille sur le Vieux-Port, et on fera plein de trucs avec vous, notamment, a priori, il y aura un petit match qui se prépare, je ne sais pas encore de quoi, est-ce que ça va être un petit match genre de... Pétanque? Non, pas de pétanque. Ah, non. Dommage. Bah, il y a match de foot, il y avait l'autre truc, là, où Polo a perdu, là, j'arrive pas à venir sans le nom. Laser game, t'as pas perdu? T'as terminé 20e sur 20e. Non, je devais 300 points. T'as terminé 21e sur 20. Ouais, et je devais 600, 300 ou 400 points. Ouais, 300-400 points à la machine. Je pense que la machine déconne. Bah oui, c'est ça. Il va payer sa dette. C'était au Havre. Donc voilà, Marseille, venez nombreux. On aura plein de cadeaux pour vous, bien entendu. Et puis on fera l'émission. Venez nombreux puisque les examens seront finis. On vous attend. Venez bourrer le studio. Il y a de la place pour tout le monde sur le Vieux-Port à Marseille. Il y a, vous pouvez pas le rater. Hein, il y a les enseignes Fun là sur le Vieux-Port. Vous venez nous rejoindre et puis on fera l'émission tous ensemble entre 20h et minuit. Voilà, tranquille, pépère, sur le Vieux-Port. Bon, toi, tu nous appelais pour les antisèches, Lou, c'est ça? Oui, c'est en fait, j'ai voulu faire une antisèche, mais ça a un peu tourné au désastre, quoi. Ah, bah alors, vas-y, explique-nous. Ben, en fait, nous, dans notre self, on a les tables positionnées pour que les élèves y mangent. Ouais. Et il y a une partie avec des murs en bois, mais c'est pas collé au-dessus, quoi. Il y a des espaces. Et vers les murs en bois, c'est là où les profs y mangent. Et en fait, avec mes amis, on s'est mis au fond du self, à côté des murs en bois. Ouais. On s'est mis à table, on a commencé à parler et on est venu au contrôle de maths qui était juste après. Ouais. Et moi, on m'a demandé, ouais, toi, Margot, t'as révisé, enfin, Lou, t'as révisé. Et ma pote Margot m'a dit, moi, je vais faire des antisèches, Et moi j'ai dit, ben moi je vais faire pareil. Et j'ai déjà tout préparé dans ma trousse, j'ai déjà toutes les définitions écrites. Et en fait, ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est que la prof, elle était juste de l'autre côté du mur en bois et qu'on arrivait en cours, elle a fait, bon Margot, Lou, vos trousses. On a fait, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et elle a pris des antisèches et mots dans le carnet, retenu et tout le tralala. Eh oui. Perdu. Donc c'est dommage. C'était bien essayé, hein. Mais ça n'a pas marché. C'était vraiment pas de chance, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment la faute à pas de chance, effectivement. Du coup, bah parce que à la limite, elle aura pu. Deux choses. Est-ce que dès le début, elle t'a dit, écoute, vaut mieux pas que tu triches parce que je suis au courant, donc fais-la à la réglo. Ou est-ce qu'elle t'a laissé aller en cours, tricher et que du coup, elle est venue et t'a grillé sur le fait accompli? Ah non, mais déjà avec ma prof de maths, ça passe pas, ça fait 2 ans que je me la coltine et ça a jamais passé. Elle est arrivée, on était assises déjà toutes les deux à côté, elle est venue nous voir de suite, elle a pas lâché un mot du début du cours, elle a distribué les sujets, elle est venue nous voir, elle nous a demandé nos trousses et voilà. Ah ouais, du coup c'est perdu quoi. Ah ouais, dommage. Bon, et ben voilà, du coup tu triches encore ou pas? Non, plus trop. Non, j'ai arrêté, j'ai un très mauvais souvenir. J'ai un très mauvais souvenir avec la triche. Bah, t'as bien raison. Moi, je me suis fait choper, ça m'a pas empêché de retricher derrière. Ouais, c'est clair, non, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Hein. Moi, c'est vraiment comme un con, en fait. Je sais plus ce qui t'est passé. J'avais fait les antisèches en les faisant, comme ça arrive souvent d'ailleurs. Je les ai retenus. Ouais. Et je voulais juste vérifier la réponse parce que j'avais la bonne. Hein. Je voulais juste vérifier et en la vérifiant, je me suis fait gauler alors que j'avais tout mis honnêtement. Oh merde. Ah là là, ça c'est pas lourd. Hein. Ça c'est se faire gauler pour rien quoi. Ah bah ouais, franchement, pour une fois que j'étais honnête, et ben voilà. Je l'ai payé cher. Eh bah ouais. Comme quoi, l'honnêteté ne paye pas. C'est bien connu. Ah bah c'est clair. Attends, il y a Damien aussi qui est avec nous là dans l'Oise. Salut Damien. Salut Damien. Salut. Oula, ouais. Moi j'irai encore plus loin du téléphone là Damien parce qu'on t'entend trop bien là. Va de l'autre côté. Ouais, va de l'autre côté. Salut. Ça va Damien? Ouais. Bon, tu voulais parler des antisèches. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce que Moi j'ai une petite règle en ferraille et j'écris tout dessus en petit et puis ça passe comme je suis au fond de la classe. Ouais mais enfin c'est quand même pas hyper safe quand même comme solution, non? Bah ou alors j'ai mon pote à côté, enfin pas à côté de moi mais une table à moi, il est tout au fond de la classe en face de la prof et puis il ouvre carrément son cahier puis il recopie tout. Oui pourquoi pas, c'est une idée, c'est pas mais donc le plus safe. Sinon deux barres transversales pour la France, c'est dommage. Ah. Donc, toujours 0-0 évidemment. Voilà, donc j'avais dit que je tiendrais tout le monde au courant, c'est donc chose faite. Mais c'est quand même pas les trucs les plus safe de réécrire dans le cours dans, sur les papiers, sur ta règle. Moi j'ai quand même un prof d'anglais qui quand on fait des contrôles, il nous laisse notre cahier. Mais ça dépend parce qu'il y a des cours comme ça où tu peux garder le cahier parce que la réponse n'est peut-être pas forcément écrite dedans, tu vois. C'est juste là. En fait, ils veulent pas connaître la réponse, ils veulent savoir comment t'es arrivé à la réponse. Ça, ouais. Donc, du coup, parfois, ils te laissent, ouais, ils te laissent le cahier. C'est la première fois qu'on a un prof comme ça. Du coup, ça fait un peu bizarre quand tu te retrouves avec une super bonne note en anglais alors que t'es vraiment une grosse merde juste parce que t'avais le cahier avec toi, quoi. Bah oui, c'est ça. Oui. Mais anglais, c'est incroyable parce que pour le coup, c'est la traduction. Donc, voilà. C'est-à-dire que vocabulaire, si t'as la liste des réponses à côté de toi, forcément, tu feras 20. Hein, c'est ça. Ah ouais, bah il est bien le prof, hein, c'est cool. Bah oui, moi je viens l'année prochaine. Hein. Bah ouais, bah franchement, ouais, bah je te le souhaite en tout cas. Bah merci Lou et merci Damien d'être passé. Vous revenez quand vous voulez tous les deux. Est-ce que je peux avoir un Paxen? Bien sûr Lou, je te repasse Sandro au standard, sans problème. Merci. Je passe une dédicace. Vas-y Damien, une seule personne, choisis la bonne. Je passe une dédicace à toute ma famille et puis à Mathias et. Et bah voilà, une seule personne. Et je peux avoir un Paxen aussi? Non. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse, pas de problème. Merci. Salut, ciao à toi, à bientôt. Salut. Damien. Allez, bye. Et il y a Kevin également pour parler encore de la triche là. Salut Kevin. Salut. Ça va bien? Ouais, tranquille, et vous? Bon, oui, ça va. Bah, je sais que Benzema qui vient de tout rater là, juste au-dessus. Putain, de la barre, c'est dommage. Pas de chat là. Ah là là, un petit pronostic d'ailleurs pour le match de soir ou pas? Ah, victoire des Bleus. Tranquille. Victoire des Bleus, très bien. Bah, pour l'instant, il y a deux transversales, donc c'est la faute à pas de bol, mais ça pousse, ça pousse. Eh hey, Kevin, je sais où tu mets tes antisèches dans tes oreilles. Hey, Kevin d'Antibes, hein, quelles grandes oreilles. Tu m'as pas oublié, ça fait plaisir. Non, quelles oreilles décollées d'ailleurs. Ouais. Bon, voilà, tu passes nous voir, même si c'est pas tout forcément à côté. Normalement, c'est bon. Ah, tu vas passer nous voir. Tu vas passer nous voir. Putain, on va. Tu me reconnaîtras directement. Ah, bah oui, avec tes grandes oreilles comme Dumbo. Ah bah, attends, c'est le seul qui va monter dans le studio, mais par la fenêtre. Attends, exact. Je mesure 2 mètres en plus. Oh là. Sérieux? C'est bon ça. C'est ouais, bon. Ouais, c'est vrai. 2 mètres 0 de toi. Pas mal, pas mal. Pas sûr que tu passes les portes, mais bon. On verra, on verra. Bon, alors, Kevin. Ouais. Les bons plans anti-sèche, là, c'est quoi? Ouais, bah moi j'ai passé le bac l'année dernière. Ouais. Et t'as réussi, en fait, ça, ce qui est assez improbable quand même. Hein. Ouais, j'ai réussi, mais c'était improbable en plus. Alors vas-y, explique. Bah j'ai triché du début à la fin. Non, en fait, au bac blanc, enfin au bac, ils te distribuent des feuilles de brouillon, et t'en as des jaunes, des bleus et des vertes. Et au bac blanc, c'est les mêmes qui donnent. Donc, on en a mis de côté, en fait, et on a écrit nos cours. Le plus important du cours d'éco sur les feuilles. Et le jour du bac, elle nous a distribué des feuilles jaunes de brouillon, donc on a ressorti la feuille jaune. Ouais. Et voilà, on s'en est servi. Non, t'as triché au bac. Bah bravo, tu sais que c'est passible de 5 ans, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Pendant 5 ans, tu peux plus repasser aucun examen, même le permis de conduire si vous trichez au bac. Alors effectivement, parce que la semaine dernière aussi. Ouais, parce qu'on rigole, en disant si vous avez des bons plans pour tricher, machin, etc. Faut pas le faire. Mais effectivement, le faites pas, on fait ça pour la déconne plus, parce que si vous avez un petit examen, on s'en branle, mais le bac ou les examens super importants, si vous trichez et que vous vous faites gauler, pendant 5 ans, vous pouvez plus le repasser, et ça et tous les autres examens, même le simple permis de conduire, vous pouvez pas le passer. Putain, et l'examen d'urine, on peut, on le rate ou pas? L'examen d'urine? Ouais, si on fait, non? Non, ça non, ça, bon, ça va, ça on peut le passer. Ouais, ça tu peux le passer sans problème, ouais. Ça y a pas de problème. Bon bah Kevin, bah merci pour le plan, tu reviens quand tu veux, hein. Ouais, ça marche, tu peux me passer un petit message de bienvenue, le va te faire enculer gros bâtard, s'il te plaît. Le va te faire enculer gros bâtard? Est-ce que tu l'as mérité? Comment? Est-ce que tu l'as mérité? Putain que je l'ai mérité. Bon allez vas-y. Va te faire enculer gros bâtard. Voilà, tu l'as eu le va te faire enculer gros bâtard de Virginie bien entendu. Qu'on embrasse à merde, elle vient où? Asvel. Non, Asvel. Avel. Non, Avenel. Avenel, c'est ça. Avenel, je crois, dans le nord. À côté de Maubeuge. Pas loin de Maubeuge, ouais. On dirait un mec. Bon, allez, salut Kevin. Allez, merci. Bon, ça me gueule, gros bâtard. Ouais, dis donc, tu l'insultes, Kevin. Tu crois qu'elle va se laisser faire, la Virginie, là? Gros bâtard. Bon, allez, salut Kevin. Ciao à toi, bye bye. Bon, allez, on termine avec Caro là pour la triche là. Puis après, on passera aux appels malveillants. Salut Caro de Lyon, comment ça va? Ça va et toi, Mickaël? Bon, écoute, plutôt pas mal. Caro de Lyon, ça va, tranquillement, tranquillement. Bon, alors, Caroline, toi, tu veux nous parler par rapport à la triche? Ouais, bah, quand j'étais au lycée, au collège, en gros, moi, c'était simple, j'avais une trousse couleur gris clair. Ouais. Et en gros, mes potes, elles m'avaient écrit des mots dessus, tout ça. Mm-hmm. Et pour, à chaque fois, pour les contrôles, tout ça, la veille, bah, j'écrivais en petit sur ma trousse, genre les équations de maths. Et après, elle voyait tellement plus rien qu'elle devait prendre la trousse tout près de son nez, donc elle se faisait griller, évidemment, non? Non, non, même pas. Ça passait toujours à travers ma trousse. Enfin, les profs, ils passaient à côté de moi, tout ça. Je tripotais ma trousse et ils regardaient rien. Enfin, ils voyaient rien, et puis voilà. Ça, c'est bien, c'est quand on tombe sur des profs aveugles. Ouais. Tu vois, les mecs ne captent rien parce que soit ils s'en branlent, ouais. Parce qu'au final, ils se disent... Eh ben qui triche. Bah ouais. Je m'en branle, tu vois, au final il va passer et puis après bon, il saura pas. Donc, et après il aura la peur parce que t'aurais été. Voilà, finalement dans tu seras passé. Ouais, bah, bon courage au prof d'après hein, qui se démerde, ça sera très bien comme ça. Donc ouais, c'est vrai, pourquoi pas, ouais. Moi une fois j'ai fait un truc, en fait c'était con, hein, mais en fait je l'avais écrit dans ma main. Ouais. Et avec la pression de se faire pécho et tout, j'ai sué et une fois, et puis ça s'est enlevé quoi. Tu sais, en l'essuyant, tu sais, tu fais ça sur ton jean. Ah oui. En fait, bah tout oui, est parti. Ça, c'est pour ceux, le problème, c'est pour ceux qui transpirent beaucoup. Voilà, et en fait, j'ai passé toute mon école à faire des triches, à tricher. Et puis, comme je voyais que ça servait à rien, parce que j'arrivais pas à les ressortir, bah, je lui dis, bah, c'est pas grave, mettez-moi des mauvaises notes. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Ouais, parce que je vais te faire enculer, gros bâtard. C'est voilà, ça. En parlant d'école, bien entendu, ouais. Il y a Adine qui dit, au niveau de l'antisèche, là, préparer une feuille avant l'examen, écrire à l'arrache pour que ça ressemble à un brouillon, la glisser dans la copie double, et si on se fait caler, on dit que c'est notre brouillon, ça passe crème. Ah, bah alors si ça passe crème. Et Fabrice également qui avait envoyé un message sur le Facebook. Salut toute l'équipe, une petite dédicace pour toute ma famille car aujourd'hui, grosse cousinade au terrain de cross à Erné, trop bon avec de la bécane qui tournait. Gros bisous à toute la famille Choups. Bah voilà, le message est passé. N'oubliez pas que si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Tapez Mickaël, espace votre message, envoyez ça au 64 900, bien entendu. Caroline, encore un truc à ajouter? Non, okay. C'est bon. Eh ben, je te fais des gros bisous à toi. Salut, ouais, Caro. Allez, soirée, à bientôt. Ciao à toi. Il y a les appels malveillants de Tov qui vont arriver dans quelques minutes. Et je vous rappelle encore qu'il vous reste une très grosse demi-heure maintenant pour participer si vous voulez repartir avec le maillot de foot au choix du Mondial 2014. En gros, toutes les équipes qui participent au Mondial. Bah, il y a la France, évidemment, la Belgique, le Portugal, il y a l'Espagne qui s'est fait ramasser, 5-1, je le rappelle. Il y a le Honduras, si vous voulez. C'est des fois qu'il y a un mec qui veut choisir le maillot de l'Honduras. On sait jamais, tu vois. On sait jamais, il y a peut-être un ou du rien qui nous écoute. Mais on sait jamais, voilà. Bref, toutes les équipes qui participent à la Coupe du Monde pouvaient avoir le maillot, ainsi que les chaussures de foot, Adidas, Puma ou Nike, et le ballon de foot. Si vous voulez gagner l'un de ces cadeaux, bah, il suffit de répondre à la question de ce soir. Combien la France a-t-elle gagné au Mondial 98, pardon, face au Brésil? Ils ont gagné 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0. Si vous avez la réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900, au 63 22 depuis la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien ce sera pour vous. J'ai déjà dit tout à l'heure que au-dessus, alors c'est pas la peine de proposer 5-0 si c'est tout le bordel, puisque j'ai proposé 4 propositions. Donc c'est que la réponse fait partie des 4. Oui. Ça tombe sous le sens. C'est logique. J'ai déjà dit tout à l'heure que 4-0 c'était pas la bonne réponse. Voilà. Et 1-0 non plus. Moralité, il reste d'autres possibilités. Vous envoyez Amy, quelle est la réponse au 64 900. Je vous souhaite bonne chance. Et puis on va se faire du son maintenant là. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Ah bah j'avais promis le son des Global DJs. C'est bon, c'est parti, on y va. Allez, Global DJs maintenant. We are the night sur Fun Radio. Les appels malveillants arrivent juste après. C'est Mickaël No Limit. On est jusqu'à minuit comme tous les dimanches sur Fun Radio. We are the night. That are wasted and lost. Les Global DJs à l'instant sur Fun Radio avec We Are The Night. Il y aura Jason Derulo, on l'avait demandé tout à l'heure, tiens il va arriver là. Hop là. Jason Derulo avec Wiggle et avec Snoop Dogg surtout. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Et puis on écoutera Coldplay aussi avec A Sky Full Of Stars, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio. Restez bien là. Bon, allez, vous connaissez le principe, vous connaissez même l'heure, hein, 9h30 à peu près. Il y a les appels malveillants de Tof qui sont là, au taquet, prêts à faire mal. Oui, évidemment. Je suis là. Et là, on va parler de dormir nu. Oui, bah c'est encore une grande enquête, grande étude qu'on aime beaucoup. Et il paraît que donc c'est plus confortable et c'est mieux pour la santé des femmes de dormir nu. Ah oui, d'ailleurs, dites-nous si vous dormez nu. Tu dors nu, toi, Taf? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Polo, tu dors nu parfois ou pas? Non, ça m'arrive de dormir en short. Non, je peux pas. Ouais, mais jamais tout nu. Ah moi, on peut faire tout le temps, parce que c'est à dire que en fait, c'est emmerdant pour les mecs, parce que quand t'as la goule en pleine nuit, parfois tu réfléchis pas, tu te retournes et là, qu'est-ce qui se passe? Le drame, la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe, mais bon, c'est quand même relou. Ouais, donc, mais tu peux te plier la bite, hein. Bah oui, mais bon, normalement ça va. Mais enfin, tu t'applies pas, sauf si tu te secoues comme un ouf en pleine nuit. Mais après là, il y a un problème, faut consulter quoi. Bon, du coup, on avait appelé des gens pour voir comment ils dormaient grâce au numéro que vous appelez tous les soirs, hein, des numéros que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof. toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle tout de suite là, 21h36. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous dormiez nu, madame. Et ça vous regarde ? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Eh bah très bien, oh, ça c'était au bon accueil. Bonjour. On rappelle donc, évidemment, connaissez le principe. Allô ? Oui, bonsoir madame. Non, je vous appelle parce qu'on a été coupé. Et alors, c'est moi qui ai raccroché. Bah oui, mais ça se fait pas, madame. Bah et alors ? Bah et alors quoi ? On me demande si j'ai dormi. C'est quand même pareil, là, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Tof, monsieur. Mais je vous emmerde, moi. Bah pourquoi vous dites ça, monsieur? Très sympathique, hein. Bah ouais, je vous emmerde, était passé impeccablement bien. Bon, du coup, on rappelle, hein. Allez, hop, c'est reparti. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais pourquoi vous me dites ça? Vous allez arrêter vos conneries ou quoi, vous? Mais c'est pas une connerie, monsieur, je vous appelle pour vous poser une question. Et de quel droit vous posez des questions? Bah monsieur, depuis quand on n'a pas le droit de poser des questions? Mais moi je vous emmerde! Mais ça se fait pas, monsieur! Mais je vous emmerde! Mais non, monsieur, enfin ça se dit pas! Mais de quel droit? Vous voulez que j'appelle le commissariat, non? Mais pourquoi vous voulez appeler le commissariat, monsieur? Je comprends pas! Mais pourquoi vous me téléphonez? Mais pour savoir si votre femme dort nu, monsieur! Mais espèce de con! Ah non, monsieur, non, je peux pas vous laisser dire ça! Oui, bah moi je vous emmerde! Mais ça se fait pas, monsieur, enfin! Soyez un peu correct! Oui, correct, je vous aurais sous la main, vous verriez. Mais je verrais quoi, monsieur? Oui, ben, vous prendriez ma main sur la gueule. Mais enfin, monsieur, en plus, vous êtes violent. Oui, je suis violent. Mais pas de ça. Et vous avez qu'à venir chez moi, vous allez prendre un coup de fusil, vous allez voir. Mais enfin, monsieur, mais... Mais y a pas de monsieur, vous m'emmerdez. Mais enfin, pas de ça entre nous, monsieur. Un point, c'est tout. Mais non, enfin, calmez-vous. La barbe! Il aurait dû la placer, hein. Ça lui aurait été comme un gant, là. Bon, et ben voilà, on n'en saura pas plus, malheureusement. Hein. Tout à l'heure, on changera de sexe. Ah. Dans moins d'une heure, restez là. Il y aura le canular qui va arriver dans une dizaine de minutes. Il y a Enola aussi qui dit: moi je dors nu et j'assume. Ben, c'est très bien, Enola, t'as raison. Zacharia qui dit: moi je dors en short. Hugo qui dit: salut, tu peux me faire un message de bienvenue, s'il te plaît? Du lourd, si possible, évidemment. Faut que tu tapes ta queue. Connard. Il était sympa, court mais efficace. Et Arnaud du 13 qui dit: salut le top de l'antisèche, tu prends le court en photo et tu mets dans ta trousse. Pourquoi pas? C'est une idée comme une autre, why not? Et on va prendre Ophélie aussi là, qui nous disait qu'elle était amoureuse de son plan cul sur le Twitter, on l'a donc appelé. Et puis bah retour avec Raphaël, t'es là Raphaël? Oh, je suis là, t'inquiète. Bon bah je me doute. Il y a Laetitia qui est avec nous du Mans. Salut Laetitia. Salut. Comment ça va? Ça va, et vous? Mais oui, très bien, Laetitia. Bon, est-ce que tu suis une foot ou tu en as rien à foutre? Non, je suis pas forcément. Par contre, je vais regarder seulement quand c'est la France. Ah bah là, il joue ce soir, on vous tient en jus. Pour l'instant, c'est à 38e minute, il y a toujours 0-0 et deux transversales pour la France. Donc ça veut dire deux ballons qui ont touché la barre du dessus au niveau du but. Voilà, oui. Donc malheureusement, pas de but. Donc je disais que... Oui, alors je te demandais ça parce que... est-ce que tu trouves une fille avec un maillot de foot sexy? Oh, ça c'est sympa. Ah ouais, je vous ai mis la photo de deux asiatiques avec un maillot argentin et l'autre du Portugal. Promis, ouais. J'ai pas choisi. C'est d'ailleurs, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Tof. Tu peux enlever le vibreur, Raphaël ou Laetitia? Attends, ça doit être moi. Ah, moi je suis un petit canard. Ouais, on dirait Donald. Elle se fait plaisir. Ouais, très sympa. Et donc j'ai mis la photo sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Comme quoi vous voyez que les maillots de foot qu'on offre, certes à la base c'est pour les mecs qui jouent au foot machin, mais ça peut aussi être pour les filles. Donc si vous êtes un mec et que vous n'aimez pas forcément le foot, vous pouvez quand même l'offrir à votre copine. Ça peut avoir un côté très sexe. Vraiment, je dis ça, allez voir si vous ne me croyez pas. Tapez Mickaël officiel sur le Facebook et puis pareil aussi sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël sur Fun. Bon, Letty. Ouais. Alors, quel est ton avis, toi, par rapport à Raphaël qui nous appelait en se la ramenant? Il a trop de chance avec les filles, ouais. Il sait pas laquelle choisir, il en a une vingtaine. Il sait pas où les mettre, voilà, il sait plus où les mettre, etc. Bon, alors, Laetitia, on t'écoute. Bah. moi je trouve quand même qu'il s'il en a plusieurs, il a qu'à choisir la mieux, avec laquelle il se sent mieux, et à 16 ans il peut très bien se poser. Merci, merci Laetitia, merci. Et ben voilà, hop là, conseil donné. Il peut très bien le faire, à 14 ans je l'ai fait. De te poser avec quelqu'un, Laetitia ? Je suis toujours avec le copain que j'avais à 14 ans. Mais alors, je vais quand même te dire un truc. Bon, ok, c'est vrai qu'après, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est ton premier mec. Ouais. Il n'y a pas un moment où tu te demandes comment ça se passe en face, enfin ailleurs. Est-ce que pour toi, c'est peut-être, j'en sais rien moi, est-ce que sexuellement ton mec est bon ou mauvais, et commencer avec quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, une question normale en soi. Alors, je prends l'exemple d'une voiture. T'essayes une voiture. Alors, ta première voiture, c'est, je sais pas moi, une d'occasion, une Renault 5. Bon, c'est vraiment une occasion. Une très belle Renault 5. Elle était magnifique. Parce que celle de Top, c'était verte. Sa première verte. Qu'il a envoyé. Ouais, 4 vitesses qu'il a envoyé dans une rambarde d'autoroute tout seul. Non, c'est pas vrai. Ah, si, t'étais tout seul. Bon, donc du coup, voilà, on a la Renault 5, on roule avec, bon, ça roule, mais tu peux pas garder la Renault 5 tout, ouais, ça glisse. Tu peux pas garder la Renault 5 toute ta vie. Il y a un moment, tu vas dire, comment ça roule une autre voiture, bah, une Polo, comment ça roule une Golf, comment ça roule une Audi, comment ça roule, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Vu les daubes que t'as fait toute ta vie, au début, tu te poses la question, mais pas après. Après non, moi perso je préfère ce que j'ai chez moi que d'aller ailleurs. Oui mais imagine, alors regarde, je prends encore un autre exemple. Je dis pas que tu dois le faire, hein, c'est très bien, tant mieux. Hein. Non. Mais est-ce que, enfin tu vois, il y a pas un moment où tu te dis comment c'est ailleurs, parce que ok, t'es peut-être très contente avec ce que t'as. Toff était ravi de sa Renault 5 à l'époque. Mais oui, j'en étais très content. Voilà. J'ai fait tellement de choses dans cette Renault 5. Mais aujourd'hui par exemple, tu vois, bah ils se rendent compte qu'aujourd'hui qu'à sa Renault 5 était au top, parce qu'aujourd'hui il roule en autolive. Voilà tu vois, moi ma première voiture c'était une Opel Kadett. Mais regarde, tu vois, il sentait le chien. Et voilà, aujourd'hui j'ai une Golf et je me rends compte que c'est mieux. Mickaël oublie de dire un tout petit truc, c'est qu'on a failli mourir dans cette voiture. Ouais, parce que toi, t'as perdu une roue avec ma voiture. Voilà, donc faut le savoir aussi. Enfin bref. Bon, tout ça pour dire que peut-être qu'il y a mieux, ou peut-être que t'es tombé sur le top, et voilà. Mais sans peut-être comparer, c'est difficile. Mieux, comme peut-être qu'il y a moins bien. Ah bah bien sûr. Et puis moi, l'avantage de l'autolib, c'est que j'ai l'impression de baiser une autre meuf tous les jours. Ouais, super. Bon, c'est parfois bizarre. Elle est un peu crado, mais ouais, c'est ça en fait, hein, c'est ça le problème. Mais voilà, c'est juste, c'est bizarre quand même, non ? La question, ouais, tu te la poses au début. Maintenant, non, je me pose même pas la question en fait. Ah, moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je me poserai pas la question au début, mais en revanche, je me la poserai après. Ça se trouve, elle a trouvé directement une Ferrari. Ouais, bah je te tombe bien. Exactement. Hein, si bah voilà, c'est ça. Et carton rouge pour le Honduras là. Il y en a un qui sort là. Donc, c'est bien fait pour leur gueule. 11-10 pour la France là pour l'instant. C'est pas le score. Hein, 11-10. Hein. Ah oui, ah, ce serait pas mal. 0-0, mais il y a 11 joueurs contre 10 là, parce qu'il y a un rouge pour le Honduras du coup. Bon, donc du coup, bah merci en tout cas Laetitia d'avoir donné ton avis. Et puis bah Raphaël, écoute, fais attention. Réponse bateau. Wow. Fais ce que te dit ton cœur. Oh, c'est vrai. Mais oui. Ou alors tu fais un pour et contre pour chaque meuf. Voilà, ouais, ça c'est une idée aussi ça. Bah moi je vais te donner mon avis, suis ta bite. Exactement, ouais. D'accord. Bah, tu peux faire ça. Non mais voilà, te prends pas trop la tête, t'as 16 ans, si tu tombes sur un mec avec qui ça va durer, et puis voilà. Oh, pénalty pour la France, oh, attends. Oh là là là là. Attention, attention en direct. Palacios, c'est le rouge. Eh oui. Pour l'équipe de France. Deux cartons jaunes pour le Honduras, donc ça fait un rouge évidemment, et c'est Karim Benzema qui va tirer. Autant vous dire que je ne voudrais pas être à la place de Karim Benzema, parce que s'il la rate, il va se faire insulter. Et c'est un enculé, et c'est un con, et blablabla, et c'est la barbe. Attends, il porte pas la poisse. Raphaël. Bon, attends. Allez, c'est parti. Alors, attention. Bon, on suit en direct. Hein. Juste avant la mi-temps. Oui, tout à fait. Ça nous mettrait bien. Ça mettrait pas mal. À une minute de la mi-temps, tiens. C'est-à-dire que. Mais attention, et s'ils gagnent que 1-0, ça, et par le but de Benzema, là, c'est. Ouais, ils ont gagné grâce à penalty, donc bon. Alors, attention. Ah, ils auront toujours un truc à dire. Allez, un but ou pas un but. Noël Bayadares et ses 120 sélections. Bon bah vas-y, tire hein, Karim, là on va pas y passer la nuit là. Il prend son temps, c'est la mi-temps tout. Bah, il pourrait penser à nous là maintenant. Oh la là. Pression. Ah, il a la pression là, il sait qu'il y a, vous savez qu'il y a 1 milliard de personnes qui regardent le match là, à peu près hein, grosso modo, qui suivent le mondial. Tout ça. Bon bah alors quand il veut hein. Ah, attention, c'est parti, sifflet. Et Karim Benzema. Et c'est le but. Ouais, voilà. Qui prennent logiquement l'avantage dans ce match sur pénalty. Alors demain on le savait, c'est ouais. Attends, mais si c'est que le pénalty, s'il n'y a pas d'autre but derrière, ça va être ouais, mais sur un pénalty, ouais, mais... c'est facile, papa, il n'y a pas de mérite. Ouais, dis-moi, Raph. Je m'en fais dédicace ou pas ? Eh ben dis donc, t'as pas l'impression de nous couper la porte à dédicace alors qu'on est en plein but là? On est en train de nous recueillir, hein. C'est comme s'il y avait une meuf qui était en train de nous faire une simulation en direct, etc. En train de trier et tout. Et l'autre il arrive. En fait, je peux passer une dédicace, si c'est possible ou pas là, tu vois? Hein, exemple. Imagine, on est là en plein milieu là, on est là. Ouais. Voilà, et là, il y a Alex derrière, Raphaël qui arrive derrière. Je peux passer une dédicace en fait ou pas là? Voilà, et bien on débande. Hein, tu vois, en plein milieu de ça là. Bah ouais, tu nous as tout niqué, tous les faits quoi. Là, tu nous as tué le délire là. Bon, c'est Laetitia qui va choisir. Laetitia, allez, bah, il peut. Bon, allez, une seule personne, vas-y, Raphaël. Non, j'en ai neuf, j'ai neuf filles. Ouais, eh ben, t'en placeras qu'une seule, je te le dis direct, c'est la règle, pour tout le monde. Raphaël. Alors vas-y. Passe une grosse discasse à Pauline Minissa. Ouais. Sandra. Ouais. Marie, Sarah. Ok, bah voilà, bah le message vous, est passé. Vous, oh, bah merci beaucoup. Ah, ouais. Eh bah écoute, c'est super top. Merci d'écouter Fall en tout cas. Salut Raph, merci d'avoir été là. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro. Je te repasse tout de suite. Salut à toi, à bientôt. Salut, à bientôt. Okay. Allez, ciao, Raph. Bon, bah Letty, merci d'avoir appelé. On embrasse tout le monde au Mans. Et puis, gros bisous. Tu reviens quand tu veux. Ok, bisous. Ciao. Tu veux écouter un son ou pas, toi, Letty, à soir, hein, comme t'es là. Vas-y. Non, je te demande si t'as en particulier. Tu peux choisir. Tu veux écouter un son? Ouais, vas-y. Bah, vas-y, okay, d'accord. Vas-y. Bon, attends, je vais te proposer Jason Derulo. T'aimes bien ou pas? Tu connais? Tu connais ou pas? Laetitia? Laetitia? Non, elle est partie. Est-ce que tu connais le son là? Bon, on va dire que Laetitia voulait écouter Jason Derulo. Ouais, je pense que c'est ça qu'elle avait envie. Bon, voilà, il y aura aussi Coldplay qui va passer, puis David Guetta avec Blast Off qu'on écoutera tout à l'heure là. Et un jaune pour Kabaï. Bon, salut Laetitia, je te fais des gros bisous. Moi aussi, ciao. Salut, il y aura Gadjik dans quelques minutes, il y aura Lola, il y aura Ophélie là qui est amoureuse de son plan cul. On va en parler dans quelques minutes, vous toutes et vous tous en direct, toujours avec les maillots à gagner. Les maillots, je vous en parle dans quelques instants, juste après la pub, dans quelques secondes là. Restez avec nous. David Guetta à suivre. Il y aura aussi Jason Derulo et le canular. Attention, le canular va débarquer dans quelques secondes sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Exact. Et il y a un message de Sylvain qui dit: Mickaël, je suis tombé du fauteuil tellement content du but. Ah bah ouais, attends, heureusement. Bon, le problème c'est que c'est sur un penalty, voilà, sur penalty, ouais, c'est sûr, mais c'est plus simple. En mais coupe bon. Du monde, un but c'est toujours bon. Mais voilà, exactement, un but est un but. Il y a Hugo qui dit une astuce pour tricher, c'est de mettre. Enfin attention, parce que je reviens sur l'autre, mais l'Espagne avait aussi mis le premier but avec un penalty, ils ont pris 5 derrière. Donc ouais, c'est vrai. Méfions-nous. Hugo qui dit: une astuce pour tricher, c'est de mettre un papier avec les réponses dans un critérium pour ensuite l'enrouler dedans. Ouais, c'est une idée. C'est une idée. Et alors, la belle nana qui dit sur le Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun: bonsoir à toute l'équipe, je vous écoute depuis septembre. J'avais oublié mon mot de passe Twitter, mais je l'ai récupéré. Ah bah, heureusement, la belle nana. Et il était temps, entre septembre et maintenant, de te réveiller. Hein. Bon, je rappelle donc, comme c'est la mi-temps, là, maintenant, au match, c'est 1-0 pour la France, si vous venez de débarquer, qu'on a toujours les maillots de foot à vous offrir. Maillots de foot de tous ceux qui, toutes les équipes qui jouent au mondial de cette année. Hein. Si vous voulez gagner le maillot de foot, moi, j'ai un du Portugal. Vous pouvez voir d'ailleurs la photo sur le Facebook de l'émission en tapant Mickaël officiel. Il y en a d'autres, il y a toutes les équipes évidemment à gagner. Il y a les chaussures également, Nike, Puma ou Adidas. Et il y a également le ballon de foot officiel. Pour ce faire, il suffit de répondre à la colle, enfin à la question, une colle aussi, mais ouais. Bon. À la question de ce soir donc, la France a gagné face au Brésil en 98, tout le monde le sait, mais quel était le score final? S'agit-il de 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0? Tirage au sort dans moins de 30 minutes. Et vous repartirez donc avec soit le maillot, soit les pompes, soit avec le ballon de foot. C'est vous qui choisissez. Bonne chance tout le monde, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 par SMS ou au 63-22 depuis la Belgique pour repartir avec le maillot que vous voulez. Parfait. Bonne chance. 64-900 par SMS. Débutez le message par Mickaël, c'est important. Sinon, on ne reçoit pas le message. Donc Mickaël espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Voilà. On va également prendre Kylian dans un instant pour la triche. Ophélie, là, qui est avec nous. Ophélie, t'es là, Ophélie? Ophélie? Oui. Ah, Ophélie qui est avec nous donc, et qui avait tweeté donc qu'elle était tombée amoureuse de son plan cul. Sauf que ton plan cul ne t'aime pas, c'est bien ça? Ouais. Bon, c'est dommage, écoute. Ophélie, combien mesures-tu? Ouais, oh là là. 1m70. Combien pèses-tu? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. D comme Denise. Oui. Comme des énormes seins.

Ah ouais. Ah bah tant mieux alors, écoute. Bon, on se met Jason Derulo ou Coldplay, qu'est-ce que tu préfères? Jason Derulo. Jason Derulo et Snoop Dogg. Allez, c'est parti, on se fait péter le son de Wiggle. Juste après, il y aura Coldplay. Je vous calerai aussi tout à l'heure le son de David Guetta avec Blast Off que vous avez découvert la semaine dernière d'ailleurs sur Fun en exclu total. Okay. Oui. Tu peux m'aider parce que j'arrive plus à tweeter en fait. Ah, t'as tweeté trop de fois à mon avis, du coup, t'as été banni par Twitter pendant une heure à mon avis, hein. Je pensais ça. Oh là là. Quand tu tweets, il dit quoi? Il dit vous avez posté trop de tweets, c'est ça? Non, ça marque tweet enregistré dans brouillon non envoyé. Ah bah, oui. Bah ouais, à mon avis, ça doit venir de ça. Appelle Tweetman, le super-héros du tweet. Ouais, attends, on va appeler Tweetman dans quelques minutes, bouge pas. Bon, reste avec nous, reste avec nous. On va parler de toi, avec toi justement, de ton sex-friend duquel t'es tombée amoureuse, sauf que lui, visiblement pas. Donc on en parle juste après. Jason Derulo, cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. C'est Wiggle avec Snoop Dogg. Et je rappelle que la France mène 2-0 avec un doublé de Karim Benzema. Voilà, voilà, comme ça, je vous tiens en jus. Hey, yo, Jace. Damn, baby, you got a bright future behind you. Yeah, motherfucker. Wiggle, à l'instant, c'est le son de Snoop Dogg avec Jason Derulo. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et avec un message de Thomas qui dit trop top ton émission. Merci Toto. Il y a eux sur le Twitter également, Enouvou, qui dit mais vous êtes fous. Oh oh oui. Mais on vous adore, Mickaël. Bah merci, Enouvou, il, pardon, sur le Twitter avec le hashtag et Mickaël sur Fun. Amazing aussi, soutien moral pour les révisions, pour le brevet avec Mickaël sur Fun. Bah, eh, bah, bon courage à vous. Arnaud du 13, et bah, moi, je dors à poil, mais je me suis réveillé avec la bite dure en étant sur le ventre. Ça fait mal. Ah, bah, oui, t'as remarqué, mais c'est ce que je disais. Hein. Et Camille aussi, non, c'est quoi ça? Une dédicace au collège Jean-Baptiste Camille Corot. C'est Mylène qui avait envoyé le message. Et elle dira, bonsoir, prendre un stylo où il y a un petit rouleau à l'intérieur. Et hop, il suffit simplement de dérouler. Oui, c'est une idée comme une autre. Bon, alors attention, dans un quart d'heure maintenant, nous allons offrir, comme prévu, comme promis même, le maillot de l'équipe de foot de votre choix. Attention, putain, équipe nationale, c'est... T'as joué, Ophélie? Vous m'entendez, là, en fait? Bah, non, oui, non. On t'entend, là, on t'entend raconter ta life, voilà. T'as joué pour gagner le maillot que... Bah oui, j'ai envoyé au moins 15 messages. Oh là là là là, bah c'est peut-être toi, Ophélie, on sait. Quoique, ce serait con, parce que si on t'appelle et que t'es avec nous au standard, ça va s'en occuper. Ah zut. Non, c'est là, vous m'appelez sur mon fixe, c'est en fait, j'ai envoyé... Ah, t'as géré. C'est bien, t'as bien joué. Bon, je disais, t'as joué pour quelle équipe? Tu choisirais quelle équipe si tu gagnes? Bah la France. Eh bah la France, très bien, ok, parfait. Bon, alors je répète, donc il y a les maillots à gagner, uniquement les maillots des équipes qui jouent au Mondial 2014, que ce soit clair. On va vous les offrir, vous allez choisir celui que vous voulez, ou alors vous prenez le ballon de foot, ou alors vous prenez les chaussures de foot qui valent quand même 250€ pièce, hein, je dis ça, c'est vraiment les trucs officiels qu'on vous offre. Il y a les chaussures Nike, Adidas ou alors les Puma. Et pour gagner, il suffit de répondre à la question que je vous pose depuis tout à l'heure. Et c'est dans un quart d'heure qu'on va tirer au sort. Si vous n'avez pas encore joué, eh ben remettez un. Mettez-vous la page. Et si vous avez déjà joué, bah vous pouvez remettre un petit coup éventuellement là. Et bah vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900. Quel était le score du match Brésil, enfin France-Brésil en 4? Donne pas la réponse, tu vas donner la réponse à tout le monde, Ophélie là. Non, oh là là. Ah, je pensais que tu allais la donner. Donc quel était la réponse, quel était le score final du match, de la finale de la Coupe du Monde 98 France-Brésil? Était-ce 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0? En gros, combien la France a mis de buts face au Brésil? Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez et Mickaël suivi de votre message au 64-900 et pour la Belgique au 63-22, tirage au sort dans 15 malheureuses minutes. Et pour Michel. Rappel, 1-0 n'est pas la bonne réponse, je l'ai dit tout à l'heure, 4-0 non plus et au-delà de 4 non plus, puisque si je donne 4 possibilités, c'est que la réponse fait partie des 4, ça tombe sous le sens, ça semble logique. Et oui, bonne chance. Qu'est-ce qu'il y a au fait? La question que tu m'as posée tout à l'heure, là où j'ai dit la France, c'est le maillot que je voudrais ou l'équipe qui va gagner ce soir? Non, non, le maillot que tu voudrais, si tu pouvais choisir. Ah non, moi je croyais que c'était l'équipe. Non, moi je voudrais Portugal. Eh oui, bah tout ça pour gagner plus vite. Hein. Mais ça ne marche pas. Oh là là, Mickaël ne se laissera pas acheter. Eh oui, non. Je ne suis pas à vendre. Mais c'est bien, tu as très bon goût, Ophélie. Hein. Oui, c'est vrai. Non mais c'est bien, mais t'as raison. Moi c'est Pro Soccer qui m'a filé, puisqu'on vous offre évidemment, je dis on vous offre, mais c'est Fun Radio, Pro Soccer et moi-même. Oui. Oui, parce que je pourrais tout garder pour moi. C'est vrai, mais c'est vrai. Beau, c'est beau. Je me dis qu'est-ce que je ferai avec tous ces maillots. Mais t'as un grand cœur. Mais oui, je sais exactement. Oui, grand cœur, tout est grand. Mais toute oui. Ma bonté est grande. Enfin, tout est grand. Oh là là. Tu sais pas. J'ai quelques lacunes au niveau de la bite, c'est vrai. Mais bon, après, c'est un détail. De toute façon, on a vu qu'au-delà de 6 cm, ça sert à rien. En dessous, c'est un peu petit. Oui. Ouais. Donc 6, au final, c'est top. C'est vrai. Parfait, même. On l'avait vu ça, on en avait parlé dans la semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Bon, alors, du coup, Ophélie, bon, parlons de choses sérieuses maintenant, là. Hop, tu es donc. Tu sors avec un fuck friend, en l'occurrence. C'est-à-dire un ami avec qui tu couches. Mmh. Voilà. Si on peut appeler ça comme ça. Oui. Normalement, le but du fuck friend, c'est de pouvoir, bah, justement, avoir des petits coups à gauche, à droite, sans qu'il y ait de sentiments. C'est juste pour se marrer, juste pour s'amuser. Sauf que, bah, toi, t'en es tombée amoureuse. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es avec lui depuis quand? Dis-nous tout. Bah, ça doit bien faire un mois qu'on, bah, on est devenu sex friend. Et bah, je sais pas, à force de, bah, de coucher avec, et ben, je sais pas, je suis tombée amoureuse de lui. Et en fait, on traîne souvent ensemble avec une bande de potes qui sont au courant de ce qu'on fait. Et en fait, à chaque fois, bah, ils savent que je suis amoureuse de lui et tout. Ils lui font, ouais, ça te dirait pas de sortir avec et tout. Ils font, oh non, ça arrivera jamais, ça. Donc ça, je suis sûre qu'il m'aime pas. Du coup, voilà. Mais ça dépend, ça dépend. Parfois, tu dis ça arrivera jamais, alors qu'au fond de toi, tu penses l'inverse. Ne fais jamais dire jamais, surtout. Ouais. Et puis surtout, tu connais les meufs, tu connais les mecs. Tu connais surtout les meufs, puisque... Il y a toujours cette cette idée, pas une idée reçue pour le coup, qui a été vérifiée à maintes reprises. Quand une fille dit oui, c'est qu'elle dit non, enfin c'est qu'elle pense non, et inversement, ça marche aussi chez les mecs, tu sais. Oui, mais pas tout le temps. Non, bah non, évidemment, pas tout le temps. Mais donc, du coup, ça veut dire que cette fois-ci, peut-être que c'est oui, peut-être que c'est non, tu peux pas savoir. Moi, je dis, on l'appelle. Et peut-être qu'il se la ramène par rapport à ses potes. Par rapport à ses potes. En fait, avec. Eh, attends, je t'interromps, on ne devait pas avoir l'auditrice là qui est au Brésil là pour l'équipe de France ? Qui est parti avec son mec là, qui voulait l'inviter, oui, je sais pas quoi là. Ah oui, oui, oui, c'est oui, vrai. J'y pense parce que je viens de voir dans les gradins des supporters de l'équipe de France et tout le bordel. Je me dis, bah putain, ça se trouve, c'est elle. C'est attends, vrai. On va essayer de la rappeler en direct du Brésil. Putain, on a zappé, on est donc, cons. Donc, avec ta théorie, Mickaël, toutes les filles qui m'ont dit non, en fait, elles me disaient oui. Bah, pas forcément, parce que. D'accord. Non, c'est pas obligatoire. Parfois, elles disent plus, non. Hein. Parfois, elles disent non et elles pensent non. Ah, ou d'accord, elles disent okay, oui et elles pensent oui. Ah, c'est d'accord, possible aussi, ouais. Non, mais voilà, tout ça pour dire que peut-être que il est avec ses potes et tu sais, il se la ramène, tu vois. Un mec, c'est con. Oui, mais même son frère, même à son frère, il lui a dit ça, il me l'a redit, son frère. Mais en même temps, s'il couche avec toi, c'est qu'il te trouve quand même un minimum intéressante, sinon il couchera pas avec toi. Enfin, je pense. Bah, c'est peut-être que pour le cul. Hein. Enfin, même, je veux dire, t'as l'air effectivement, d'après les mensurations que t'as fait avec Toff, là, t'as l'air effectivement plutôt bien gaulé, mais bon, ça fait pas tout. Je veux dire, moi, je pourrais pas coucher avec une meuf qui m'attire pas un minimum, que je trouve pas un minimum mais oui, joli. Bah oui. C'est-à-dire, si je la trouve laide ouais, et inintéressante. Enfin, moi je pourrais pas. Bon, alors on sait que Toff pourrait le faire, sans problème. Oui. Lui-même avec un meuble, il pourrait le faire. Oh, c'est ce qu'il dit. Ouais, bah, même avec un meuble, il pourrait le faire. Bah, ce week-end, j'ai encore baisé un tiroir et c'était pas mal. Il y a un mec d'ailleurs qui a. Il y a un Américain qui s'est fait encore serrer. Il est parti en tôle pour la quatrième fois parce qu'il baisait hein, son matelas pneumatique. Ouais, il a n'importe un matelas pneumatique. Quoi. Et le mec le baisait en dehors de chez lui. C'est-à-dire que le première fois, c'est son voisin qui l'a grillé, il a appelé les Schmitt, les flics. Et le mec, il a continué 3-4 fois. Il a pris de la tôle hein, pour exhibition, etc. Ah ouais. Oui, il le baise vraiment. Le mec, il baise un matelas pneumatique. C'est le même. Hein, c'est toujours c'est attention. Il est fidèle dans le matelas pneumatique. Dans le matelas pneumatique. Très bien. Il baisse quoi dessus? Il quoi? Bah il baisse. Non, il baise personne. Il baise le matelas. Il voilà, est nu et puis il se frotte dessus. Quoi. Voilà, il se frotte dessus, etc. Ah mais c'est pas baiser, ça c'est un frottis, c'est tout. Bah. C'était titré comme ça. Nous on n'est pas les journalistes. C'était marqué le mec baise son matelas. Donc bah, oui. On fait que reprendre. Ce que les journalistes ont écrit, hein. Car nous sommes aussi des journalistes. Exactement, de très grands journalistes. Très talentueux. Il mettait sa bite dans un petit trou là pour gonfler le matelas. Peut-être. Ah bah peut-être après, hein. Peut-être qu'il l'a fait. Ah, on sait pas. Vu la taille du trou, tu veux pas rentrer ouais, ton pénis. Ouais, alors, faut clair, vraiment en avoir un petit. Hein. Oui. En plus, ouais. Tiens, je voulais juste répondre à un auditeur qui disait salut l'équipe. Est-ce que Mickaël pourrait parler un peu moins vite? On a l'impression qu'il a pris des excitants. Bah non, je parle toujours comme ça en règle générale. Mais alors, t'as pas écouté l'autre radio? Non, ils ont l'air qu'ils sont camés. Hein. Non, mais c'est vrai. Ah y en a, t'as l'impression qu'ils sont sous tout ce qui est possible et imaginable, hein, comme drogue. Le mec te demande, c'est ouf. De parler moins vite. Moins vite. Bon, eh bien écoute, nous parlerons dorénavant comme ça. Oui, Ophélie, je suis tout oui. Tu pourras faire après les top titos, bon, même si je peux plus tweeter pour voir si je suis dans le top 5 ou pas. Évidemment que nous allons pouvoir accéder à ta demande. Putain, on se fait chier quand même. Hein. Ouais, et puis c'est tweeter, pas tweeter. Tweeter, ouais, exactement. Ouais. On fera le top tweetos avec toi. Bon, on va le faire maintenant, tiens. Allez, un petit top tweetos. Bon, eh, dites-nous si vous avez des plans cul, justement, des sex friends et des fuck friends, pour voir comment ça se passe chez vous. Ça se passe bien, ça se passe mal, appelez-nous. 01 42 48 5000. Pour la Belgique, c'est le 02 851 4x0. Et vous pouvez envoyer tous vos messages, bah, notamment sur le Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun, ou même sur Facebook, et même par SMS. au 64 900, mais il faut évidemment débuter le message par Mickaël en mettant votre message. Bon, quel est le numéro 5 actuellement sur Twitter? Quel est l'auditeur qui a le plus tweeté avec le hashtag Mickaël sur Fun? Corentin. Corentin, en numéro 4. Nadia. En numéro 3. Zacharia. En numéro 2. Ophélie. Oh, Ophélie, deuxième. Putain, c'est dommage que t'aies été banni pendant une heure. Oui, c'est à cause de ça. Je sens oh là là, les enculés chez Twitter. Et en numéro 1. Kinan. Kinan, bah voilà, pour l'instant c'est Kinan qui repart avec les sextoys offerts par passagedudésir.fr, dont un magnifique vibrant. Mais oui, tout à fait. Voilà, qui vaut quand même quasiment 100 euros. Et qu'on vous offre, si vous voulez pas ça, il y a d'autres choses. Il y a des magnifiques gods au top. Oui, il y a des rabbits. Il y a les big rabbits. Il y a les small rabbits. Il y a Joe l'intrépide. Il y a Joe l'intrépide. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Gilbert le magnifique aussi, voilà. Que j'aime beaucoup. C'est mon préféré, je pense. Oui, ça m'étonne pas. Il y a Toff le médiocre aussi. Tu prendrais lequel, toi, Ophélie, si tu gagnais le top Twitter ce soir? N'importe, c'est pareil. D'accord, ok. Tu préfères celui avec la télécommande, le petit œuf vibrant, ou tu préférerais un vibro, tout court, un god? Avec la télécommande. Ah, oui, tu as bien compris. Tu as bien compris comment ça se passait. C'est bien, tu as très bon goût, Félix. Et je peux lui foutre la haine ou pas? Bah vas-y. Bah il y a deux tweets entre elle et Kinan. Non, oh, non, oh là là, Ophélie, t'aurais mis trois tweets là, paf, t'étais première. Merde. Oh la galère. Oh la galère. Et le but pour la France. Yeah. Poteau, occasion de but pour l'équipe de France. Ah non, annulé, annulé, hors-jeu. Ah c'est dommage, c'est dommage. C'est annulé ou c'est pas annulé? L'extérieur du filet. Ouais, c'est annulé a priori. Hein, attends, parce qu'ils ont enlevé le score, donc je sais pas, parce que. Bah non, a priori, c'est un ou deux. Alors c'est trois ou pas? Quelqu'un a vu le match ou pas? T'as vu ou pas? C'est trois. C'est trois, ça y est, c'est sûr. Ouais. Ah bah voilà, eh bah 3-0 pour la France. Frère, il est en train de me dire. Ah bah non, c'est annulé. Non, 2-0. Non, non, voilà, le but a été annulé, il était hors jeu. Voilà, ouais. Eh bah ton frère il dit ce qu'il veut, moi je suis devant Bein là, 2-0. Hein, c'est marqué toujours là. Donc voilà. Donc voilà, bah, toujours deux buts, tout simplement. Bon bah écoute, Ophélie, tu restes avec nous. Il y a Alexandre dans un instant qui va te donner son avis par rapport au fuck friend. Il y a Mélodie qui dit oui j'en ai un. Tu as quoi un fuck friend j'imagine. Ah, fuck friend, bah appelle-nous Mélodie là, qu'on en parle. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Il y a Marco qui dit ça faisait 5 putains d'années que j'avais pas entendu ta putain de voix, ça fait trop plaisir. Une vieille de bac. Non, une veille. Ah, une veille de bac. Ah oui, j'avais compris, une veille. Eh ben écoute, merci. Putain, Marco, ça fait plaisir que tu nous aies retrouvé, putain. J'ai essayé de mettre autant de putain que lui, comme putain, ça. Ouais, putain. Et bah bienvenue sur Fun, Marco là. Et puis Nadia qui dit aussi un conseil pour Ophélie, elle devrait lui dire je t'aime en plein acte et elle verra ses réactions. Ah, s'il débande direct totalement là, ça c'est que c'était pas bon en fait. Hein. Mmh. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va se faire les appels malveillants. Avec plaisir. Évidemment. Et puis on aura je pensais qu'on allait pouvoir passer une soirée pépère. Mais il est là. Et c'était sans compter sur l'arrivée du canulariste Damien. Oh merde. Ouais. Ça va? Oh merde. Ouais, ça va, ouais. Les doux, cachez-vous. Voilà, Damien, donc, qui s'est autoproclamé canulariste. Hein, voilà, donc quelqu'un qui fait des canulars. Alors, cherchez pas au dictionnaire, c'est pas encore là, mais l'année prochaine. Ouais, on y travaille. Voilà, ça sera au Larousse 2015. Le canulariste, donc, personne faisant des canulars. Homme ou femme, hein, bien entendu. Bien entendu. Ouais, bientôt, je me mets à l'imposture, bientôt. Tu mets à l'imposture? Bah chaque chose en son temps. Mais t'es déjà une imposture. Réussis d'abord tes canulars et puis après on verra. Bon, vu que je parle à quelqu'un de professionnel dans le domaine, Damien, quel est le score du foot à ton avis ce soir? Il y a entre 2-3-0. Comment ça? Entre 2-2,5? 2 buts et demi? Je crois que c'est 2-0 je pense. Ah non, mais là maintenant oui, j'ai la télé devant moi. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu imagines comme score à la fin? Tes pronostics, pardon. Ouais, tes prédispositions. Non, je crois que c'est soit 4 ou 5 à 0. Ah ouais, toi directement, toi tu vas au toi, mis à 3-0, pourquoi pas. Ce qui ne serait pas sans rappeler une belle victoire de l'équipe de France également. Mais je ne me souviens plus à quel match. Donc, je dis ça, je ne dis rien. Sauf que l'Uruguay a perdu contre le Jamaïque. Déjà que la France a eu contre le Jamaïque 8-0. D'accord. C'est dès qu'il va avoir pire. D'accord. Oui, ok. Tout à fait. Pareil. Bien sûr. Bah, je suis d'accord avec toi. Et la Mongolie, ils ont fait combien? Oh, je ne sais pas. Faut demander à Toff, c'est lui qui est mongolien. Bah, je crois qu'ils ils sont pas arrivés. Ah hein. Non, ils ne sont pas là. Ouais, le problème, c'est qu'ils venaient à pied, donc ils sont pas arrivés. C'est ça. Bon, Damien, reste avec nous. Tu as prévu de nouveaux canulars qui vont toujours autant déchirer que les autres? Je voudrais faire un canular à un taxi en faisant croire que je voulais prendre un taxi pour aller à tel endroit. D'accord, ça va être drôle ça. Bah, attends, on va les appeler dans quelques minutes là. Reste avec nous alors. Reste là, Damien. Bon, on se fait le son de Coldplay maintenant sur Fun. Toujours au cœur d'une heure sans pub à 22h26. Corentin qui dit le Benzema il est chaud. Bah ouais, même si finalement le deuxième but c'est pas lui qui l'a marqué officiellement. C'était un soi-disant gardien de l'Honduras qui l'a mis lui-même. Ouais. On s'en fout, c'est 2-0, ouais. C'est le principal. Coldplay A Sky Full of Stars sur Fun Radio. Ça fait plaisir le son de Coldplay sur Fun. A Sky Full of Stars sur Fun Radio. Il est 22h30, on va se faire les appels malveillants. Avant de faire les appels malveillants, je vous rappelle une dernière fois la question pour repartir avec les maillots de foot de l'équipe de votre choix, dont évidemment la France, les Diables Rouges en Belgique, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, bref, tous les pays qui jouent au mondial cette année là. Bon, maillot de foot, chaussures de foot ou ballon de foot. Évidemment, tout ça est officiel FIFA 14, bien entendu. Hein. Enfin, FIFA Coupe du Monde 2014, offert par Fun Radio et par Pro Soccer. Il faut répondre à cette question. Quel était le score final? C'est la dernière fois que je vous pose la question, puis on appelle quelqu'un. Quel était le score final à la Coupe du Monde 98 entre la France et le Brésil? Est-ce que c'était 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0? Vous avez la réponse. Eh ben, vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L et but pour la France. Oh, c'est le nouveau Zidane. Non, bah doublé parce que l'autre il a pas été validé. Il lui est pas crédité. Il est pas crédité à Benzema, hey, donc. Allez. J'annonce demain, il va y avoir sa tête sur tous les journaux. Ah bah bien sûr, évidemment, hey, ça c'est sûr. Là, hein. Dans la surface de réparation pour. Ah oui, tout à fait. Alors quelle est la surface de réparation, Polo? C'est quoi la surface de réparation? C'est là où les Portugais font du de la maçonnerie. C'est là que le garagiste arrive. Qu'est-ce qu'ils sont? Allez, vous faire enculer tous les deux. Voilà. Bon, je disais donc, il y a donc les maillots. Je sais pas où j'en étais maintenant. Ouais, voilà. Donc, la France a gagné. Putain, ils ont fait 3-0 là. C'est beau. Oh. Hein, c'est beau. 3-0. Plus, c'est beau ce qu'il fait. Hein. Eh oui, mais quel était le score justement face au Brésil en 98? 1, 2, 3 ou 4-0? Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Je vous laisse une minute. Dans une minute, dès que la cloche va faire ding, paf. Bon, Toff n'est pas puni pour le coup. Ah non, merde. Mais dès que la cloche fait ding, hop là, ça y est. Et Patrice Evra qui s'en va sur civière, ça c'est mauvais signe. Il y a Nadia qui dit: je voudrais appeler pour réserver un taxi et lui dire que je veux aller à un certain endroit. Ça va être lourd le canular. Ah bah je vous confirme. Attention, ça va débarquer dans quelques minutes. Là, faudra bien rester avec nous. On va également prendre Alexandre qui voulait réagir à Ophélie par rapport à son plan cul qui elle est tombée amoureuse du plan cul. Voilà, tout ouais, simplement. Faut dire ce qui est. Il vous reste 30 secondes pour envoyer Mickaël suivi de la réponse au 64 900. Donc allez-y, maniez-vous. Je tire au sort là maintenant dans 25 secondes. 20 secondes maintenant. Et vous allez pouvoir peut-être repartir donc avec le maillot de l'équipe de France, du Portugal, de n'importe quel pays qui joue à la Coupe du Monde. La paire de pompes Puma, Adidas ou alors Nike ou alors le ballon de foot. Mickaël est la réponse. Le France-Brésil en 98, ça a fini sur quel score? 1, 2, 3, 4, 0. C'était quel score? Alors attention, top, terminé, c'est plus la peine d'écrire. On appelle quelqu'un maintenant, on va sélectionner quelqu'un. Et si la personne qu'on appelle décroche et répond correctement à la question que je viens de poser, elle repartira avec le maillot, le ballon ou alors avec tout simplement les chaussures de foot. Allez, c'est parti, on y va. Quelqu'un a été sélectionné. Allez. Et pour l'instant c'est toujours 3-0 pour la France. Un score qui n'est pas inconnu, évidemment. La France a l'habitude de faire un score comme ça. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Mickaël. Non! Oh là là! Je vous jure, c'est pas moi qui tire au sort. Et en plus, je vous demande même pas votre prénom par SMS. Hein, c'est vrai. Voilà. Bon, Mickaël, très beau prénom. Oui. Hein. Tu féliciteras tes parents qui ont très très bon goût. Pour pas qu'il y ait de conflit, on va t'appeler Francis. C'est ça. Bon, Mickaël, t'es dans quelle ville? Et t'as quel âge? 60, 33 ans. Très bien. Alors Mickaël, t'as envoyé Mickaël avec la réponse à la question que j'ai posée depuis 20h. Là, quel était le score final à la finale de la Coupe du Monde 98 France-Brésil? 1, 2, 3, 4-0 pour la France. C'était combien justement pour repartir avec eux? C'était et 1, et 2, et 3-0. Comme ce soir d'ailleurs. Et ben voilà. Eh ben tu repars avec soit le maillot, soit le ballon de foot, soit avec les chaussures de foot, tu veux quoi? Ouais, le maillot. Le maillot, quelle équipe? Bah celle de la France, hein. Ah bah attends, comme tu veux, j'ai dit que tu pouvais choisir n'importe laquelle, celle qui se trouve au Mondial 2014. Voilà, donc tu as choisi la France, et bah t'auras la France, il n'y a aucun problème. Ça roule, salut à toi en tout cas, et puis merci d'écouter Fun, et puis bravo hein. Merci bien. Salut Mika, à bientôt, ciao à toi. Oui. Bon, rassurez-vous, on remet le couvert demain, hein. Vous inquiétez pas, c'est offert par Fun Radio et par Pro Soccer. Et puis, demain. Non, pas par passage, par Pro Soccer. Voilà, on remet le couvert demain sans faute. Restez bien sur Fun Radio. Bon, et la bonne nouvelle, puisqu'on était en train de parler de foot là, c'est que François Hollande est confiant pour la victoire des Bleus, puisqu'il a déclaré que le Brésil devait gagner, sinon ce serait un drame. On est bien quand même, hein. Ah, il est bien, ah, il est bien. On est quand même... Quel talker. Non, mais franchement. Ne parle pas comme ça de Hollande. On est quand même content qu'il soutienne les Bleus hein, en tant que président de la France. Qu'est-ce qu'il est con alors. Non, mais il a quand même envoyé un petit message aux Bleus tout à l'heure. Surtout perdez hein, si vous jouez contre le Brésil, un de ces quatre. Je ne veux pas être le président de la réussite. C'était qui? C'était Chirac qui était là en 98. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Je ne veux pas être comme Chirac, je ne veux pas être coupable de cette victoire, s'il vous plaît. Par pitié, quoi. Bon, on va changer de sexe, sauf. Oui, allons-y. Bon, allez, bah, c'est parti. Les comme appels. Oui, c'est ça. C'est la fille de R. Kelly. Ouais. Enfin, c'est le fils qui est devenu la fille. Ouais, c'est le fils qui est devenu la fille à 14 ans. Ouais. Non, c'est le fils qui est devenu la fille. C'est le fils qui est devenu la fille. Non, c'est la fille qui est devenue le fils, puisqu'on s'est demandé comment on faisait pour mettre une bite. Ouais, effectivement. Ouais, il me semblait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, on appelle des gens donc pour leur demander s'ils veulent changer de sexe, quoi. Voilà, c'est ça. Pour voir s'ils y ont déjà au moins pensé une fois. Grâce au numéro que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. Toujours au cœur d'une heure sans pub. Vous êtes les bienvenus si vous arrivez. C'est Mickaël No Limite jusqu'à minuit. Et hop là. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà eu envie de changer de sexe, madame. Non, mais vous avez que ça à foutre chez vous, quoi, là. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Non, parce que changer de sexe, ça va 5 minutes. Mais comment ça, changer votre gueule et faire un deuxième? Ah bah sympa, dis donc, hein. Au bon accueil, bonjour. Oh, bon, là, là, là. On rappelle la petite dame très charmante. Adorable. Totalement. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais, espèce de connard. Tu rappelles encore une fois et je prends mon 22, je t'en fous un coup dans la gueule. Mais... Hé, avant de parler, espèce de fils de pute, toi, t'es cocu avec un gros négro parce que, soi-disant, ta bonne femme a te critique parce que t'es une petite pute. Alors, au lieu de t'occuper du ménage des autres, occupe-toi de ta queue, connard. Très gentil. Oh, occupe-toi Dieu. De ta queue, Tof. Hein. Oui, je vais m'en occuper. Bon, on va quand même le rappeler. Je vais me l'astiquer. Bah oui, oui, oui. Déjà, oui. T'as un problème? Bah, non, monsieur, mais c'est un peu violent ce que vous me dites. Hé, tu fermes ta gueule, ce lit, espèce de bâtard. Si t'es pas content, tu viens en bas et je te plume la gueule avec mon 22, je te dis. Et t'arrêtes de me faire chier, t'as compris ta race? Je veux pas vous faire chier, monsieur. Ta gueule, ferme ta gueule, je te dis, t'arrêtes de pourrir la vie parce que tu te jures, je vais te plumer la gueule, fils de pute. D'accord? Oui, mais j'avais... Va t'occuper de ton gros cul, va. Mais j'avais juste une question. Ouais, ta gueule, va niquer ta mère, va, sale fils de chien. Mais vous voulez pas répondre à ma question plutôt? Non, là je pense. Non, je pense qu'il a préféré couper court à la conversation. Oui, j'ai l'impression. Enfin, au monologue. Oui. Hein, puisqu'il a parlé un peu tout seul. Hein. Parce que c'était pas vraiment une conversation. Bon, ben on en fera d'autres tout à l'heure. Hein. Bah avec plaisir. Des appels malveillants. Restez bien là. Dans une vingtaine de minutes également, on fera le gainage. Eh oui. Oh là là là là. Eh oui, je rappelle qu'on fera la finale du gainage pour ceux qui savent pas ce que c'est. Bah c'est un truc, c'est le défi 30 jours. Si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver. Donc c'est comme faire des pompes, sauf qu'en fait on doit rester pendant très longtemps. Sur les coudes et les avant-bras. Et on fera la finale dimanche prochain en direct de Marseille sur le Vieux-Port. On en est à combien là de jours? Bah ça fait 3 semaines. Ouais, ça va faire. On entame la 3e semaine. Non, 3e semaine, ouais. Et donc bah ce soir il faut tenir 150 secondes. Alors déjà jeudi on a fait 120 secondes et on a quand même bien galéré. Mais là ce soir 150 secondes, ça va être chaud du cul. Ça va être une violence. On verra. Bon, on va également, avant de reprendre Damien, le canulariste, reprendre Ophélie qui est avec nous de Bar-le-Duc, qui est amoureuse de son plan cul. Il y a Alexandre qui est avec nous du Val-de-Marne dans le 94. Salut Alexandre. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, écoute, tranquille, hein, tranquille, tranquille. Alors, Alexandre, tu voulais réagir à Ophélie, toi aussi, tu es un plan cul amoureux de ton plan cul ou inversement, comme Ophélie, ton plan cul est tombé amoureuse de toi? Non, moi j'ai ma copine, mais en fait, ce que je veux dire à Ophélie, c'est que si franchement elle l'aime, pour qu'elle lui dise que si j'étais à la place de Ophélie, moi ça me ferait mal, toi, de coucher avec quelqu'un qui m'aime pas. Ah donc, oui, moi, ça c'est vrai. Donc moi je lui donne un conseil, c'est qu'il faut qu'elle lui dise, et franchement, faut pas qu'elle continue coucher avec lui, c'est vraiment, elle l'aime vraiment. Ouais, ça c'est clair, Ophélie, c'est clair que tu vas te faire du mal, hein. Si lui t'aime pas et que tu continues à coucher avec lui, parce qu'à chaque fois tu vas te faire de faux espoirs. Ouais, pour ça. Ah bah ouais, il faut pas le faire, sinon ça, c'est problématique, Ophélie. Hein. Ouais. C'est dur à dire. Ouais. Sinon, il y avait une auditrice qui avait dit, hein, pendant l'acte, tu dis je t'aime en plein milieu pour voir ce qui se passe. Et si le mec débande, tu sauras tout de suite, tu seras fixé. Oui, oui, s'il débande, là, oui. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'es son seul fuck friend ou il en a d'autres ? Comment ? Lui, mon. Ton fuck friend, ton pote là avec qui tu couches ? Non, il n'y a que moi. Que tu penses, parce que. Ouais, où t'es sûr ? Il m'a dit qu'il y en a eu avant moi, mais là, il n'y a que moi. Ah ouais, d'accord. Donc en fuck friend, vous faites fidélité, c'est bien. Ouais, donc vous sortez ensemble, quoi. Bah oui, en fait, c'est ça. C'est un peu bidon, mais c'est vrai. Si vous êtes fidèle, parce que le fuck friend, c'est tu couches un jour avec une, avec l'autre. Enfin, tu vois, t'as pas d'attache. T'as pas d'attache. Ouais. Alors que là, s'il est fidèle, c'est que vous sortez ensemble. Bah oui. Bon, vous le cachez, mais vous sortez ensemble. Allez manger une glace. Bah voilà. Vous n'osez pas vous le dire, c'est exactement, ça le truc. Exactement. Il y a certainement de ça, oui. Pince-lui les couilles pour voir s'il te met une baffe. S'il te met pas de baffe, ça veut dire qu'il t'aime. Non, je ne vois pas le rapport. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais j'essaye, hein. Vraiment, voilà, tu couches avec lui, tu lui dis je t'aime en plein milieu, puis tu vois sa réaction, on verra. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, il n'y a pas 150 possibilités. Hein. Soit tu le vires parce que voilà, il n'est pas amoureux de toi et ce sont les choses qui arrivent et il faut le respecter. Soit tu lui dis les choses clairement, mais ça reste un fuck friend. À la base, le fuck friend, tu sors pas avec lui. Bah oui, si t'as changé en cours de route, il faut plus que ça soit un fuck friend, quoi. Voilà. Bah écoute, tiens-nous au courant, tu le vois quand la prochaine fois, Fée ? Je sais pas. Ça dépend, quand il bande. Ouais, quand il m'appelle, j'arrive. Voilà, c'est ça. Non, tu vois, tu sais pas ? Non, je sais pas, je pense la semaine prochaine, mais je sais pas quand. Oh bon, là là. Écoute, appelle-nous dès que tu l'as revu pour voir comment ça s'est passé. Je compte sur toi, au fait. Hein. Ouais. Bon, ça marche, ça roule. Excuse-moi, j'ai pas écouté, parce que avant que tu me reprennes, t'as déjà fait le résultat là, des messages ? Oui, on a appelé, c'est un autre Mickaël qui a gagné, figure-toi. Oh non, si, la poisse. Ah. Oh là. Écoute, c'est demain. Peut-être. 27 messages. Bah oui, je suis désolé, ma chérie. Demain, peut-être, au fait. Ah, parce que vous le faites encore demain ? Ah, bah oui, on fait ça pendant tout le mondial, donc t'es tranquille. Hein. Ah oui, tu vas pouvoir. Ah oui, jusqu'au 13 juillet inclus, on le fait, donc t'es tranquille. Hein. Ouais, mais faut dire que je gagne, hein. Moi, j'ai pas de chance. Ah non, mais si t'as pas de chance, regarde, moi je joue au loto, tout le bordel, je gagne jamais, ça m'empêche pas de jouer, un jour on viendra, j'espère, ça va tomber, tu vois. On verra, si tu joues pas, tu gagnes pas, ça c'est sûr. Hein. Ouais, mais à chaque fois que tu joues, je perds. Ouais, mais c'est le jeu. Mais voilà. En fait, quand tu joues, c'est que t'as toujours une possibilité de gagner, même s'il est maigre, c'est vrai. Alors que si tu joues pas, t'es sûr de pas gagner. Hein. Comme disait la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tu vois ? Ophé ? Ouais. Elle s'est suicidée là. Elle s'est suicidée. Elle n'en peut plus. Bon, je te fais des bisous, Ophé. À bientôt. Tu vas voir Alexen, s'il te plaît ? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse. Tu vois, t'as gagné un truc. Ophé. Bah voilà, oui, Alex, tu voulais dire un truc ? Ouais, je pourrais faire une dédicace vite fait ou pas ? Vas-y, il y a une personne, hein, comme d'hab, choisis la bonne. Bah, je vais faire une dédicace à Marie, ma copine, et je lui ai dit que je l'aime beaucoup. Voilà. Oh, c'est bon, oui. Bravo, c'est beau. Eh ben, message passé, voilà, pas de problème. Salut à toi Alexandre, à bientôt. Salut, ciao. Allez, bye bye Alexandre. Bon, et eh ben très bien, on va se faire on va accueillir le canulariste la marraine. Et on va se faire également le match d'impro tout à l'heure dans une bonne demi-heure. Si vous voulez jouer avec nous au match d'impro, j'ai des casques focales à vous offrir. Eh bien vous jouez maintenant, vous nous appelez 01 42 48 5000. On va jouer, le principe est simple, on cherche un garçon et une fille et on vous donne un thème d'improvisation, vous devez improviser sur ce thème pendant 2 petites minutes. En gros, c'est ça, grosso modo, c'est ça. Et si vous voulez jouer par SMS, vous pouvez aussi vous envoyer Mickaël suivi de votre message. Vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et bien sûr aussi avec le hashtag Mickaël sur Fun sur le Twitter de l'émission. Le canulariste est-il là, Damien ? Ouais. T'es là donc ? Ouais. Parfait. Attendez. Oui. C'est pour rappeler un taxi pour faire un canular. Eh ben on va appeler le taxi. Je peux vous donner le numéro ? Du taxi ? Ouais. Bien sûr, vas-y. 05. Ouais. Ok. 252. Ouais. D'accord. Eh ben écoute, c'est noté là. T'as bien noté le 05, hein, Sandro. Hein. Ouais, c'est bon, hein. Oui, c'est bon. Parfait, très bien. Bon, eh ben on y va, on l'appelle, d'accord ? D'accord. Allez, c'est parti, on y va, on appelle taxi là qui nous a donné. Et puis sois bon, hein. Donc tu vas lui faire croire quoi là avant qu'on l'appelle ? Je vais lui mettre une fausse adresse. Tu vas lui mettre une fausse adresse ? Ouais. Ok, d'accord. Ce qui tu vas lui mettre la... où dans le cul. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que la chute va arriver tout de suite, tu vois. Non, mais je vais lui mettre à 10 rues du Parc, par exemple. Eh ben, génial, bah, c'est parfait, c'est parfait. Dis plutôt Jean Jaurès. Rue Jean Jaurès. Parce que comme il y en a peu, t'es dans quelle ville là? C'est à Toulouse. À Toulouse, bah il n'y en a pas des Jean Jaurès à Toulouse, hein? Si, non, non, je crois pas, hein. Non. Non, viens de checker là, attends. Dis-lui que c'est ça. Non, Jean Foutresse. Ouais. Jean Foutre, 10 rue Jean Foutre. Jean Foutre, d'accord. Ouais. Voilà, okay. Bien entendu, pas de sang entre nous. Ah, pas de sang entre nous, faut le placer, okay. Évidemment. Hein. D'accord? Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle, hein. Sois bon. Hein. Donc c'est Jean Foutre, hein. 10 rue Jean Foutre. D'accord. Non, 10 69 rue Jean Foutre. 69 rue Jean Foutre. Ouais, 69 rue Jean Foutre. On appelle, hein, c'est parti. D'accord. Allez, vas-y. Donc on appelle directement dans le taxi, là, à mon avis. D'accord. Bon, allez. Hop là, c'est parti. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est pour réserver un taxi. Ouais, attends, parce que là, je suis en train de conduire, qu'est-ce que tu veux? C'est pour réserver un taxi. Ouais, mais je sais pas, attends, t'es où, là? Ben, je voudrais... Ouais, attends, deux secondes, j'évite les piétons, là. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je suis à Toulouse, à 69. Ouais, attends, deux secondes, là, je tourne à gauche. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, je suis. Attends deux secondes, parce que j'ai fait un petit carton là, je repasse pour voir. Non, ça va, y'a pas de blessé. Bon, je t'écoute, ouais. Oh. Ouais, je t'écoute, vas-y, donne l'adresse là. C'est pas un peu ça là. Allô, attends, je freine là. Oh, mais ça va, tu roules à combien de kilomètres-heure là? Voilà, bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, je voudrais que vous veniez sur le 69 rue Jean Foutre. Ouais, d'accord, de quelle ville? C'est à Toulouse. D'accord. Eh ben, écoute, j'arrive. D'accord. On regarde tout de suite. Attendez, ouais. sinon pas de sang entre nous, mais par contre, je sors déjà, je suis dehors direct. D'accord, bah, j'arrive là, j'arrive, je mets dans le GPS, j'arrive. Hein. D'accord. On regarde tout de suite, hein. Vous avez combien de minutes là? Bah le temps, je mets dans le GPS, j'arrive là, de toute façon en 2 minutes je suis là, hein, s'il n'y a pas de problème. Ouais mais alors vite. Ouais t'inquiète, je fais vite, j'accélère là. Allez tu m'arrêtes. Ah ça y est, il a coupé, il a raccroché. Oh là là, énorme. Oh énorme. Franchement, le meilleur de la décennie là. Ouais, putain, le canular de ouf. Bon, écoute, on va essayer de le rappeler. On va essayer de le rappeler après pour voir s'il a trouvé la rue Jean Foutre. Hein. Mais c'est facile, le vrai numéro parce que. Ah bah ouais, mais bien sûr. Mais attends, mais c'est le vrai là. Attends, bouge pas. Bon alors, attends, reste avec nous, Damien. Ouais. On va voir un peu d'infos dans quelques minutes. On va rappeler le taximan pour voir là. Il est au taquet le taximan. Hein. Putain, c'est un truc de ouf. Putain, il roulait bien. Hein, t'as été bon, Damien. Grave. Il a tout placé, carré, propre. Mais grave, et il a placé aussi. Enfin, il a tout placé. Marlène également de Bordeaux là. Salut Marlène, dans quelques minutes, ça va bien? Marlène? Merci, oui. Bon, Marlène, tu es là, tu es avec nous. On va parler de ton mec qui a un trop gros sexe. Bah, c'est parfait. Et bah, tu restes avec nous. Et pendant ce temps-là, on va te chiller dans quelques minutes avec le son de Mr. Probs. Ça sera Waves. Ça te branche, Marlène? C'est bon? Marlène? Oui. Ça te branche, Mr. Probs? Oui, parfait. Eh ben, parfait. Ne bouge pas de là. On reparle avec toi dans quelques minutes. C'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Bienvenue. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, il est 22h52 sur Fun Radio là. Bienvenue si vous venez de débarquer. Mickaël No Limit tous les soirs, on est en direct. Vous balancez évidemment vos messages. On va faire le gainage dans quelques secondes. Et oui, le gainage. Je rappelle que si vous voulez faire du gainage en même temps que nous, là, histoire qu'on subisse pas tout seul, appelez-nous hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique pour qu'on puisse, pour que vous puissiez nous soutenir et qu'on se soutienne mutuellement. Je rappelle que le principe du gainage, c'est d'avoir le ventre plein en 30 jours. On en est à 3 semaines là d'essai. Pour l'instant, je n'ai pas encore le ventre plein. Non, moi non plus. Hein. Moi non plus. Donc, est-ce que ça marche ou pas? Je ne sais pas. Donc, on va continuer. On est à 150 secondes et la finale la semaine prochaine à Marseille. Quand on sera en direct de Marseille dimanche prochain, il faudra tenir 270 secondes. C'est pas possible. C'est deux fois rien. Ah, quasiment rien. Ouais. Et sinon, c'est fini. 3-0 pour l'équipe de France. Bravo. Là, premier match de cette Coupe du Monde 2014. Et 3-0 pour la France. Très bien. Et j'annonce demain très gros match à 21h. Iran-Nigeria. Ah, on va être bien là. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on va aller manger, hein, puisque juste avant il y a le Portugal qui joue contre l'Allemagne. Et j'espère qu'on va pas prendre notre mère, hein, en tant que Portugais, bien sûr. Donc on verra quoi. J'aimerais faire une grosse dédicace à toutes les personnes qui rendent votre émission possible. Ah bah écoute, merci en tout cas. Hein. Merci à vous également, puisque les auditeurs sont vous. Bah on serait pas là non plus. Et un message qui dit aussi, j'ai eu un plan cul qui était accessoirement mon ex. J'ai voulu ressortir avec, mais j'ai pas osé lui dire. Et lui m'a dit après qu'il aurait voulu aussi, mais j'avais déjà notre mec. Maintenant, on parle de temps à autre, mais quand on se voit, il y a une forte tension sexuelle. Ah ben, il faut vider son besoin. Il faut vider, évidemment. Vider. Et Corentin qui dit, putain, le Benzema, il était chaud là. Ah, ça, c'est clair également. Bon, allez, on va se faire également la suite du canular avec Damien. On va d'abord attendre que le taxi arrive jusqu'à l'adresse qui cherche en tout cas le 69, oui, parce qu'il va galérer, là. Rue Jean Foutre. Voilà, avec Damien. Et en attendant, eh ben on a le gainage. Et pour le gainage, on a Damien qui veut jouer avec nous. Tiens, un autre Damien. Salut Damien. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Ah, ça va et vous? Bah écoute, très bien. Là ça va parce qu'on n'a pas encore fait le gainage. Mais quand on va le faire, je pense qu'on va moins rire. Hein. Mais c'est rien ça. Bah c'est rien. T'en as combien de minutes toi avant de faire le malin? 7. Hein? 7 minutes. Hein? Tu fais 7 minutes en restant sans bouger? Bah oui. Putain, mais 7 minutes. C'est ouf. Mais t'es... vas-y, il faut que tu nous envoies une photo de tes abdos là parce que c'est... Ah ouais, parce que là je vais voir. Apollo POLO Alpha Radio. Ah ouais les mecs, envoyez vos abdos à POLO@radio.fr, il va chez vous. Combien de temps vous faites le gainage? Grave, grave, grave, il va adorer, il va plus qu'adorer même. Bon Damien, tu fais le gainage en même temps que nous? Je veux de la grosse poitrine bien grasse moi. Bah oui, c'est ça. Bon alors bah c'est parti, on y va, on est prêt là ou pas? Bah ouais, on allez, est prêt. Allez, gainage en direct sur Radio. On est prêt. Eh bah tant mieux. Alors c'est parti. C'est mon tour. Je rappelle donc le gainage, le principe, on se met en mode pompe. Ouais. Sauf que bah on fait pas de pompe évidemment, ça, on tient tout droit évidemment, le plus droit possible, et surtout sur les avant-bras et les coudes. Et surtout on souffre, on se fait très mal. Et surtout on souffre bien notre nerf effectivement. Ouais. Allez, parce c'est que parti. Là c'est quand même 150 secondes, c'est quand même juste énorme. Non mais c'est ça hyper fait dur. 2 minutes 30. 2 minutes 30, c'est quand même chaud. 2 hein. minutes 30 à souffrir. Polo il va encore être malade, il va nous dire je souffre, je vais vomir, je me sens pas bien. J'ai mal partout, j'ai mal ici. Hein, Mickaël qui va nous dire qu'il a mal à son dos, que ça fait mal, ça tire, ça pointe. Alors que moi, je ne dis jamais rien. Je suis celui qui souffre le moins. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et surtout que je te rappelle que la semaine dernière, enfin jeudi pour être précis, t'as quand même dit « Oh putain, c'est dur !» Parce que moi, je parle pendant que je fais le truc, donc c'est super compliqué. T'as parlé jeudi, t'étais là « Oh, j'ai eu peur, j'ai eu mal, ça va pas. Ouais, » Bon, Damien j'ai souffert. Oh ouais. Putain, j'ai pas fait le gainage à côté de la poubelle. Il y a toujours la poubelle là. Non, d'habitude elle est là-bas, la poubelle, elle est pas là. Attends, sérieux. Allez hop, on y va. C'est parti. Il y a Polo qui cherche des trucs bizarres là dans les placards. On se met en mode gainage, on est à même le sol. T'es en quelle position toi Damien? Bah je suis prêt à commencer. T'es prêt à commencer? T'es aussi sur le sol? Ouais. Ok, allez, on se met bien. Je crois que j'ai encore mal de jeudi. Ah, on sent les gros sportifs là. Ah bah attends, et des vrais là, on a couru un marathon ce week-end tous. Hein. Ah oui, bah bien sûr. C'est pour ça, ouais, en fait on a fait le marathon, c'est pour ça qu'on est un peu fatigué encore, mais bon. On s'est pas complètement remis, mais. Bon, alors, 200. Ah non, c'est 150, mon dieu. Oui. 150, ça nous fait 2 minutes 30, ce qui veut dire que là il est 22h56 et 40 secondes, on va commencer à 57. Et 22h57, dans 15 secondes, il faudra terminer à 22h59 et 30 secondes. Putain, mon c'est dieu. Long, ça va être très long, ça va pas être long, ça va être hyper long. Damien, t'es prêt dans 10 secondes, on y va. Vas-y, y'a pas de soucis. Allez, on y va. Il souffle là. 3, 2, 1, attention, allez go. C'est parti. Voilà. Ça va là, ça va mieux? Merde, attendez, j'ai pas mis mon micro vers le bas quand même. Oh mon dieu. Voilà. Allez, c'est parti. On est là. Pour l'instant, tout va bien. Ah bon? On est à 12 secondes. Ah bah ça va, alors si on est à 12 secondes, tout va bien. Oh, ça va Damien? Ça va. T'en es où là? Tu tiens bien? T'es bien droit? T'es tout comme il faut? Bah oui. Ce mec qui tient 7 minutes, je veux dire, je vois pas comment il peut ne pas être bien. Mais ça va parce que là je le sens mieux parce que j'ai le maillot du Portugal, tu vois. Ça, ah ça, bah d'accord. Ça donne Portugal, un coup de main là. Le Portugal, tout demain de suite. Pour voir si ça marche. De quoi Damien? Le Portugal, tout de suite. Eh bah oui, écoute, je l'ai reçu. Alors tu prends en plus un numéro 7, alors forcément je vais pas cracher dessus, loin de là. Merci à ProSoccer d'ailleurs, encore une fois. Généreux. Bon alors attention, et je rappelle aussi qu'on enfilera toute la semaine et toute la semaine prochaine et toute la semaine d'après, bref jusqu'au 13 juillet à la fin du mondial, des maillots, des chaussures de foot et les ballons. Tu prendrais quel pays toi d'ailleurs si tu gagnes Damien? L'Espagne. Tu prends quoi l'Espagne? Ouais. Ceux qui ont perdu 5-1 là? Bah ouais. Ah ouais d'accord, ok. On est qu'à une minute là, vous emballez pas les enfants. Mais une minute pleine ou... Une minute passée. Ah quand même. Enfin, passer de 7 secondes là. Hein. C'est déjà ça, c'est 7 secondes, c'est 7 secondes. Non, ça va aller. On y croit. On est toujours à même le sol pour ceux qui viennent de débarquer sur Fun là. Bah Tof, parle un peu. Il y a une minute. Bien sûr, je veux parler, mais je sais pas trop quoi dire. En plus, j'entends même pas Damien. Parce qu'en fait, le seul qui doit s'en sortir dans ce truc, c'est Damien. C'est le seul pour qui ça doit être archi simple. Bah, il fait 7 minutes normalement, donc. Oh là ça. Je vous enverrai une vidéo de quand j'ai fait là. T'inquiète pas, Polo. Encore une minute, encore une minute. Tiens, il a perdu. Polo, il tient plus là. On y est presque. Combien? Donc on est à même le sol là pour l'instant. Combien? On fait le gainage. Encore 45 secondes. Mais non. Mais si. Mais non. Oh putain. 45. J'annonce, je tiendrai pas la semaine prochaine à Marseille 270 secondes. Mais si. Ah non. Mais si. C'est clair que non là. Mais si. On va tenir. Ah Polo. Polo, t'entends plus, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Encore 30 secondes. On est à 2 minutes là. Putain. 2 minutes de gainage. Putain, ça fait mal. Oh, c'est horrible. Ça va Damien? Ça va, impeccable. Oh, tu tiens? Non, tombe pas. Tiens. Combien? Encore 15 secondes, même la musique de Rocky s'est arrêtée, c'est pour vous dire. Oh, d'habitude, on s'arrête pile à cet endroit-là. Allez, 10 secondes. Oh, c'est dur. Vous me faites rire, donc c'est impossible. Là, je peux pas. 4. Oh putain. 3. 2. 1. Stop. Oh putain. Oh putain, c'était horrible. Oh là là. Bon, allez, 3 jours, les gars, comme ça. Ça va aller? Bah Polo, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est complètement dingue, là. Ça va, Damien? Bah ouais, oh, la en position. Allez, 10 pompes, là, on y va. C'est ça, ouais. Oh, je suis couché contre le sol, j'arrive même plus à me lever, donc. Oh, putain. Oh là là, mais quel est le trou du cul qui a été inventé, cette... Moi, je suis toujours horrible. En position. De quoi, Damien? Je suis toujours en position. Ah, t'es toujours en position, toi? Eh bah, tant mieux. Eh bah, rompez, hein, c'est bon. Eh bah, reste. Tu peux arrêter. Oh là, putain, voilà, moi, je vais mourir. Il reste comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Oh, ça je fait suis mal heure, au dos, j'ai mal au coude, j'ai mal au... Ah, bah, là, c'est violent. Si je reste jusqu'à la fin de l'émission, oh, là, putain. Je suis mort. Oh, putain, c'est hardcore. Mais tu fais ça depuis combien de temps? 3 mois. Depuis 3 mois, évidemment, alors c'est facile. Bah oui, ouais. Mais nous, on vient de commencer, on est des brels. On est encore des bleus, là. Mais je crois que je vais mourir. Ouais, j'ai mal aux couilles. C'est-à-dire que j'ai mal aux couilles, les gars. Mais comment ça se fait que t'as mal aux couilles? Je ne sais pas, j'ai mal aux couilles. Non, mais tu te masques les mains pendant que tu le fais. Oh là là, massage de couilles. Pourtant, je transpire pas facilement. Mais là, mec, je suis trempé, hein. Sous les bras, je pue ma mère, là. Enfin, non, pardon. Je pue sa mère. À qui? Oh mec, putain, à qui vous voulez? Je m'en branle. Il fait chaud dans le studio, putain. Là. Ouais, mais c'est la lumière aussi. Là. Non, bah la lumière de rien, c'est des LED, ça chauffe pas là. Bon, bah Damien, bah merci. Merci, hein. Bah de rien. Pour le coup de main là, c'est cool, merci à toi. Et puis, bah tu reviens demain pour quand on continue là, pour nous soutenir. Si vous voulez, y'a pas de soucis. Eh ben parfait. Bon, les autres aussi, vous pouvez venir hein, pour nous soutenir, vous êtes les bienvenus, y'a aucun problème. Bon, salut Damien, à demain. À demain, salut. Oh, salut, putain. Salut. Oh putain, je vais éteindre la lumière. Ah, je suis dans un état de mort là. Je crois que je vais vomir. Ah ouais, une mort qui va débarquer dans quelques minutes là. Ah, ça fait du bien sans la lumière. Là. Ouais, Yannès sur le Twitter qui dit Polo est décédé, lol. Bah écoute, c'était pas loin. Oh putain. Mais t'imagines que la finale la semaine prochaine à Marseille, c'est pour ainsi dire le double. Mais c'est pas possible. Il va falloir tenir le double. Note, je t'interromps. C'est-à-dire que la semaine dernière, quand on avait fait 120 secondes, j'avais l'impression que j'étais au bout de ma vie. Là, bon, je suis toujours au bout de ma vie, mais j'ai quand même été jusqu'à 150. Oui. Donc, malgré tout, ça tient. Souviens-toi au début, quand on faisait les 30 secondes, on était là. Oh ouais. 30 secondes, ça passe. Oui, c'est vrai, on s'en perd. Ouais. Ça passe comme rien. Passe crème. Je tiens à vous avouer, j'ai failli béton vraiment. J'ai failli lâcher à 50 secondes. À 50, après, ouais. À 50 secondes passées ou à 50 secondes de la fin? De la fin. Ah, de la fin, d'accord. Parce que mon coude, il a dit merde. Ah ouais, j'ai mal aux couilles toujours. Bah c'est ça. Il y a Geek Vert aussi sur le Twitter qui dit génial le canular avec les gamers des games, on est tous. Franchement les gars, vous gérez. Ah oui, c'est tout à l'heure ça. Il y a Chouchita aussi, Mickaël président. Moi je dis oui. Bah oui. Et le Doumou qui dit un message de bienvenue en tant que Dou Mickaël sur Fun. Est-ce que tu peux passer First of the Year de Skrillex? Je vais voir si je l'ai. Si je l'ai, pourquoi pas. Et puis un message de bienvenue. Tu t'attaques. Connard. Voilà, il y a Koubi aussi, continue de vous déchirer. Peux-tu souhaiter une bonne chance à ma chérie et qui est sur la route de retour de Paris pour rentrer dans Lyon. Merci à vous, bis à toute l'équipe. Bon gainage les gars, courage. Ouais bon, on l'a passé, je peux dire qu'on a chié là. Et Devers45 idiot, putain les gars, j'ai fait en même temps que vous. J'ai enchaîné les 10 pompes par la suite. Ah mais toi t'es ouf, t'es un grand malade toi. C'était une vanne. Et Manu qui dit putain j'ai plus d'avant-bras et le dos. Mais normalement... C'est bien de savoir que vous le faites en même temps que nous, c'est cool. Et normalement, d'abord, c'est une séance d'abdos et de pompes, et ensuite, tu fais le gainage. Parce qu'en fait, le gainage, il fait... normalement, il se fait pas tout seul. Il se fait après une séance d'abdos. Ouais. Bon, enfin bon, nous, on fait comme ça à l'arrache. Bon, allez, on est toujours au cœur de... De l'émission, bah, il reste encore une heure d'émission, on va se faire dans quelques minutes. Je sais même plus quoi dire, je vais mettre un disque, hein, je pense. Hein, Mister Props avec Waves. On va faire le match d'impro, voilà, c'est ça. On cherche encore une fille pour participer au match d'impro. Si vous voulez jouer les filles, appelez-nous 01 42 48 5000, on va vous donner un thème. Il faudra simplement arriver à improviser à propos de ce thème avec un auditeur au choix, qui sera là aussi, bien entendu, pour gagner les cadeaux. Ce soir, c'est à base de football, évidemment, puisque l'équipe de France a joué son premier match ce soir. Qu'elle a gagné d'ailleurs 3-0. Oui, attention. Bon, 01 42 48 5000, appelez-nous. 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et il y a Marlène avec nous de Bordeaux. Ah, ça va Marlène? Ça va, oui. Écoute, je suis vraiment désolé. On pue un peu la transe, j'espère que ça ne se sent pas trop. Non, ça va. Bon, alors on est désolé, hein, mais bon. Vraiment... Ça t'as une voix sexy, Marlène. Voilà. Non, c'est vrai, Marlène, bienvenue à toi. Donc de Bordeaux, 28 ans, passez une bonne journée, passez un bon week-end. Oui, ça a été. T'as fait quoi? Piscine, bronzette. Ah, ah oui. Grosse journée, mais combien mesures-tu? Bronzette, là. Faut que je me rende compte, quoi. 1m63. Bien. Ah, je dis pas. Mais si, faut te passer. T'inquiète pas, nous sommes avec c'est une équipe de professionnels. Hein. C'est médical. Non. Allez, c'est médical. Non. Comment elle mesure? 1m63, on va dire quoi 55 60 70 Oui, dans les 60. Voilà, bah très bien, alors quel problème? Alors quel est ton tour de poitrine? C'est un questionnaire police. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est la police. Nous sommes la police, madame. Exactement. Brigade des couilles. Tout à fait, oui, c'est ça. Non, malheureusement, non, t'as fait. En même temps, on l'appelle pour son mec, hein. Pourquoi t'espérer quelque chose. C'est une étude scientifique qu'on mène avec Tof depuis des années. Très scientifique. Mais oui. Voilà. Tiens, dans ta gueule. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, alors, du coup, Marlène? Tu nous appelais parce que ton mec a un problème de Tof. Enfin, t'as un problème plutôt avec lui. Oui, voilà. Mais quand on fait l'amour, en fait, parfois, quand il va trop fort, ça me fait limite mal au fond. Bah oui, c'est parce qu'il tape, quoi. Mais oui, mais ça dépend. Mais comment ça, c'est dans quelle toutes les positions? Oui, à peu près, parce qu'elle est assez grande, donc. C'est-à-dire, elle est assez grande. Et assez 22 cm. Ah oui, c'est tout de même. Oui, c'est. Un saucisson, quoi. Tout de même grand, en effet, on est plutôt d'accord. Mais tu lui as dit d'y aller mollo parce que les mecs quand ils ont une grosse bite, parce qu'il n'est pas du tout mon cas, donc de ce côté-là je peux pas trop parler en connaissance de cause. Mais tu lui as dit d'y aller pépère, hein, au début en tout cas. Si après je pense que ça va. Mais... Il va tranquille, mais des fois, je sais pas, ça fait limite mal des fois. Bah, tu sais ce qu'il lui dit de faire? Dès qu'avant quand il bande, il prend du scotch, un gros scotch bien dur, et il enroule comme ça. Comme ça tu vas taper, il va y avoir une espèce de butée de garde comme à l'escrime et il ne pourra pas rentrer plus que tu ne peux recevoir. Ça tu peux faire. Non mais attends, le mec s'il a effectivement une grande un grand sexe, une grosse bite, faut qu'il soit tranquille. Ou alors peut-être que toi t'as un petit vagin. Non, je pense pas. Bah, je sais pas. Si, non, si. Toi, tu vas pas prendre des mesures. J'allais dire. Oui, bah prends une règle. Entre là, jusqu'à où ça va. Oui, ça fait combien de centimètres voilà. Bon, attends, Marlène, on va demander à d'autres filles justement. Est-ce que vous êtes déjà sortie avec un garçon qui avait effectivement un sexe démesuré? On va en parler maintenant et puis ça donnera des conseils à Marlène. Comment est-ce que vous avez fait pour vivre avec? Parce que c'est vrai que si vous êtes amoureuse du gars et qu'il a un trop long sexe, trop gros sexe, si ça fait mal, c'est un peu emmerdant quand même. Donc appelez-nous. Et on en parle, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous pouvez aussi envoyer tous vos messages par SMS, notamment. Vous débutez votre message par MIKL et votre message derrière au 64 900. Et puis on en parle dans quelques instants. Tu restes avec nous, Marlène, bouge pas. On aura Damien aussi, le canulariste, qui va revenir. On aura Kylian qui voulait aussi donner son avis par rapport à la triche. On en parlait tout à l'heure. Et puis il y a Mister Probs qui va débarquer. Restez sur Fun. On revient dans 3 secondes avec encore plein de choses à faire avant la fin de l'émission. Hein. Heureusement, le gainage est derrière nous. En voyant le côté positif. Oui, on va voir ça comme ça. Oh putain, quelle violence. Allez, bonne nuit sur Fun Radio. Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah L de 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, toujours en direct, il est 23h09 sur Fun. Il y a 30 minutes sans pub devant nous. On est donc à la cool. Corentin qui dit mort de rire les ouf. Il y aura dans 20 minutes aussi les appels malveillants. Mais avec plaisir. Je suis toujours disponible pour un appel malveillant. Dernière giclée d'appel malveillant. Ouais. Oui. La position qui donne le plus de plaisir. Bah justement, tiens, on va en parler avec Marlène là, qui son mec a un trop gros sexe, du coup ça lui fait mal. Je voulais avoir vos avis les filles. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un mec qui avait effectivement un trop gros sexe? Eh ben appelez-nous pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse filer un coup de main à Marlène là. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et envoyez également vos messages, soit via Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun, on lit bien sûr tous vos messages, soit tout simplement par SMS. Si vous avez votre portable avec vous là, vous envoyez MIKL espace votre message, vous envoyez ça au 64 900 et on lit tout ça bien entendu en direct dans l'émission. Il est 23h10, la France a gagné 3-0 pour ce premier match également ce soir de la Coupe du Monde 2014. On suit bien sûr tout ça en direct avec vous, on suivra les matchs de la Belgique, du Portugal et tous les autres bien entendu. Et là on écoute Mr Probs sur Fun Radio, c'est Waves. Mr Probs, à l'instant sur Fun Radio, c'était Waves. Il y a les appels malveillants qui arrivent dans un quart d'heure sur Fun Radio. Restez, il y aura Polo contre le reste du monde aussi dans 30 minutes. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit, No Limit. No Limit. Mickaël sur Fun Radio. Yes, il est 23h13. Tiens, il y a Bruno qui dit j'ai un sexe de 2 cm au repos et 9 quand je bande. Est-ce que c'est grave? Bah non Bruno, hein, puisqu'on était tombé sur une enquête la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, qui disait que 6 cm c'était le sexe idéal pour les filles, puisque au-dessus c'est trop, enfin ça sert à rien. C'est pas trop, c'est que ça sert à rien. Ouais, ouais. Et en dessous, bah, c'est trop petit. Donc en fait, 9, ça va finalement, c'est bien. Aliénor aussi qui dit 3 heures de retard à cause du match, coup de pelle, coucou à toute l'équipe. Moi c'est en levrette, mon homme fait 23 cm. Ah oui, quand même. Ah, ouais, ah bah coup de pelle. Hein. En plus, Aliénor, on suivait le match pour vous, c'était pas la peine de regarder la télé. Et alors Alexis qui dit Mickaël, il a qu'à se faire une ablation du sexe. Ouais, bah elle sera bien avancée après, tiens. Ah bah oui, mais au moins elle sera plus aussi longue. Ouais, mais elle sera bien avancée quand même. Bon, Marlène. Oui. Bon, Marlène, il y a plein de messages qui sont arrivés là par rapport à toi justement. D'ailleurs, appelez-nous encore hein, les garçons, les filles, si vous avez un conseil à filer. Est-ce que vous avez un gros sexe ou est-ce que vous êtes déjà sorti les filles avec un garçon qui avait un gros sexe? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Bien, mal, ça faisait mal, qu'est-ce que vous lui avez dit? Bref, dites-nous tout. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Ton ex, il faisait à peu près quelle taille? Mon ex? Ou tes ex en l'occurrence? Non, ex. Hein, mais dans la moyenne, 14 par là. 4, ouais, donc là, ouais, la moyenne quoi. Parce que la moyenne, oui. C'est quoi? C'est quoi la moyenne en Europe? Je crois que la France c'est 16, un truc comme ça. Non, c'est 14. Moins. Non, c'est 14, moins. 16, c'est déjà grand. Hein. Ouais, ouais. Moi, je crois que c'est plutôt 14. Ouais. 13, 14. Ouais, je cherche cette information, je vous réponds tout de suite. Ouais, 14, ouais. Donc évidemment, 22, 23, c'est tout de suite évidemment un level au-dessus, bien sûr. Puisqu'au Togo, je crois que c'est 16. Au Togo, c'est ouais, ça? Je sais plus. Tof, tu disais, attends, non, c'est 18 ou 10, non, même plus. Attends. Non. Alors, la moyenne. Bon, vérifions. Hein. Et je vais vous mettre dans quelques minutes l'information exacte. Je vais vous mettre dans quelques minutes les photos du gainage là où on souffrait le martyr là. Dans quelques minutes, je vous les mets ça sur Facebook et Twitter. Donc restez bien sur Fun Radio. Bon Marlène, pendant qu'on vérifie ça et pendant qu'on prendra les auditeurs qui vont donner les conseils, Marlène bouge pas de là. Donc je rappelle, hein, Marlène donc sort avec un mec qui a un trop gros sexe et ça lui fait mal. Donc 01 42 48 5000, appelez-nous pour qu'on en parle et puis par SMS. Il y a beaucoup de messages, mais vous laissez pas votre numéro de téléphone, donc on peut pas vous rappeler sur le SMS en envoyant et Mickaël et votre message et puis votre numéro aussi, comme ça on peut vous appeler au 64 900. Voilà, donc j'ai les tailles hein. Donc la France c'est bien 16,1 cm. Ah, 16,01. Ah ouais. Bon bah, grande bite en France alors. Ouais, alors donc c'est 14, et la France est 14e hein, au rang des grandes bites. Ah ouais. Et donc c'est la plus grande, c'est le Congo avec 17,93. Ah ouais. Et la plus petite revient à la... Ça doit être l'Asie ça. Oui, Corée du Nord hein, qui est à 9,66. Ah ouais, mais le problème c'est qu'en Corée du Nord, comme Kim Jong-un il a que 10 cm, tous les autres ils rabotent. Ah bah oui, ils sont obligés. Attends, ils peuvent pas avoir la plus grande bite que le patron, tu vois ce que je veux dire. Attends, ah oui. C'est raboté tout ça, hein. Tout ça c'est raboté. Bah oui. C'est comme les cheveux, tu vois, ils doivent avoir la même coupe, hein. Pareil au niveau de la bite, hein. La même coupe, exactement. Tout pareil. Bon, avant de récupérer Damien le canulariste, Florian est avec nous maintenant. Salut Flo. Oui. Salut Mickaël. Ça va, allons, oui. Oui, on va dire ça comme ça. Bah oui. Bah c'est de la t'appelle, Flo. Oui. Bon, très bien. Alors, Flo, est-ce que t'es comme Marlène, est-ce que t'es déjà sortie avec un mec qui avait un gros sexe et comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Bah, mon compagnon, là, déjà, lui, il en a un gros. Donc, combien de centimètres? 19. Bah, 19, ça va. Ça va. Ou alors, c'est vraiment que t'as, toi, une petite chatte, hein, excuse-moi, mais... Ouais, t'es... Non, mais t'as la caverne peu profonde. Non, mais combien mesure ta chatte? 19 centimètres, c'est pas surréaliste, quoi, tu vois. Ouais, oui, mais bon, ça fait mal, quoi. Bah, sachant qu'en plus, t'as quand même, allez, facile, 3-4 centimètres qui restent dehors, parce que tu peux pas les rentrer, tu vois, je veux dire, t'as les cuisses qui bloquent. Donc, au final, je vois pas comment le mec, il peut taper au fond, quoi. Tu mesures combien? 1m68. Combien pèses-tu? Ouais, t'as vu comment il place le dos? Il a là, été comme très ça fort sur ce coup-là. J'étais très fin, j'étais très fin. Là, combien pèses-tu? Oula, 55. D'accord, bon, ça va. Quel est ton tour de poitrine? 105C, je crois. Oh, 105C, comme... Oh, je veux une photo. Oh là là là. Oh, on veut des photos parce qu'on a une collection de gros nibards. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui, oui. Oui, oui, petite fesse, mais par contre, elle a un... Effectivement. Moi, j'ai envie de dire, profites-en pour faire des branlettes espagnoles. Oui, bah bien sûr, évidemment, tant qu'à faire. Bon, et donc, du coup... Plus de ça, je suis blonde aux yeux bleus, donc... Bah, Toff arrive, hein. Bah, je sors l'autolib, là. Il est déjà... Enfin, génial. Il est déjà sur la route, là. Et il risque pas de te faire mal. Ouais, oui, ça, de ce côté-là, on est tranquille. En autolib, t'as un peu le temps avant de voir arriver, mais enfin, bon, soit. Bon, revenons donc au problème, là. Comment t'as fait pour gérer le truc, Flo, alors? Eh ben, tout le temps à la même position, jambes en l'air, ça fait moins mal. Jambes en l'air. Oui. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, hein. T'as déjà essayé cette position-là ou pas, toi, Marlène? Les jambes en l'air, oui, mais moi, ça me fait mal aussi. Les jambes... Jambes en l'air un peu écartées. Mais t'es, en fait, ouais, c'est ça, il met les jambes sur ses épaules et normalement, la pénétration, elle est pas aussi grande puisque forcément, t'as les jambes qui bloquent. Ah ouais, comme ça, ouais. Moi, j'ai beaucoup moins mal comme ça. Tu vois, parce que en levrette, comme t'es, c'est bien écarté, du coup, il peut aller bien au fond. Oui, oui. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, il faut voir. Attends, on va demander aussi à Alex qui est avec nous de Rouen. Salut Alex. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va nickel, ça va nickel. Bah là. tranquille, bienvenue à toi tranquille, alors. Ouais. Alors. Merci. Ouais, alors en fait, moi j'ai un petit conseil à te donner, en fait, moi, parce qu'en fait, je suis... On m'appelle Mégabit, c'est ça? Non, pas Mégabit, mais je suis très au-dessus de la moyenne et en fait, c'est un peu gênant, en fait. J'arrive pas à trouver une fitness à cause de ça, quoi. Bon, à bah ta alors, taille. Alors vas-y, c'est quoi ta moyenne? C'est quoi, du 43, du 44 que tu choses en bite? Du 43, du 44, non, quand même pas, non. Non, je suis à 26 cm. 26 cm, mec, c'est plus une bite, c'est un semi-remorque. Non, hey, franchement, c'est super gênant. C'est pas vrai. Sans blague, bah oui, envoie une photo à Toff. Non, c'est un gros désavantage parce qu'honnêtement, à chaque fois que je me fous à poil, c'est chiant, quoi. Ah non, mais franchement, et tu sais, moi je voudrais, pour rien au monde, je voudrais avoir la taille de ta bite. Alors là. Moi je veux un 50, moi, un bon 50. Non, non, mais quel intérêt? Je vais pas juste pour me la raconter, de la tirer comme ça. Ça sert à rien, à part des problèmes avec Marlène, là. Ça sert à que dalle, hein. Bah, le problème après, c'est de la ranger, surtout. Bah oui, non, mais vraiment. Non, mais honnêtement, j'ai déjà eu une copine qui s'est désistée au dernier moment parce qu'elle m'a dit, ça rentrera jamais. Oui, elle s'est désistée. Non, je ne peux pas, je m'en vais. J'essaie de rester poli quand même. C'est un truc de ouf. Non, mais oui, c'est normal, vu la taille de l'engin. Honnêtement, c'est chiant parce que quand j'avais 18 ans, en fait, j'ai rencontré une fille avec qui ça marchait super bien, on s'entendait bien et tout, et on a eu un petit problème au niveau de l'axe et du coup, ça a fini aux urgences et tout, quoi. Oh là là là là là là. Ah ouais, c'était sa première fois donc du coup. Ah oui, mais la première fois, la pauvre, elle se tape à 26 cm. Bah, c'est-à-dire que la meuf, t'as dû lui éclater la chatte pour sa vie, quoi. Non, en plus je suis allé super doucement, j'ai essayé d'être le plus tout du monde, mais honnêtement, voilà quoi, une fois qu'on est dedans, on est dedans, quoi. Et puis moi j'adore baiser donc. Ah bah oui, ouais. Bah avec 26 cm tu dois bien galérer surtout, hein. Putain. C'est super chiant et maintenant les mecs qui sont comme moi en France, bah j'espère qu'ils ont. Qu'ils arrivent à gérer leur truc de leur côté parce que moi franchement c'est super galère, quoi. C'est clair. Comme quoi, là on a un témoignage d'un mec à grosse bite, et ben le mec il dit c'est de la merde. Mais tu aurais préféré avoir une petite bite. Ouais, mais honnêtement c'est de la merde parce que moi ça m'a apporté beaucoup de problèmes, et du coup c'est fou, hein. Avec des gonzesses, alors il faut en trouver une qui a un pu à la place d'une chatte. Oui, mais c'est comme c'est classe. C'était beau. Ah ouais, j'ai bien adoré. Ah oui, non, mais c'est hyper classe, hein, ce que tu viens de dire. C'est parfait. C'est vrai, franchement, parce que honnêtement, c'est une grosse galère. Oui, non, mais ça c'est clair. Bon, ben voilà, en tout cas, ben merci d'avoir appelé, Florian, ouais. Alex. Hein. Pas de problème. Et je pourrais passer une dédicace ou pas? Eh ben, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Ok, alors je voudrais passer une dédicace à Justine Mahé, qui, je pense, m'écoute en ce moment, et tu fais un gros bisou sur les fesses. Eh ben, nous aussi, hein, si c'est ouvert. Nous, si c'est ouvert, nous on vient, hein, pas de problème, hein, Juju, il n'y a pas de problème, hein, gros bisou sur la fesse. Puis en plus, on dirait qu'il y a moyen de passer à plusieurs maintenant. C'est ça, super. Bon, salut Alex. Allez, bonne soirée à vous les gars, et bon coup, là, je vous écoute tous les jours. Ah bah, c'est gentil Alex, à bientôt, ciao à toi. Ok, allez, ciao, bisous. Il y a Anna qui est avec nous de Poitiers, là, salut Anna. Salut. Comment ça va? Pas vraiment, j'ai pas bien. De quoi? Ça va. Ah bah tant mieux, bienvenue à toi Anna. Tu voulais réagir à Marlène et par rapport aussi à Floriane du coup, hein. Marlène qui nous avait appelé parce que son mec a une trop grosse bite, du coup ça fait mal. Et elle voulait avoir les meilleures positions pour éviter que ça fasse mal justement, ou en tout cas des conseils. Alors Anna, est-ce que t'es déjà sortie avec un cheval? Non. Ah, alors explique. Avec un poney? Oui, peut-être. Comment? En gros, t'es déjà sortie avec un mec qui avait un gros sexe? Non, pas du tout. Alors, tu voulais dire quoi, toi, alors, par rapport à ça? Je voulais juste lui dire de larguer le gars, quoi, enfin. Elle va pas le larguer parce qu'il a une grosse bite, s'ils sont amoureux, quand même. Non, mais franchement, je vois pas l'intérêt. Sinon, même si elle l'aime et tout, mais... Mais attends, t'es dans ta salle de bain, là? Non, pas du tout. Ou tu parles en hachuré, naturellement? Ou alors t'as le kit Mali ou le haut-parleur? J'ai mis le haut-parleur. Ah mais il faut l'enlever parce que sinon on n'entend rien, ça fait un espèce de sale écho bizarre. Et du coup on a l'impression que t'es dans une pièce vide, ce qui est pas très pratique. Allô? Non bah là elle a tout coupé. Et puis là? Allô? Anna? Oui, je suis là. Ah voilà. Ah bah ça ne change pas grand chose. Bon Anna, donc tu disais qu'il faut qu'elle le plaque, mais pourquoi faire? Voilà. C'est cool quand même. Ah bon? Bah elle va pas le plaquer, s'ils sont amoureux. Bah, je sais pas trop. Bah oui. T'imagines, tu vas larguer un mec juste parce qu'il a une grosse bite, ça veut rien dire. Mais non, Bah non. Bah il y a un message qui est arrivé en envoyant Mickaël au 64-900 là. Il faut lui dire d'aller moins fort et qu'il ne la mette pas à fond. Oui, effectivement, ouais. Oui. Mais sinon ouais, tu lui fais terme des espèces de petits coussins qui se met autour de la bite et comme ça il le met avant de te pénétrer et comme ça ça amortira le choc. C'est pas mal ça. Ou alors un bout de pneu. Ouais, voilà, tu prends t'as un pneu de trottinette. Bon. Là, oui, je suis en train de trembler, mon Dieu. Bon. Ah, pourquoi tu trembles? Parce que la bite arrive. Oui, c'est ça. Le Godzilla. Ouais, c'est ça, le Godzilla. Ouais. Godzilla bite. C'est clair. Bon, bah merci en tout cas d'avoir appelé, Anna. Marlène, j'imagine que t'as pas envie de le larguer, toi, ton mec. Mais non, j'ai pas envie de le larguer. Bah voilà. C'est ça. Bon. Bah écoute, il y avait des messages, Marlène, qui sont arrivés, qui disaient, bah oui, d'essayer peut-être les positions jambes en l'air, d'essayer tout doucement, et qu'il rentre pas à fond. Il est pas obligé de rentrer à fond non plus, en tout cas pas au tout début. Mais quand il augmente la cadence, il me semble. Sans vouloir, parce que c'est pas ma spécialité, mais il me semble qu'il existe des bagues. Des bagues? C'est pas des bagues en. Pas des bagues en or, mais des bagues, un truc en plastique qui permet de bloquer. Qui permet de gérer la distance. Mets-moi la bague à la bite. Non, mais je suis persuadé que ça existe. Ah, je sais pas. C'est pas des bagues pour vibrer? Non, ah, c'est non, un non, truc. Pas les anneaux vibrants, non. Non, c'est un truc que tu mets sur la bite et qui te permet de gérer, quoi, la bite. Bah je sais que pas. J'en ai entendu parler de ça. Bah, j'ai pas ce problème là, donc à ce niveau-là je suis tranquille. T'en as mis une au cerveau, une bague. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui me maintient le cerveau toujours très peu irrigué. Exactement, ouais. Bon, et bah merci en tout cas Anna et Floriane d'être passées. Je vous fais des gros bisous les filles. Ok, d'accord. Salut, restez là. Reste là. Marlène. Puisqu'il y a Mélanie qu'on va prendre dans quelques minutes. On va se faire la suite du canular avec notre canulariste Damien. Il y a des messages qui sont arrivés également. Salut, c'est Mathis. J'ai fait le gainage avec vous, je suis mort, j'ai plus d'avant-bras. Ah bah mec. Bah courage, on est presque au bout. Confirme. Un message qui a été envoyé avec Mickaël, suivi du message au 64-900. Maxence qui dit salut l'équipe, c'est pour demander si Polo peut jouer du pipeau dans le cul de Toff, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Non, le problème c'est que s'il fait ça dans le cul de Toff, ça fait un

au maître en la matière, Damien le canulariste officiel. Putain. Attention, attention, attention. On n'a pas un roulement. Un petit roulement. Si, attends, j'en ai bien un là. Ah, parfait. Voilà, ce sera le jingle de Damien. Bon, Damien, t'es là ? Ouais. Bon, t'as canulariste, on avait appelé un taxi tout à l'heure là pour. Ouais. Parce que tu voulais. C'est quoi ? C'est à Toulouse qu'on avait appelé le taxi. Ouais. Et donc tu voulais. Ton canular, c'était simplement de l'appeler pour lui. Pour le faire venir à une fausse adresse, c'est ça ? Ouais, et là je vais faire changer de place du coup là. Ah bah oui, parce que évidemment du coup. Non, mais c'est important. Et donc du coup. Je vais dire en fait que j'en aurais marre et que j'ai changé de ville et que je suis à la rue Saint-Chrome. D'accord, ok, très bien. Cinq couilles. Ouais, cinq couilles, ouais. Voilà, cinq couilles. Bon, allez. Et n'oublie pas, pas de ça entre nous. Ah, toujours. Ouais. Bon, t'es prêt, on l'appelle ? Ouais, attends. Oui. Après, vous avez fait le coup de la gendarmerie en même temps. Bien sûr. Quel coup la gendarmerie ? Il fait une erreur, c'est un peu comme le Jap. Il veut que la gendarmerie intervienne. Ah, il veut que toi fasses le gendarme. On va voir. Je rigole. T'es sûr ? Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Hein. Allons-y. On appelle taxi. Allez, c'est parti. Musique du sac. C'est parti, ça va sonner là. Enfin, j'espère. Et j'espère que c'est pas fait gauler par les flics à force de rouler vite. Hein. Ah ouais, putain. J'espère. Hein. Bon, t'es prêt ? Musique de sac. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, oui, je suis dans la voiture, là. Attends, bouge pas, je suis occupé, ça roule, ça va vite, ouais, ça va vite. Oh là là, ça tourne, oh là là là là là. Allô, attends, qu'est-ce que tu dis? En fait, je vais te dire une adresse. Oui. Et je suis pas que j'en avais marre, que j'attendais en fait. Ah oui, tu en avais marre, attends, d'accord, mais attends, j'arrive, je suis sur la route, là, j'arrive. Attendez, je vous ai même pas dit la rue où j'étais. Ben oui, je sais bien. Je la rue Saint-Coulon. Où là arrête d'accélérer. Ah, mais le bruit du matin, qu'est-ce que tu fais, c'est gagné. Allez, je suis dehors, je suis devant la rue Saint-Coulon, je suis devant, vite, viens. D'accord, j'arrive pas. Vite, j'ai 1000 euros pour les donner, vite. Allez, qu'est-ce que tu essaies de dire, allô? Attends, je freine, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Non, en fait, je suis à la rue Saint-Couille. Oui, ça j'avais compris, la rue des Saint-Couilles, oui. Et vous pouvez venir me chercher là? Oui, mais là je suis dans un embouteillage. Hein. Ah voilà, ça veut pas. Je vais mettre un embouteillage à créer parce que je suis dans la voiture, on fait quelque chose. Calme-toi, je t'ai dit. Allô, tu vas te calmer? Ah, je suis sur la route, là, je suis sur la route, je peux pas te faire, calme-toi. Oui, je suis devant, vas-y, je suis devant. Wow. Tu crois pas qu'on lâche ce que t'as? Wow. Allô? Allô? Le taxi? Ouais. Putain, il a eu un carton ce con. On l'a perdu là, ça a coupé. Mais c'est bizarre, oui, il y avait un carton. Tu sais comment on va faire? Bah là c'est la merde. Non mais c'est bah ouais, parce que c'est surtout que t'attendais le taxi pour y aller toi. Non mais c'est surtout que je voulais pas en arriver là moi. Le pauvre il a rien demandé, l'autre il fait le taxi et Moi je vais faut prévenir les secours là franchement. Bah oui il faut prévenir. Attends, moi j'appelle les flics, attends bouge pas, Non, pas les flics, c'est le SAMU. Bah c'est trop tard. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Oh non. Alors bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, je suis désolé de vous déranger. Oui, j'espère bien. Qu'est-ce que vous voulez, mon garçon? Sauf qu'il y a un taxi qui a pris un carton, un sacré carton. D'accord, vous êtes sur les lieux, monsieur. Combien y a-t-il de victimes? Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule victime, d'accord. Alors, vous avez vu personnellement, visuellement, l'accident? C'était un taxi, oui, il voulait venir me chercher, mais malheureusement... Ah oui, d'accord, donc d'accord. Alors, vous allez me donner... Là, apparemment, il y a eu un accident de voiture, là, à Toulouse. Allô, donc je vais prendre l'adresse, monsieur. Ouais. Alors, à quelle adresse êtes-vous? À la rue, à Toulouse. Oui. Rue. Oui, je vous écoute. Rue Saint-Couille. Rue Saint-Couille. Vous seriez pas en train de me raconter des couilles ici, monsieur? C'est un numéro de... Monsieur. Non, c'est sincère, il y avait un carton, et là, franchement, il y a quelqu'un blessé, même, c'est pas ma faute, c'est la ville... Ok chef, on a localisé, là on y va. Hein. Bon, c'est bien monsieur, on vous remercie pour votre appel. Nous allons nous déplacer sur les lieux afin de constater le sinistre, l'accident, le problème. On a constaté le constat là. Voilà, hein, donc il n'y a pas de problème, on vous remercie pour votre appel, hein, monsieur. C'était très sympathique et cordial de votre part. Et vive la France. Bien sûr. Mais par contre, excusez-moi, mais pas de ça entre nous. Bien sûr, pas de ça entre nous, monsieur, et je vais raccrocher. Non, vous ne vous rendez pas compte de la chance que t'as. Quand vous m'ayez appelé, monsieur, non, je me rends pas compte. Vous vous rendez pas compte de la chose que vous avez. Non, je me rends pas compte parce qu'en même temps, si vous appelez pas appelé, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Hein, donc. On y va, non, chef là. Ouais, bon, attendez. Mais on a bien compris. Oh. On se rend sur les lieux, monsieur. Je vous souhaite la bonne soirée. Oh, attendez. Oh. Ah, il est parti, Damien. Il est parti, Damien. Oh là là. En tout cas, super. Hein, vraiment, là, au top. Ah ouais, là. Putain. Hey, on est au top du calibre. Bah, combien de. On a reçu 267 SMS là. Ah là, j'ai eu 5 minutes. Ouais. Exactement. On est top tweet monde grâce à toi avec Damien chez Mickaël sur Fun Radio. Bravo. Il y a Philou sur Twitter qui dit est-ce qu'il voudrait pas faire un spectacle, un one man show ou des trucs comme ça, parce qu'il a tellement de talent, il déborde, il reste humble, et ça c'est beau, c'est ça qu'on aime bien chez Damien. Excuse-moi Mickaël, bah bravo, mais je t'en prie, écoute, t'as fait un canular de merde. Je voudrais savoir si ton fils part, je voudrais prendre sa place un jour. S'il part, tu peux prendre sa place, d'accord? Bien sûr, je m'engage. Et ensuite, je voudrais un message de bienvenue, mais hyper violent, mais vraiment violent. Hyper violent? Attends, je vais t'en caler un. Oh, espèce de petit enculé de Damien, avant. Et t'es beau, non? Ouais, c'était pas mal. Ah, il était pas mal. Comment? Pour à propos de Myrlène, moi je suis pas là, en fait. À propos de ouais, c'était parfait Damien. Bah, canulariste, on te reprend dans la semaine. Entraîne-toi encore un peu, on sait jamais. Marlène, du coup, tu restes avec nous. On va essayer de récupérer Mélanie. On va prendre Timothée et Adeline maintenant. Il nous a mis une leçon de canular. Ah ouais, là. Oh là là là là là là là là là là. Tu te prends une jeu légende. Tu te prends une claque comme ça en pleine gueule. Ouais. Non, franchement, violent. Je sais pas si je vais continuer, quoi. Ah bah non, là, c'est clair. Mort de rire le canular. Un message qui est arrivé. Il y a Angel qui dit j'en peux plus avec son accent, vous me tuez, mort de rire, l'accident. Bah oui, écoute. Nes qui dit l'accent entier, pété de rire. Salut Mickaël, mets une claque à Toff de ma part et dis-lui qu'il est con. Bah, message passé. Avec plaisir. Bon, et on va prendre. Qui c'est qui est en train de faire des bruits bizarres? C'est Timothée, là, d'Avignon, là. Timothée, t'es là? Oui. Il est déjà dans l'impro, lui. Il est déjà dans l'impro, oui. Timothée qui est avec nous, 21 ans d'Avignon. De l'autre côté, Adeline, 19 ans de Tours. Vous êtes là tous les deux? Oui, bonsoir. Bon, alors, le match d'impro ce soir est très simple. On va donc, puisque c'était le premier match de l'équipe de France en Coupe du Monde et que c'est la Coupe du Monde, vous allez être dans un stade de foot, d'accord? Stade de foot qui tourne évidemment, puisque le match, vous vous faites chier au niveau du match. Et bah forcément, vous allez vous rencontrer, vous êtes ensemble, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ça termine en érotisme, voire même pornographisme. Il faut que ça baise. Excusez-moi pour les termes, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Exactement. Donc Timothée, Adeline, vous avez compris ? Oui. Le thème de base, le foot, vous êtes donc dans un stade et après, bah, vous démerdez. Il faut qu'en 2 minutes, vous ayez fait connaissance et il faut que ça nique à la fin, d'accord ? Oui. Allez, okay, c'est parti. Il faut que tu tapes bien au fond. Hein. On y est. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Tu vas bien? Ouais, toi, je te trouve magnifique. Ouais, j'ai bien. Hey, ça te dirait pas un petit truc avec moi, là, dans les tribunes, là? Je suis très chaude, là. Et c'est très excitant aussi, dans les tribunes. Je suis très chaud, j'ai envie de prendre dans les tribunes. C'est bien d'avoir ton pantalon serré, là. Oh, Il est trop beau, ton pantalon. Vas-y, viens tout de suite, là. J'arrive. En fait, tu peux baiser dans le terrain parce qu'il y a personne, ça n'est pas vrai. Allez, j'ai envie de toi, là, j'ai envie de te serrer, j'ai envie de te sucer. Vas-y, suce-moi. Je suis chaude, je suis bouillante. Je me mettrai à poil devant tout le monde, je m'en fous, mais j'ai carrément envie de toi, tu m'excites à donf, là. Oh. Vas-y, suce-moi. Rien qu'à te voir, je mouille, je mouille. Ah oui, t'as une belle chatte, hein, ma petite cochonne. T'as une belle chatte. Je mettrai mes doigts dans ton cul, je te les enfoncerai bien. Tu me les lècheras. Allez, ça, vas-y. Oh là là. Allez, vas-y. Oh là là. Oh, putain. Est-ce que tu cries? Oh oui. Vas-y. En même temps, c'est la boule. Ah ouais, là, je bande. Je te prête par le pied avec les doigts. J'adore. Oh là là. Ça me fait peur. Vas-y, petite cochonne. Vas-y, petite cochonne. Oui, les Français, ils ont réussi à le faire. Oui. Vas-y, prends la gifle dans les fesses. Vas-y, prends la gifle dans les fesses. Allez, le but bien dans la chasse, là. Aux armes. Allez, hop là. Stop. Oh, terminé. Oui, t'aimes ça. Non, carrément, t'aimes ça. Stop, c'est fini. Elle veut plus s'arrêter. Stop. Alors, attention. Timothée, Adeline, déjà, je tiens à vous féliciter tous les deux parce que vous avez été tous les deux bons. Ouais. Non, c'est vrai. On a eu des mauvais, on a déjà eu des bons. On a eu des très mauvais. Là, vous êtes vraiment au top. C'est pas mal. Il va falloir vous départager. Donc, je compte sur vous, vous qui êtes derrière la radio. Eh ben, je compte sur vous maintenant. Donnez vos avis. Vous envoyez Mickaël suivi de Timothée ou Adeline, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique pour jouer avec nous. Et puis bah donnez les votes. Lequel des deux doit repartir avec le casque DJ Timothée, casque DJ Focal. Attention, c'est pas de la merde, je peux vous le dire. On les a d'ailleurs ici à la radio. Timothée ou Adeline, vous envoyez Mickaël suivi de Timothée et suivi d'Adeline. Et puis on verra lequel des deux aura le plus de voix. Vous pouvez jouer aussi sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël sur Fun. Il y a Jeanne-Françoise qui dit elle est grave déchaînée, c'est clair. Devers 45 sur le Twitter, pété de rire le match d'impro. Oh putain, c'est trop fucking ouf. Attends, c'est quoi? Je trouve qu'ils sont grave chauds là. Ouais, c'est clair. Hein. Ness qui dit il est bien le match d'impro de ce soir. La mort de rire, moi je vote la meuf, c'est Ophélie. Et puis Thomas qui dit salut l'équipe. Les canulars de Damien sont vraiment trop d'art. Mets un coup de pelle à Toff, s'il te plaît, ça va peut-être l'arranger. Oh non, aucune chance. Hein. Mais bon, le message est passé, le coup de pelle également. Timothée, Adeline, vous restez avec nous tous les deux? Oui. Bon, on donne les résultats dans quelques instants. Retour avec Marlène, on aura Polo contre le reste du monde dans quelques secondes. Donc si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez également 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous ne bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit, dernier quart d'heure. Et on envoie la pub maintenant, ça dure quelques secondes et on revient en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Exact, il est 23h50 sur Fun Radio. Il y a un message qui est arrivé par SMS qui dit c'était du fake votre appel, votre canular. Bah oui, évidemment que c'était avec Damien, vous êtes con quoi. C'est, on se marrait avec Damien, sauf bah que oui. Damien il a pas compris que c'était un fake, mais nous on sait. Oui. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous l'avez pas. Enfin qu'il y en a qui s'en sont pas rendu compte. Oui, n'est pas l'idiot qui pense. C'est ouf quand même. Cela dit, j'ai mis la photo du gainage, de la souffrance plutôt. Oui. Sur le Facebook, Twitter et sur l'Instagram, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. On est plus de 447 000 depuis ce soir là sur le Facebook de l'émission. Continuez d'ailleurs à faire passer les messages autour de vous et continuez à voter également. Je vous laisse encore 5 minutes, même pas 3 minutes, pour voter donc soit pour Adeline, soit pour Timothée qui viennent de faire donc le match d'impro. Vous envoyez Mickaël suivi de Timothée ou de Adeline au 64 900. Ou au 63-22 depuis la Belgique, ou alors via le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël sur Fun. On va terminer avec Marlène également et Mélanie qui appelle de Valenciennes. T'es là, Mélanie? Je suis là. Très bien. Il y aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et Mélanie, tu voulais donner un conseil, un dernier avant de partir à Marlène qui est un mec avec un trop gros sexe. Et bah ça fait mal, du coup elle voulait avoir des conseils. Bienvenue à toi, Mélanie. Merci. Le seul conseil que je peux lui donner, c'est de me donner son numéro. Ah bon, pourquoi? Elle va s'occuper de son mec. Voilà. Je pourrais montrer comment ça, mais il faut partager. Mais bien sûr. Tu verras. T'as un autre qui a 26 cm si tu veux. Ah oui, mais il est parti lui. Aussi, ça peut être sympa. Ouais. Vas-y, viens, moi j'ai 200 cm. Mais je sais pas si de faire la maligne, mais j'aimerais bien l'avoir en face. Ouais, défoncer là, le corps. Ah, ou alors elle est méga bonasse et là voilà, elle n'aura pas. C'est tout à fait ça. Envoie-moi la photo à polo@funradio.fr. C'est ça, si tu puisses juger. C'est ça, juste ça après. Bien sûr. Ça juste après, pardon. C'est ça. Mais il n'y a pas de souci. Mais Mélanie, elle m'envoie son numéro et je m'occupe de son mec. Libre à elle, mais pas sûr que ça marche bien. Mais Mélanie, t'as déjà couché avec un mec qui avait un gros sexe ou jamais? Vraiment. Et quelle taille? 23-24. Okay. Ah oui, quand même, ça bosse quoi, oui, effectivement. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah écoute, Mélanie, on va donner ton numéro à Marlène et après elle en fera ce qu'elle veut. Hein. Y'a pas de soucis. Mais non, mais attends, y'a Polo là, de funradio.fr. Envoie une photo, je gère. Mais si non, parce que sa boîte est pleine, là, il a reçu des abdos de tous les mecs. Maintenant, tout de suite. Non, vous pouvez pas les donner à l'antenne, Mélanie, toi t'es ouf. Donc voilà, n'envoyez pas Apollo, puisqu'il y a déjà plein d'hommes avec les abdos sur son mail. Envoie ton numéro à Apollo, il a déjà reçu plein. Bon, ben gros bisous, Mélanie, tiens-le au jus, hein, Marlène, hein, et puis bah vas-y à la cool. Hein. D'accord. Okay. Gros bisous. Allez, salut, bonne soirée, continuez comme ça. Merci ciao, beaucoup, bon. Ciao, ciao. Bon, alors attention, c'est parti, ladies and gentlemen, Adeline, Timothée. Oui. Bon, vous avez été nombreux à voter comme tous les dimanches soirs pour ce magnifique jeu. Et mesdames et messieurs, merde. Mesdames et messieurs, le gagnant ou la gagnante n'est autre que Adeline. Ouais. Mais je veux quand même saluer la belle prestation de Timothée qui a eu 10 votes et c'est pas mal. Oh c'est beau. Ouais. Non c'est bien, c'est bien. Bon évidemment là Adeline elle a mis la barre très haute, très très haute effectivement. Ouais. Bon ben bah, désolé pour toi Timothée. Bravo Adeline. Merci. Et ben voilà, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées pour le casque focal, sans problème. Ok, pas de soucis. Salut à vous. Salut, deux, bonne fin de week-end. Ciao. Ouais. Et puis l'Argentine qui va démarrer son match là avec Lionel Messi qui va jouer ce soir, Coupe du Monde, de troisième et dernier match de la journée. On suivra pas pour vous parce qu'on ferme à minuit, mais après on va continuer. Vous inquiétez pas, hein, vous pourrez suivre à la télé si vous voulez. Polo against the rest of the world. Il y a Steven qui dit salut toute l'équipe, je vous adore. Merci Steven. Trop mort de rire Adeline, les doigts dans ton cul, je suis plié. Il y a Aurore qui dit Adeline a été à fond, lui était nul à chier. Il s'est laissé faire, les filles savent se prendre au jeu. Il y a Lucas qui dit Adeline a été chaude. Il y avait quoi aussi, Jeanne Françoise, elle est grave déchaînée. C'est vrai qu'elle était bien. Flavien aussi, salut Mickaël, vous allez comment? Bah nous on va plutôt bien Flavien, j'espère que toi aussi. Césarine qui dit salut Mickaël, salut l'équipe, est-ce que ce serait possible de passer ce petit message à mon copain s'il vous plaît Théo, je t'aime. Oh bah le message est passé, gros bisous à toi. Et puis un autre message également, salut désolé je ne peux pas vous prendre au téléphone mais moi mon homme en a une de 22 cm donc je souffre, mais il faut savoir que je souffre deux fois plus car j'ai l'utérus rétroversé, donc peut-être que certaines ont mal à cause de ça. Bonne soirée. Rétroversé, qu'est-ce que c'est ça? Et Alexis au 64-900 qui dit les études d'animateur sont-elles dures? Bah écoute, tu vois qui est aux commandes des radios en règle générale, les gens sont pas très futés. Donc je serais. Bah non, c'est vrai, tu vois, c'est pas le métier. Ouais, si, après, si t'as des radios comme RTL, tout le bordel. Ah oui, c'est des têtes. Vrais journalistes, etc. Là, c'est des futés. Après, bon, on n'est pas non plus, tu vois, on n'a pas inventé l'eau chaude, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, froide, écoute, on est là, on se marre, et puis on espère qu'on vous fait marrer aussi. Hein. Polo against the rest of the world. Ouais. Cette grande émission, magnifique, mythique maintenant. Hein. C'est ça. Allez, c'est parti. Dieu au talent, mais bon. Salut, c'est Clara Morgan, et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. Ne quittez pas, je reviens dans quelques instants. Non, c'est pas vrai, c'était pour rire. C'est pas drôle, mais c'est toujours sympa. Oh la vanne! Corentin, on t'écoute. Très drôle, très drôle. Oh l'horreur, le commentateur là derrière. C'est mec qui. Ah, c'est nul! Corentin! Ah, drôle, ouais. Drôle! On t'écoute. Tu sais comment occuper une bombe? Eh, hey, Corentin? Ouais. Est-ce qu'il y a écrit sur mon front le salon de la blague? Non. Eh ben alors pourquoi tu viens faire des blagues? Le commentateur. Salut Polo. Yo ma gueule. Bon, je vais vous expliquer un truc. Il y a une différence entre les commentateurs maghrébins et les commentateurs français, mon pote. Eh hey, calme-toi, va pas. Il y a rien, non mais rien de méchant. Tu veux pas voir la différence? Vas-y. Alors, Karim Benzema, goal. Et là, Christian Jean-Pierre, Benzema, but, ouais. Et Vicente Lizarazu, ouais, youpi, but. Merci le commentateur, le fou. Ouais Polo. Ouais. Tu te souviens de moi? Non. Non. Non. Bah tu sais, je t'encule plus, maintenant je te la colle sur le front. Oh là là, eh, mais qu'est-ce que tu fais pitié. Est-ce que tu t'es rendu compte de la bêtise que tu viens de dire? Bah ouais. Alors réfléchis-y. Stéphanie, je t'écoute. Ouais Polo. Ouais. Est-ce que tu t'es mis un concombre dans le cul? Des quoi? Un concombre dans le cul. Mais bien sûr, tous les soirs avant de dormir, je me mets un ou deux concombres. Et le lendemain matin, ça fait une espèce de purée que je mange. Ça te fait plaisir? Allez, casse-toi. Sofiane! Ouais, salut Polo, c'est sympa de venir un doux. Attends, Sofiane, t'es une fille ou un garçon? Un garçon. Tu t'appelles Sofiane et pas Sophie Anne? Non, je m'appelle Sofiane. Putain, avec la voix, je croyais que t'appelais Sophie Anne. Ouais. Bon, Sophie, je t'appelais Sophie. Tu veux devenir doux? Ouais. Bon, Sofiane, tu veux rentrer dans la grande armée des doux? C'est ça. Bien, je peux accéder à ta demande, moi qui suis le grand maître de l'armée des doux, de la grande confrérie des doux. Écoute-moi bien! Est-ce que tu es prêt? Ouais. Mets-toi à genoux. C'est fait. C'est fait. Insulte-toi. Je suis un connard, je suis un tof, je suis un bouffon. Ça suffit. La nouvelle insulte, maintenant, c'est le tof. C'est énorme. Ouais. Bien. Est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ouais. Assaisonne-toi le front et le crâne de coups. Ok. Stop, ça suffit, Sofiane. Tu es officiellement un doux, bravo! Ouais! Tu seras le doux Barbie, voilà. Okay. Ça te va, Sofiane? Ouais. Allez, fous le camp. Jean-Jacques Dulac. Polo. Ouais. Il y a quelques jours, je me baladais et je t'ai vu. Je comprends rien. Gagik. Visitez cette gag, mais tu vas me dire. Je comprends pas ce que tu dis, Gagik. J'ai dit, visitez le site. Je comprends rien. Corentin. Ouais, qu'est-ce qu'un roux qui transpire? Je sais pas. Hop, le commentateur. Le voilà. Commentateur. Oui, la direction a reçu des mails aussi. Hein. Ah ouais? Il y avait écrit des choses intéressantes. Hein. Je peux avec des je t'emmerde et plein de je t'emmerde. Voilà, donc. Décidément, c'est ton obsession, ça. Le fou. Ouais, bah, j'ai réfléchi, Polo. Ouais. Je suis content. Complètement fou. Je me jette des petits pots au nez. Très bien. Stéphanie. Ouais, Polo. Ouais. Je pourrais chanter le générique de ça. Avec plaisir. Sofiane. Ouais, je peux faire je fais une pub pour ma page de photo MDR. Vas-y, et tu veux pas t'acheter un appareil pour grossir ta voix? Un large your voice, après un large your pénis. Vas-y Barbie, je t'écoute. Ouais, je fais une dédicace à Sandro, Quentin, ouais. Et c'est tout. D'accord, bah super. Jean-Jacques Dulac, conclusion s'il te plaît. Tes yeux sont aussi bleus que Mac. Casse-toi, Gagui, conclusion. Puis-je devenir un bout? Quoi? Je peux devenir un doux? Non, dégage, reviens demain. Sofiane, conclusion, mon petit. Ouais, je fais une page pour ma page photo MDR. D'accord, photo c'est génial, allez, dégage d'ici. Stéphanie, tu restes ici, bien entendu. Le fou, conclusion? Bah, la conclusion, c'est que je te baise. Tu vas être un peu déçu parce que j'ai l'arrêt du cul un peu poilu. Oh. Je pense que tu prendras pas de plaisir. Je te laisse le trou de bol. Bah, vas-y si tu veux, mais ça, vous voyez, parce que je prendrai pas de plaisir non plus. Et tu sais que je suis un peu fort, un peu plus fort que toi, musculairement parlant. Je peux te briser les os et t'enculer au passage. Je te mets à 35 cm dans le cul, tu vas voir. Avec plaisir, espèce de sale con, va. Le commentateur, conclusion. Ouais. Non, attends deux secondes. Corentin? Ouais. Allez, fous le camp. Le commentateur, et on n'aura pas la réponse à ta vanne. À toutes les connasses de Maubeuge, là, les combattants. Et une dernière chose, mon petit Polo. Vas-y, ma gueule. Connard. Ok, connard. Super. Allez, hop, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde, qui a vu la victoire de la France, et ça c'est beau. Merci à ceux qui m'écoutent, et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1, et ça n'a pas de prix. Salut, c'est Clara Morgan, et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Allez, top tweetos maintenant, générique de fin juste après, et c'est, ah oui putain, Argentine Bosnie-Herzégovine là qui va jouer là. Gros match. Argentine, ouais. Bah oui, je pense que c'est l'Argentine, enfin j'espère pour eux. Bon allez, c'est parti, top tweetos, on va voir lequel de vous maintenant a été l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag MIKL sur Fun. Alors, on y va, quel est le number 5? Number 5, c'est Nadia. Numéro 3. Et le 4, non. 4, pardon, oui, j'ai vraiment. Corentin. Numéro 3, du coup, maintenant. Ophélie. C'est bon, là. Numéro 2. Zacharia. Et numéro 1. Kinan. Kinan qui a gagné, donc Kinan. Oui. Bravo, Kinan. Et ben voilà. Je me permets de te couper. Est-ce qu'on peut faire une allergie aux Zacharia? C'est drôle, ça. Zacharia. Allez, hop, c'est parti. Bon, allez, générique de fin avec Stéphanie qui est avec nous. On y va. Kinan qui a donc gagné un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Sauf s'il est mineur, il repartira avec autre chose, bien sûr. Allez, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'offres te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Eh Steph, toi c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Allez, parti. Dormir, manger, toute la journée. Eh, tu fermes ta gueule, je te dis, espèce de bâtard. Si t'es pas content, tu viens en bas et je te plume la gueule avec mon 22, je te dis. Et t'arrêtes de me faire chier, t'as compris ta race. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais va te faire enculer. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Mais va te faire enculer. Moi je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton bouche. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un enculé. Tu es un Bon bah voilà, c'était. Alors c'était un peu cacophonique. Désolé tous les auditeurs, mais ah ça oui. On fera mieux demain. Enfin, on fera mieux un autre jour. Bon, et bah salut Steph, gros bisous. Salut, bisous. Salut à toi, ciao. Bon, et bah bonne soirée à tout le monde. Toi qui allait faire quoi? Il va regarder l'Argentine. Ah bah un but pour l'Argentine, hein. Deuxième minute ah de oui, jeu là. Je pense que ça démarre mal là pour la Bosnie là. Et 1-0, bon, en même temps, fallait s'y attendre, hein, mais bon voilà. Bah au moins on vous tient au jus, hein. Hop, premier but, comme ça on a tenu au courant, voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il va faire du coup ce soir? Bah je vais ramener Polo comme il n'y a pas de train. Ah oui, c'est vrai, la SNCF, bah Polo qui va rentrer avec Toff. Pas tout le chemin, mais on va peut-être partir, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc et Sandro, elle qui va regarder le match, hein, évidemment. Elle adore ça. Évidemment. Bah évidemment là. Avec une bonne bière. Eh ben voilà, bière, bière chips, tout ça pépère quoi. Toute l'après-midi elle a jonglé avec son ballon là. Tout à fait. Elle a oui, bien son sûr. Ballon. Attends, elle dribble et tout maintenant, ouais. Elle déchire. Attention. Oh là là, mais grave. Bon bah bon, bonne soirée tout le monde. Bon week-end, enfin bonne fin de week-end plutôt. On se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio. Et puis on vous tiendra au jus aussi. Bah on vous donnera les résultats si vous n'avez pas eu accès à la télé du match. Demain c'est Portugal-Allemagne. Il y a un gros match à 21h. Aussi c'est quoi, j'avais Iran Nigeria, attention au top. Et donc on sera de retour à partir de 23h. Bonne nuit tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, je vous embrasse, bonne nuit, bonne chance pour les examens demain, pour ceux qui ont le bac ou pour les examens, bah allez-y, ça va bien se passer, on en parle demain à partir de 23h. Salut. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël de 20h à minuit sur Fun Radio.